Bonjour à tous, bienvenue dans le Upcast 22, le Upcast que nous enregistrons le 13 décembre 2015. Un Upcast un peu différent des autres puisque c'est un Upcast bilan que nous allons faire tous ensemble. Je suis en compagnie de Dim. Salut Dim. Salut. Oula, ça a coupé. T'as dit salut? Ah ouais, j'ai dit salut. Ah voilà, on t'entend un peu mieux. Il y a des petits hachures, mais ça va passer. Salut Greg. Salut. Salut Julien. Salut à tous. Bon, donc comme je le disais, on va parler de divertissement, d'art ludique, de techno, ben voilà, de plein de choses en fait. Mais surtout ce qui est un peu différent peut-être, ce qui est différent, préciser, voilà, c'est que... on va parler de tout ce qui nous a marqué en 2015, que ce soit au niveau des films, des jeux vidéo, voilà. Pas trop d'actualité dans ce podcast. Non, hein, c'est presque un thématique, non? On avait promis les thématiques. Ah, c'est ça les thématiques, les voici. Ah, okay. Les thématiques bilan. Les thématiques improvisées. Voilà, un petit podcast bilan pour dire ce que nous on a retenu de l'année, ce qu'on vous conseille si vous n'avez toujours pas vu, c'est-à-dire que... C'est pas bien, ouais, quoi, les gars. Ça peut être les événements ou les œuvres qui nous ont marqué en fait. Voilà, dans cette année. On va facile à présenter et difficile à préparer et difficile à présenter. Exactement. Ouais, exactement. Ouais. Donc vous prenez un petit calepin, un petit crayon et vous notez les films qu'on vous dit. Puis vous allez les voir, hein, les gars. Allez, hop, hop, hop. Après vous nous dites si c'est de la merde ou pas. Il va y avoir du taf. Il va y avoir du taf. Allez. Est-ce qu'on fait un petit retour sur les commentaires du dernier podcast? Bah écoute, à part Chaton Pute qui nous a dit Chrono Wars c'était de la merde et qui nous a fait réaliser Chrono Wars c'était de la merde. C'est vrai qu'on a regardé. Alors oui, c'est vrai. Et on s'est tous dit mais en fait il a raison, c'est de la merde. Moi, je vous l'avais dit, les gars, de pas aller voir ce film. Bon, moi, j'ai vu au cœur de l'océan. Dim aussi. C'était une bonne cinématique d'Assassin's Creed Black Flag. Voilà, on est d'accord là-dessus. Non, mais il y avait surtout, on avait retenu quand même de Renoir Rush. Ouais. Que j'ai pas vu, moi. Ouais. Moi, La Rançon, j'avais bien vu. Et voilà, donc La Rançon et Willow. Oui, ah oui, Willow. Et Happy Days, mais bon. Mais c'est pas lui qui a réalisé. Il a réalisé quelques épisodes, je crois, vers la fin. Ouais, ouais, il avait des velléités de réalisateur. On est encore en train de faire un podcast sur Renoir, les gars. On va se calmer. Tant que c'est pas Channing Tatum. Bon, allez, on va commencer par la partie divertissement. Divertissement avec, on va commencer par parler un peu de ce qui nous a marqué au niveau news et actualité en 2015. Grégoire, tu as retenu la discrimination à Hollywood. Oui, j'ai retenu effectivement ce sujet qui m'a un petit peu marqué en 2015. Alors pourquoi il m'a marqué principalement ? C'est qu'en fait, j'ai réalisé en reprenant un peu l'essentiel de mes notes de 2015 que quand même on en avait parlé dans 4 podcasts différents de la discrimination à Hollywood. Et bon, je suis peut-être un peu naïf, mais c'est quelque chose qui m'a surpris que justement en 2015, ça soit un sujet encore autant d'actualité. On en a parlé, alors pour ceux qui veulent réécouter les anciens numéros, je les cite rapidement, c'est dans le podcast 8, 12, 13 et 19. Oh, quel profil. Voilà, j'ai été recherché un petit peu. On avait commencé en fait ça en début d'année avec déjà un premier constat qui avait été réalisé par un institut qui s'appelait Women in Film et qui avait dressé un tableau assez critique de la situation des femmes dans l'industrie cinématographique, notamment vous. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce test de Bechdel qui servait à voir s'il y avait un film devait comporter au moins 2 femmes qui doivent parler ensemble et à propos d'autre chose que d'un homme. Et que seulement en 2014, seulement 55% des films avaient réussi à passer ce test. Et c'est un chiffre en baisse par rapport à 2013 puisque c'était 67%. Aussi également dans les chiffres un peu marquants en début d'année, on avait eu 28% des personnages principaux féminins dans les films qui étaient, voilà, seulement 28%, c'est pas énorme pour les personnages principaux féminins. Et enfin, on avait vu que seulement 12% des films avaient des femmes qui étaient des héroïnes dans les 100 premiers films du box office américain. Ça, c'est l'université de San Diego qui avait rapporté ça. Ça avait continué un petit peu plus long dans l'année avec d'autres études qui nous avaient aussi appris que dans les 1300 plus gros films réalisés entre 2002 et 2014, il n'y en avait que 4,1% de femmes parmi les réalisateurs, puisque ça ne se situe pas qu'au niveau des acteurs, la discrimination, c'était aussi un des enseignements de l'année. On avait eu aussi un truc que j'avais trouvé assez intéressant, qui était un sondage auprès de 59 réalisateurs, vendeurs et acheteurs de films, dont 20 femmes, et qui estimaient pour 44% d'entre eux que le milieu du cinéma, en gros, n'était pas fait pour les femmes, puisque c'était plutôt un truc où les hommes devaient réaliser que les femmes. Donc il y avait quand même pas mal de femmes qui pensaient ça aussi, comme quoi au niveau réalisation, c'est assez compliqué pour une femme à Hollywood. On avait eu aussi tout simplement le constat que, par exemple, juste dans les récompenses, dans les Oscars par exemple, la place des femmes était largement sous-représentée. Hein. Depuis 1929, on a eu que 4 femmes qui étaient nommées dans la catégorie du meilleur réalisateur. Et il a fallu attendre 81 ans pour voir une femme soulever la fameuse statuette, pour info Catherine Bigelow, ouais. Voilà, donc ex-femme de James Cameron. Et qu'en plus, à côté de ça, la place des femmes par Hollywood, c'était un peu la solution en ce moment. Surtout en 2014, en 2015, c'est une chose qu'on a constaté, c'était les remakes 100% féminins. Quoi. Mmh. Hein, la mise en chantier de Ghostbusters, etc. Voilà, avec, on met des femmes à la place, et c'est ça le féminisme à Hollywood actuellement. Ce qui est quand même un petit peu triste. C'est vrai qu'en gros, on donne des rôles de mecs à des nanas, juste pour dire on met des nanas. Quoi. Exactement, et tout ça, ça avait noté, ça a déboulé. Alors en fin d'année, c'est dans le dernier podcast, dans le podcast 19, dont on a parlé de ça, à finalement une lettre de... voilà, qui avait été publié par l'American Civil Liberty Unions, qui, donc une association de défense des libertés individuelles, qui amenait à faire une enquête sur justement la place des femmes à Hollywood, des réalisatrices notamment à Hollywood. Donc c'est peut-être quelque chose qui pourrait déboucher sur des poursuites judiciaires, hein, si effectivement l'enquête conclut qu'il y a effectivement des discriminations. Donc là, on voit qu'au fil de l'année, il y a eu d'abord les plaintes, puis ensuite ça a mené vers une pétition et ensuite une lettre officielle qui a mené maintenant à une enquête qui est officielle aussi. Donc voilà. Et puis plus récemment, on a aussi parlé d'un autre type de discrimination qui était le whitewashing, hein, Hollywood, dans un de nos derniers podcasts. Ah oui, c'est vrai. Qui m'avait pas mal marqué aussi, qui était l'histoire de Pan, qui avait été mis en scène par John Wright. Et dans lequel il y avait Tiger Lily qui avait été confié, le rôle était confié à Rooney Mara, alors qu'elle était une jeune indienne issue d'une tribu dont je n'arrive pas à prononcer le nom, Pikajini. Bon voilà. Voilà. Donc voilà, encore une fois, ça avait mené une pétition, etc. Là-dessus, pour l'instant, il n'y a pas eu des masses d'évolutions. On avait un peu conclu amèrement que de toute façon, il n'y en aurait pas forcément, puisqu'à Hollywood, ça a toujours un peu été comme ça. Donc voilà, en fait, c'est un peu triste, hein, que cette actualité revienne autant dans l'année. C'est surtout qu'elle soit autant présente en 2015. Bah, c'est ça. On sera en 1915. Bon. Bon, les gars, ok. Je dirais, ok. J'accepte. On n'aurait peut-être pas le même discours. Ouais, c'est normal. Mais là, c'est la cuisine. D'ailleurs, je vous conseille la dernière vidéo du fossoyeur de film où il y a un extrait de King Kong où on voit des personnes de couleur noire et un figurant qui tombe et sa perruque qui se raccroche à un élément du décor. Et en fait, on voit que c'est quelqu'un qui est blond et peint. C'est assez drôle. Et voilà, quoi, c'est non, on avait parlé notamment de... C'était Tonnerre sous les tropiques. Ouais, ouais. Où Robert Downey Jr. joue le rôle d'un noir. Tu vois, tellement dans son truc. C'est assez drôle. Voilà, donc c'est vrai que ça m'a marqué parce qu'on en a beaucoup, beaucoup parlé finalement de cette histoire. C'est vrai que c'est revenu souvent dans l'année maintenant que t'en reparles, je me souviens, ouais. Ouais. Bon, d'accord. Voilà. Amer constat de l'année 2015. Amer constat, ouais. J'espère qu'on aura des news sympas quand même à retenir au final. Oui, allez, on en aura quelques-unes. Bon, Julien, tu vas nous mettre quelque chose de plus sympa dans la tête ? Ouais, à la base, j'avais regardé un peu les news que j'avais traitées et je pensais que le Sony Leaks, c'était en 2015. Et en fait, c'était en 2014. C'était fin 2014. Ouais. Ouais, il y a eu des répercussions. C'est vrai qu'il y a eu des répercussions, mais c'est vrai que c'était un des événements. Je ne l'ai pas mis là, mais on en avait beaucoup parlé, même encore pour toutes les news qui tombaient, les rumeurs. Oui, parce qu'on a appris tellement de choses, en fait. Les petites déclarations, les petites guéguerres intestines dans la production de tout ce qui est Hollywood. Mais moi, j'ai surtout retenu Star Wars, puisque je pense qu'on n'a pas dû faire une émission sans parler de Star Wars. Et finalement, ce qui m'a marqué, c'est la maestria de Disney à vendre son film. Je trouve que ce qui était intéressant, c'est qu'ils en ont beaucoup parlé, ça a occupé tout l'espace, toute la scène. Alors après, nous aussi, on lui a donné beaucoup d'importance, mais on peut pas nier que ça a été très présent. Et en même temps, on a vu quand même peu d'images. On faisait le constat, je crois que c'était toi, Dim, qui rappelait que pour Avengers, si tu mettais bout à bout tous les trailers et les... Ça faisait 20 minutes de film. Voilà, 20 minutes de film. Là, je sais pas si on a vu plus de 2-3 minutes et encore... Y a quelqu'un qui a comptabilisé en mettant bout à bout, je crois que c'est on a eu 4 minutes. Ouais, voilà, donc ça reste quand même pour un film aussi attendu, aussi important dans la culture pop ou la culture geek, ça reste quand même, à mon avis, une maestria de rien montrer et de susciter autant d'attentes, mais en même temps, c'est logique, moins t'en montres, plus c'est comme pour tout. Hein. Mais justement, tout le monde ne sait pas appliquer cette logique. Voilà. Mais bon, ils peuvent se le permettre parce que c'est une licence qui est assez forte. Mais je trouve quand même, cette année, j'ai l'impression que Disney, ils ont réussi à remettre Star Wars sur le devant de la scène. Je ne me rappelle pas qu'à l'époque de l'épisode 1, où on était un peu plus jeune, mais je ne me rappelle pas qu'on en parlait autant. Alors, la sphère médiatique, Internet, était moins puissant qu'aujourd'hui. Mais j'ai l'impression qu'il y avait peut-être moins d'attente. Enfin, il y avait de l'attente, mais ça a été moins bien suscité par Lucasfilm à l'époque qu'aujourd'hui. Je suis un peu en désaccord quand même. Hein. Moi, justement, ce qui je suis vraiment très intrigué en ce moment. C'est que j'entends beaucoup de gens, dont par exemple Stan, qui est pas mal blasé, que c'est un peu du matraquage, qu'on en a souvent quand même parlé. Mais je trouve que c'est vraiment rien comparé à l'épisode 1 à l'époque où, mais franchement, tu pouvais pas sortir à la rue sans voir des affiches dans les magasins, t'avais tout qui était Star Wars. Ah, je suis assez d'accord, hein. Je me souviens que tu pouvais être allé genre chez Auchan ou je sais pas quoi, tu pouvais pas acheter un gâteau sans qu'il y ait marqué gâteau Star Wars dessus. Enfin, ça devenait hallucinant, il y avait des partenariats partout. C'était extrêmement commercialisé partout, il y avait du branding partout. Bah, là aussi. Enfin, voilà, le film était sorti en 99. En 99, je regardais encore un petit peu la télé. Maintenant, je regarde plus du tout la télé, je suis sur Internet. Bon, bah, forcément, sur Internet, sur des sites de ciné, donc on en parle. Mais à la télé, je sais pas vraiment si on en parle beaucoup. Je sais pas si vous avez pu remarquer ça aussi. Je sais pas. Je pourrais pas trop dire non plus. On regarde pas la télé, d'accord. On regarde pas trop la télé. Justement, je trouve que la communication, elle s'est déplacée justement vers Internet. Leur communication, elle est plus là. C'est-à-dire, quand ils ont lancé le trailer, t'en parles surtout. Alors après, c'est repris sur Twitter, dans les médias. Mais maintenant, c'est beaucoup plus. C'est viral, ça se propage beaucoup plus rapidement. Et tu disais, moi, je trouve, par exemple, tu vas en kiosque. Il y a 12 000 publications qui parlent de Star Wars. Hein. Je te dis, c'est Cheval Magazine, ils vont te faire un truc sur Star Wars. il y a des trucs, c'était dingue. Quoi. Il y a Philosophy Magazine, ils ont fait un truc sur Star Wars. Il y a des expos qui parlent de Star Wars. Dans toutes les vitrines, même Célio, tu as du Star Wars. Voilà, il y a des. Quand tu disais, dans les magasins, moi je vois plein de trucs Star Wars dans les magasins. Je vois pas l'intérêt, mais bon. Tous les gamins dans les. Tu vas à la grande récré, il y a des. Ça, c'est. Enfin, quelque part, c'est normal que le monde s'approprie quelque part cette œuvre de pop culture et la remette dans leurs magasins, dans leurs objets, etc. Enfin, et puis il y a des accords commerciaux, bien sûr, derrière. Ouais. Mais après, je trouve qu'en termes de communication, c'était quand même mieux fait, plus finement. Justement, tu disais seulement 4 minutes de film, c'est pas énorme. La communication sur. On avait parlé dans un podcast le fait que justement ils reprennent des acteurs originaux, qu'ils fassent des effets spéciaux non plus en CGI mais des effets spéciaux pratiques. Il y a un truc qui est énorme. Il y avait une meilleure communication, on va dire. Le fait de communiquer là-dessus, c'était une bonne idée, c'était bien fait. Il faut penser que J.J. Abrams, il n'a pas de la même génération que George Lucas et il a grandi avec les Star Wars comme nous, on a grandi avec les Star Wars. Et du coup, il sait ce qu'on a. Enfin, genre, entre guillemets, il a les mêmes attentes que nous, quoi. C'est-à-dire qu'il veut revivre un peu ce qu'il a vécu étant enfant en voyant les Star Wars. Donc, d'où le fait de reprendre les acteurs d'origine, de repartir sur une base clean. Les studios auraient pu dire non. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont eu tout un plan. Ils ont eu l'intelligence d'accepter, bonne logique, quoi. Voilà, et de comprendre. Bah, je trouve que ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'ils ont réussi à la fois à s'adresser un peu aux fans hardcore de Star Wars via J.J. Abrams, qui est le geek un peu par excellence. Oui. Et en même temps, ils ont réussi quand même, grâce à la force marketing de Disney, à la force commerciale, à capter les enfants. Moi, j'ai pas mal de gens dans mon entourage dont les enfants ont 5-6 ans, ils sont fans de Star Wars. C'est vrai. C'est vrai, ça. Et pourtant, ils sont ni nés à l'époque de notre première trilogie, ni la seconde. Ils sont vraiment en ce moment avec les Lego, avec tous les. Il y a des trucs dans les. Les dessins animés, les Star Wars Rebels. Et ouais, tout. Voilà, les dessins animés. Il y a des partenariats avec des grandes surfaces pour récupérer des cartes selon un certain nombre d'achats. Enfin, t'as plein de partenariats comme ça. Et je trouve qu'ils ont réussi à s'adresser. C'est-à-dire que le film, il a l'air quand même d'être fait pour les fans de Star Wars, les types qui ont été un peu déçus par la précédente trilogie, notamment par l'épisode 1, qui était adressé aux enfants, comme l'avait dit Lucas, et pour qui la toute première trilogie originale était un soap opéra. Là, t'as l'impression que ça vient plus dans ce que les fans qui ont une trentaine d'années ou qui ont une quarantaine d'années attendent d'un Star Wars en 2015. Alors après, je sais pas ce que vaudra le film, ça se trouve, ça va être pourri, hein, mais j'ai l'impression que ça prend un chemin plus intéressant que ce que faisait la précédente trilogie, quoi. Ouais. En tout cas, au cours de l'année, c'était bien orchestré, effectivement, pour le bilan, entre comme tu l'as dit, la première bonne annonce, enfin, déjà les annonces, ensuite le premier trailer, où ça a fait un buzz pas possible sur Twitter, etc. Puis maintenant, à chaque fois qu'il y a des images dans un trailer japonais, ou la moindre petite image, etc., on en entend bien parler, les annonces, tout ça. Moi, j'ai trouvé qu'au fil de l'année 2015, on va dire, ils ont réussi à bien faire monter la pression. Et maintenant, forcément, c'est la semaine prochaine. Là, on est devant le fait accompli. Maintenant, tout le monde en parle, tout le monde l'attend. Et c'est un peu obligatoire. Mais du coup, au fil de l'année, ça a été plutôt bien mené. Ouais. Moi, ce qui m'énerve maintenant, c'est plus le film approche, moins je supporte de voir des nouvelles images. Sûr que maintenant, j'ai plus envie d'en voir, moi, perso. J'ai envie d'avoir. Pour moi, maintenant, s'ils commencent à décortiquer des bandes annonces japonaises, je me dis, mais arrêtez, c'est trop tard. C'est un peu dommage, presque. Pour moi, il faut couper les vannes à un moment, juste avant la sortie. Il faut que les gens retiennent leur souffle. Après, c'est un choix de regarder. Je sais que j'ai regardé les trois vidéos, les trois teasers, les trois trailers. Puis c'est tout, quoi. Après, je sais qu'à limite, tous les deux jours, il y avait un nouveau spot télé avec toujours une image supplémentaire. Mais bon, après, j'ai pas regardé, quoi. J'en sais pas plus sur le film, je pense. Je sais aussi, en regardant pas mal de commentaires sur Internet, c'est que beaucoup font ça aussi, quoi. Donc, c'est vraiment un choix, quoi. Oui, il faudra savoir se préserver. Mais de toute façon, on aura la réponse, j'ai envie de dire, dans une semaine. Donc, pour ceux qui iront le voir, Dim, tu vas le voir dans une semaine Ouais, bah, je vais le voir Le jour de la sortie, quoi. Ah oui, carrément. Donc, bah, dès mercredi soir, je pourrais vous spoiler, quoi. Ouais, ok, c'est cool, merci. Et bah, comme ça, on va pouvoir te bloquer sur Skype. Hein. Voilà. Non, on essaiera de faire un retour en janvier. J'imagine qu'on l'aura peut-être tous vu. Moi, je l'aurais pas vu. Podcasts. Ouais, mi-janvier, peut-être. Hein. Il faudra attendre un peu pour pas spoiler les gens, justement, parce que je pense qu'il va y avoir des. Ça va être vraiment difficile de voir, je pense. Clairement, on dira juste si c'est bien ou pas. On dira pas plus. Oui, on n'ira pas spoiler. On fera pas une analyse. Une analyse non, image plan par plan. Analyse plan par plan. Il y aura un podcast de 4 heures avec Dim. Il y aura tout seul. Dim tout seul pendant 4 heures. Dim sur Skype qui prendra toutes vos questions sur image par image. Bon, allez, Star Wars nous a tous marqué. Grégoire, un autre phénomène qui est arrivé en France cette année. Oui. En fait, on en parle tellement, c'est tellement entré dans les mœurs qu'on a oublié que c'était que cette année que c'est arrivé. Bah, en fait, c'est en fin d'année dernière, enfin, fin 2014 que ça. Donc, je reviens en fait sur Netflix hein, pour être un peu plus clair. Le suspense, c'était, sur ce... c'était un gros suspense. Puisque c'est vrai que c'est le 15 septembre 2014 que Netflix débarquait en France et qu'on était tous un peu en attente finalement de l'arrivée de cette société. Enfin, personnellement, je l'attendais beaucoup. J'étais pas trop sceptique perso. Bah, c'est parce que je savais qu'aux États-Unis, ça marchait énormément, oui, etc. Voilà. C'est vrai que par contre, rapidement, après, moi, j'ai tout de suite souscrit le premier mois où c'est arrivé. Et là, pour le coup, je suis devenu très sceptique d'un coup quand j'ai vu le contenu au débarquement de Netflix en France, puisque c'était très, très pauvre, hein, très peu d'œuvres. Je rappelle quand même rapidement que c'était pour 7,99€ par mois. Au final, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année ? Après la première déception initiale que j'étais pas le seul hein, à ressentir, il y avait eu un gros sentiment de déception partagé par pas mal de Français, un peu un avis mitigé sur Netflix et l'arrivée de Netflix quand on était fin 2014. Finalement, dans l'année 2015, les Français se sont un peu réconciliés avec le géant de la vidéo à la demande. Il n'y a pas de chiffres officiels, hein. Netflix ne communique pas sur les chiffres pays par pays, mais on sait qu'ils ont communiqué par contre sur le nombre d'abonnés en Europe, à savoir de 21 millions d'abonnés en Europe, ce qui est déjà un très très bon chiffre. Selon les différentes études, en gros, on est proche des 900 000 abonnés en France, a priori. Voilà, voilà. C'est à peu près, il y a plusieurs études, hein, ça vient du New York Times, etc. Voilà, à titre de comparaison, le nombre d'abonnés de Canal Play est de 700 000. Donc on est quasiment à égalité en ce moment entre Netflix et Canal Play. Donc on voit qu'il y a eu quand même une sorte de réconciliation des Français avec Netflix. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que le catalogue a été de plus en plus fourni aussi au cours de l'année 2015 et beaucoup de contenus sans cesse inédits qui ont été apportés sur la plateforme. Maintenant, par exemple, il y a 10 848 contenus sur Netflix en ce moment. Canal Play en a 10 000. Donc, il les dépasse un tout petit peu. Le seul problème, c'est vrai que Netflix... Bon, bah, malheureusement, en fait, c'est un problème qui n'est pas lié à Netflix, mais qui est lié à la France. Hein, c'est la chronologie des médias et qu'on n'a toujours pas trouvé de solution en 2015 au fait de pouvoir voir des films ou des séries récents sur Netflix. Donc ça reste un problème qui, a priori, il n'aura pas de solution tout de suite, je pense. Enfin, je ne vois pas comment ils peuvent... trouver une solution à ça. Par exemple, Casse-tête chinois, qui est un film de 2013, est déjà disponible sur la version américaine de Netflix, mais encore loin d'être disponible sur Netflix.fr. Casse-tête chinois de Capiche ? Ouais. Sur la version américaine. Ouais, on peut le trouver sur la version américaine, ouais. Oui, je suis étonné. Ouais, si tu mets un petit truc pour changer de pays, tu l'as. D'ailleurs, le bienfait de Netflix, c'est qu'il nous a fait découvrir les VPN. Hein. Voilà. Merci Netflix de nous avoir fait découvrir les VPN. Effectivement, aujourd'hui, 94% des abonnés de Netflix se déclarent satisfaits, hein, d'après un sondage du JDD, maintenant qui date de 6 mois, donc peut-être que même c'est encore plus élevé au-dessus depuis. Et c'est vrai qu'on peut dire quand même qu'il y a des créations originales qui se sont imposées aussi au fil de l'année. 2015 sur Netflix, Orange is the New Black, Narco, Daredevil, Unbreakable Kimmy Schmidt, Marco Polo, Sense8, Grace and Kelly, j'ai pas le titre, excusez-moi, mais voilà, enfin, il y en a beaucoup qui sont arrivés. Better Call Saul, on en avait parlé aussi dans un de nos conseils, qui avait été une excellente surprise. Hemlock Grove, voilà, il y a beaucoup de gens qui trouvent au niveau critique en plus que ces séries sont plutôt réussies. Ce n'est pas qu'un succès public, c'est aussi un succès critique. On avait aussi parlé, Julien, en tout début d'année 2015, justement, du fait que Netflix et Amazon, de par leur production de séries, commençaient à recevoir des prix aux prestigieuses cérémonies type Emmy Awards. Donc, moi, je suis intéressé de voir... Voilà, cette évolution de Netflix en 2015 en France. En plus, elle n'est pas terminée, puisqu'il y a la fameuse série Marseille, hein, qui est toujours en cours de production, d'écriture. Je ne sais pas où elle en est. Avec quand même Gérard Depardieu dedans. Donc le meilleur priori, acteur russe de cette génération. Ah ouais, c'est la tête d'affiche de Marseille. Donc, bon, on va voir comment ça va être. Mais à mon avis, c'est plutôt prometteur actuellement pour Netflix en France pour 2016. Puis en dehors des films et des productions, ils ont aussi bien senti qu'ils pouvaient sortir des documentaires de qualité. Ça m'a beaucoup fait parler, en fait. Moi, j'en ai entendu beaucoup parler par les documentaires et les petits à côté, en fait. Plutôt que d'avoir des gros films ciné qui sortent, ils ont sorti des documentaires de qualité sur Retour vers le futur, je sais qu'il y en a eu. Ouais. Hot Girls Wanted, qui avait beaucoup fait parler de lui à ce moment-là. Voilà, plein de petits documentaires. Un Keith Richards aussi, des Rolling Stones, qui est mal. Voilà, ouais. C'est bien. Tout ça, c'est intéressant. Tu te dis, ah, je vais découvrir des choses, quoi. Non, c'est vrai que j'avoue que le contenu, j'étais très, très... Moi, je m'étais désabonné, même, hein, après avoir pris mon abonnement. Les premiers mois sur Netflix, j'avais vu qu'il n'y avait absolument rien. Je m'étais désabonné et je me suis re-abonné quand ils ont un peu commencé à sortir les Daredevil, les Marco Polo, etc. Là, je suis encore en train de regarder Jessica Jones, mais... Ce qui est assez dingue en plus, c'est que là, tu cites des séries qui sont vraiment pas mal médiatisées, on en entend quand même beaucoup parler, quoi. Ouais. Mais moi, ça m'arrive quand même souvent, j'allume Netflix et je vois Netflix original avec une série, mais complètement inconnue. Exact, ouais, exact. Des trucs qui sortent de nulle part. Là, dernièrement, par exemple, il y a eu une série, je crois que c'est des sketchs avec l'acteur qui fait Saul Goodman, justement. Et il y a toute une saison qui vient d'arriver, on n'en a même pas entendu parler. Il y a des petites séries anglaises aussi qui sont produites par Netflix qu'on n'en entend pas du tout parler. Enfin, c'est quand même c'est assez impressionnant, quoi, le contenu qu'ils nous offrent. Puis en plus, ils ont fait des belles annonces, là. Notamment, là, je viens de penser, quand tu parles de séries anglaises, à l'annonce de la reprise de Black Mirror par Netflix, c'est par vrai. Exemple. Moi, je me dis que c'est très, très prometteur parce que tout ça va arriver en France, comme c'est produit directement par eux. Pour le coup, ils peuvent le mettre directement. Il n'y a pas les mêmes erreurs qu'avec House of Cards qui avait été vendu à Canal. Donc maintenant, Canal peut mettre House of Cards et Netflix ne peut pas le mettre. Là, ils vont nous mettre des belles séries en exclusivité pour l'année 2016 à venir. Donc, je me demande si Netflix ne va pas récupérer House of Cards pour la saison 3. C'était pas que il me semble qu'il y a un accord qui va arriver à terme bientôt. Alors, je ne sais pas si c'est pour la saison 3 ou comment ça va se passer. D'accord, mais voilà. Bon, c'est vrai que mais c'est juste un gros... une question, ouais, parce que toi, t'avais aussi été abonné à Netflix US. Ouais. Et est-ce que tu. C'est vrai qu'on en avait parlé, tu parlais de 2014, où on disait finalement ils ont assez peu de séries comparativement à ce qu'il y avait sur les US. Et donc, t'as l'impression qu'il y a quand même encore beaucoup de séries qui sont pas diffusées en France, oui, à cause des problèmes de, bah, de oui, droit, oui, parce que ça appartient soit à Canal, soit à TF1. Bah, le catalogue en. Alors, je sais pas si c'est des problèmes de droit, parce que c'est parfois que des séries américano-américaines, si tu vois ce que je veux dire. Mais donc, je ne sais pas quels sont les droits qui les détient en Europe, etc. Mais de toute façon, clairement, quand tu vas sur Netflix US, le catalogue est monstrueux. Enfin, c'est vraiment par rapport à la France, je dirais que c'est peut-être 10 fois ce catalogue-là. Enfin, tu peux te perdre vraiment complètement dans le catalogue. Tu as des centaines de séries, des milliers de films. Et vraiment, tu peux complètement te perdre. Quand tu reviens sur le catalogue français, avant, quand je revenais sur le catalogue français, puisque tu peux le faire avec un VPN, j'avais l'impression qu'il n'y avait rien. Maintenant, je commence à me dire, ah, quand même, on peut encore trouver beaucoup, beaucoup de choses sur le catalogue français. Donc ça s'améliore clairement. Est-ce qu'au niveau cinéma, en dehors des séries, tu trouves ton. Là pour le coup, je dirais, enfin, je parlerai pas de la version française parce que je la connais pas très bien, mais sur la version américaine, tu trouves largement ton compte. T'as des très, oui, voilà, t'as beaucoup de très gros films, de très bons films. Ce qui manque un peu, peut-être, c'est les classiques, quoi. C'est les grands classiques. Je sais pas, tu veux revoir les 100 premiers films d'IMDb. Ça va être compliqué, tu vas pas trouver le parrain, tu vas pas trouver, etc. Enfin, c'est pas non plus une DVD tech, quoi. Enfin, ouais, voilà, il faut à côté, si tu veux vraiment, si t'es un amoureux du cinéma qui veut revoir des grands films, tu les trouveras pas tous. Mais t'as des Pulp Fiction, t'as des trucs comme ça, enfin, tu peux trouver quand même des bons trucs, quoi. D'accord. Ok, super phénomène. Au niveau news, alors Julien, c'est des news ou c'est des conseils? Non, que... après je pense qu'on on a fini dans les conseils. Partie, ouais. Ouais, à part si quelqu'un avait quelque chose à rajouter sur la partie de divertissement. Après, c'est toujours difficile de revenir sur les annonces qu'il y a eu. Mm. Je ne sais pas s'il y a des annonces de films qui ont été marquantes. Non, je pense qu'on peut passer tranquillement maintenant à ce qui nous a marqué en termes d'œuvres. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on reste dans la partie divertissement, mais on va parler plutôt de ce qui nous a marqué au niveau œuvre, comme tu disais Greg, au niveau ciné ou série, ce qu'on a retenu de l'année, ce qu'on vous conseille si vous n'avez toujours pas vu. Pourquoi on a retenu ça, etc. Julien, t'as pas beaucoup parlé, je vais te donner la parole. Ouais. Toi, il y a une série qui va bientôt se terminer, qui t'a beaucoup marqué. Ouais, parce que finalement, j'ai fait un peu le bilan des séries que j'avais vues en 2015 et j'ai l'impression que j'ai pas vu beaucoup de séries qui datent de 2015. Alors, j'ai regardé des choses comme Master of Sex, j'ai regardé le début que Greg avait conseillé de Leftovers, première saison qui est vraiment très très bien. J'ai regardé un peu Les Revenants, mais finalement, j'avais oublié qu'en début d'année était sortie la dernière partie, puisque ça avait été divisé en deux parties, de la dernière saison de Mad Men. Donc Mad Men, une série qui a commencé il y avait, je crois, 8 ans peut-être. C'est une série qui est... Ça commence à dater, ouais, c'est saison... Saison 7, là. Ouais, bah c'est mais ça. Mais il y a eu des petits... je crois que la dernière saison, c'est pas tout le temps un an pour les saisons. Donc forcément, moi qui suis un grand, grand fan de Mad Men, j'ai eu pas mal d'émotions et un peu de tristesse aussi quand on quitte des personnages qu'on aime bien pendant cette saison. Ça fait toujours ça sur des séries aussi marquantes. Alors en fait, Mad Men, c'est quoi pour ceux qui ne connaîtraient pas hein, c'est cette saison qui ont couvert l'histoire américaine de l'après-guerre à travers le prisme de la publicité. Donc ça raconte l'histoire d'une agence, hein, c'est vraiment une série de bureaux presque, ouais. Une série d'intérieur qui est centrée sur un personnage principal, on va dire, qui est Don Draper, Donc Don Draper, c'est un peu la coolitude incarnée, la classe, on va dire. Incarnée. La classe incarnée, aussi pas mal le mystère. Donc ça se déroule en fait pendant toute la décennie des 60s, puisque ça commence vraiment au tout début des années 60, je crois que c'est mai 60, jusqu'à 70, ça doit être avril 70. Donc tous les événements de cette période passent en vue, c'est l'assassinat de Kennedy, la mort de Marilyn Monroe, quand l'homme a marché sur la Lune, il y a aussi toutes les périodes où finalement il y a des révolutions à la fois culturelles et des révolutions aussi sociales. Mmh. Ça, c'est très très présent. Mais en même temps, ce qui était intéressant, je trouve, dans Mad Men, c'était une série qui montrait ces événements, mais en les montrant plutôt de la façon dont les gens les ressentaient. C'est-à-dire que c'est une série qui n'a pas non plus d'énormes moyens, donc qui ne va pas faire des extérieurs, qui ne va pas te montrer des choses, je ne sais pas, ils vont pas, quand il y a une révolution, notamment la cause des Noirs, ils ne vont pas te montrer des grosses émeutes. Voilà. Soit ça va passer par les documents d'époque, soit ça va passer par les réactions des personnages à l'intérieur de l'agence. Voilà, donc je disais aussi, c'est 60s, mais en même temps, c'est aussi, Don Draper, c'est aussi un homme des 50s, puisqu'on voit beaucoup de flashbacks, également de souvenirs qui sont liés à ces périodes-là. Alors, je ne vais pas spoiler, parce que la première saison avait commencé par... je ne sais pas si tu avais vu la première saison. J'ai vu la première saison, ouais. Donc, ça commence, voilà, il y a une idée un peu du secret autour de Don Draper. C'est un élément qui est abandonné assez rapidement dans la série, et ce n'est plus du tout le cœur de la série, même si Don Draper reste toujours le personnage principal par son mystère, par qui il est, comment il en est arrivé là. Ce n'est pas forcément, ce n'est pas une série à twist. C'est pas une série finalement où il se passe énormément de choses. Voilà, je disais, voilà, la force de Mad Men, c'était vraiment une série de bureaux. Et là, en fait, c'est Skype qui digère, je sais pas. C'est un peu bizarre. On enregistre depuis les toilettes. voilà, ouais, je voulais un peu revenir sur Don Draper, parce que c'était typique le héros américain, alors je mets héros entre guillemets de circonstance, puisqu'en fait il fabrique le monde de demain via la publicité, et finalement c'est quelqu'un qui habite jamais vraiment le monde dans lequel il est toujours ici et un peu ailleurs. C'est-à-dire que je disais que c'est pas une série qui va en extérieur, c'est pas forcément vrai pour quelques saisons où la série se passe à New York, mais il va un peu en Californie, il côtoie un peu tous les hippies, tous les post-beatniks, puisque on voit vraiment l'évolution entre les beatniks des années 50 et le passage aux années 60 avec les hippies. Donc il côtoie un peu tous ces milieux-là. Et en fait, c'est un personnage, on disait, voilà, qui a une forte présence, qui est très charismatique, et qui en même temps, il s'efface, il disparaît. Ça reste tout au long de la série une énigme. Et c'est vrai que là, je ne vais pas spoiler la fin, mais la fin, elle est totalement ambiguë. On peut dire que finalement, ça se termine par un renoncement, ou peut-être la mise en scène d'un renoncement. On reste dans une fin finalement très publicitaire. C'est ça qui était intéressant. Voilà, juste pour résumer, Mad Men, c'était une série où on boit beaucoup. Ça c'est clair. On fume beaucoup. Ça, c'était quand même aussi une des. Qui avait fait pas mal d'ailleurs polémique à l'époque aux États-Unis, à une période où on efface les cigarettes des affiches. Et là, tu vois des femmes enceintes en train de fumer avec leurs gants pour faire la vaisselle. Voilà, il y a plein de plans comme ça. Ou dans le bureau, enfin voilà, Don Draper, il a un peu la vie de bureau idéale. C'est-à-dire qu'il a un petit sofa, il s'allonge dessus, il s'endort, il va dans des hôtels se taper ses maîtresses, il revient à une réunion, il part au bout de 10 minutes. Enfin voilà, il y a plein de scènes. La vie rêvée, quoi. La vie rêvée d'employé de bureau. Et en même temps, quand il y a une présentation, il assure. Ouais. C'était quand même ça aussi. Ça, c'est vrai que, ouais. Donc c'est quoi, mais ça a l'air un peu intello, tu nous le présentes. C'est une série un peu intello quand même. Un peu intello. Est-ce qu'on peut poser le cerveau et se détendre devant Moi, je pense que c'est une série d'ambiance. Ouais. C'est-à-dire que si tu regardes un résumé de Mad Men, tu vas te dire, mais c'est quoi, c'est un soap opéra? C'est ce que je fais que de me dire, c'est quoi cette série? Il se passe rien, alors que c'est vraiment une série de mise en place. Je trouve pas que ça soit une série tellement intellectuelle. C'est vraiment, voilà, une série d'ambiance. Faut que tu rentres dedans. C'est-à-dire que tu peux mettre une saison, deux saisons à être vraiment accro. C'est-à-dire qu'au début, tu vas dire ouais, c'est bien, mais tu vas pas forcément te dire tiens, j'ai envie de voir la suite. Ou... Le point fort, c'est quoi? C'est les personnages, en fait. Bah, le point fort, c'est à la fois la réalisation, Le jeu des acteurs. Et je pense que c'est une série qui a beaucoup marqué par son esthétique. Ça s'est complètement retrouvé dans la mode à la fois. C'est-à-dire que les années 70 sont vraiment revenus au niveau de la mode, notamment dans tout ce qui est mobilier. Mad Men, c'est une série qui a beaucoup influencé le design, l'architecture. Donc c'est une série qui est marquante visuellement, et en même temps je trouve que c'est une série qui est extrêmement bien écrite. Je conseille d'ailleurs, pour moi, un des meilleurs épisodes de Mad Men, c'est dans la saison 1, c'est le carrousel. Le carrousel, mon dieu. Donc en fait, rapidement, c'est l'agence de Don Draper travaille pour Kodak. Kodak a créé un objet qui s'appelle le carrousel, où dedans tu peux mettre en fait toutes des diapositives. Et donc il fait une présentation pour dire comment il va l'appeler. Et ce qu'on voit, il utilise ses propres photos de souvenirs. Donc il y a une espèce de mise en abîme puisque sa situation personnelle est un peu difficile avec un divorce qui se profile, avec ses enfants. Et voilà, c'est une manière de montrer à la fois le génie de Don Draper dans la publicité et de montrer toutes ses failles de ce qu'il est en tant qu'Américain, en tant que comme de l'après-guerre, parce que c'est voilà, je vais pas spoiler, mais Don Draper n'est pas vraiment celui qu'on croit qu'il est. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Allez voir la série si vous voulez en savoir plus, parce que c'est une série complexe. Voilà, c'est extrêmement élégant, c'est à la fois creux parce que finalement des fois il se passe pas grand-chose et en même temps c'est très profond. C'est une série qui dit pas tout et en même temps qui montre beaucoup. C'est une série vraiment très très fine de ce côté-là. Et c'est vrai que parfois tu vois certaines séries françaises qui feraient bien de s'en inspirer dans la façon dont on met en scène une série, dont on met en scène des personnages. Et c'est aussi une série qui a donné beaucoup d'importance aux personnages féminins au fur et à mesure que la société évoluait, parce que ça part dans les années 60 où par exemple la femme de Don Draper est une femme très oppressée qui est dans son petit confort américain, et on voit la publicité changer et on voit surtout les femmes qui accèdent à des postes de notoriété avec le personnage notamment de Peggy. Voilà, donc c'est une série qui parle beaucoup des femmes, beaucoup de la condition aussi des minorités. Donc voilà, moi c'est une série que je conseille, les 7 saisons sont magnifiques. Maintenant, c'est des courtes, Mad Men C'est de 12 épisodes. 10-12 épisodes, ouais. C'est 52 minutes. 52 minutes, ça, c'est des gros épisodes. Quoi. Et je vous dis, moi j'ai été accro à partir de la saison 2, où je me suis dit, mais vraiment, là j'ai envie de voir la suite. Alors, la première saison, j'ai trouvé ça très très bien, et quand je l'ai revu une deuxième fois, j'ai trouvé ça toujours aussi bien. Mais voilà, il faut vraiment entrer dans l'ambiance. Okay. Donc c'était ma série marquante de 2015. D'accord, Mad Men. Bon, bah, conseil intéressant, j'essaierai peut-être, tiens. Je me suis toujours posé la question. On va faire un petit détour pour changer un peu par les films. Si chacun d'entre nous, on devait retenir un ou deux films, ou peut-être trois, allez, rapidement, l'année 2015. Bah Greg, je te laisse commencer, t'as l'air chaud. Moi, j'en retiendrai deux principalement. Alors, je retiendrai Vice Versa, le Pixar, et je retiendrai Réalité de Quentin Dupieux, d'Alas Mister Oiseau. Vice Versa, je pense que voilà, beaucoup de gens l'ont vu, nous quatre l'avons vu, je pense. Non, moi, tu l'as pas vu Vice Versa? Non, moi je l'ai vu. Moi non plus. Ah bah alors, je suis déçu en fait, on est que 2 sur 4, alors je m'attendais pas à ça. Bah, du coup j'en parle peut-être rapidement, donc je dirais que c'est un Pixar qui m'a marqué parce qu'on retrouve un peu l'esprit originel des Pixar en fait, un peu cette folie créative, et en même temps qui va s'étécher à toucher les sentiments au plus près, mais d'une façon très intelligente, et pour le coup ça tombe bien parce qu'on parle de sentiments dans ce Pixar, hein, puisqu'on est dans la tête des gens, notamment dans la tête d'une petite fille, et on voit comment ses pensées s'organisent, comment ces émotions interagissent l'une entre elles. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui est l'histoire. À la rigueur, ce n'est peut-être pas la peine d'en parler. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. C'est juste que c'est un très très bon Pixar dans le sens où il est très bien fait, avec beaucoup d'intelligence sur la façon de montrer la complexité humaine tout en amusant énormément le public. Enfin, moi, je me suis vraiment marré en voyant Vice Versa. On rigole énormément. On est extrêmement touché par les messages qui sont diffusés. Je ne vais pas faire de spoiler, je ne vais pas en parler là-dessus. Mais voilà, il y a une vraie évolution des personnages qui représentent les émotions de la petite fille qui est hyper intéressante. Il y a des anti-héros, des héros, des changements des anti-héros en héros. Est-ce que ça a un niveau de Toy Story 3 ou un niveau de, de Wall-E? Ouais, je dirais que c'est on est clairement dans un film de type Wall-E ou Toy Story 3, c'est-à-dire voilà, on est vraiment sur un film ambitieux en termes de messages à faire passer, mais qui le fait avec une légèreté, une finesse qui est hallucinante, et ça m'a vraiment vraiment un des films de l'année. Ouais, puisque moi je l'avais cité aussi, ce qui est assez intéressant dedans, c'est que par exemple dans Toy Story, tu vois assez peu l'histoire familiale de Andy, alors que là finalement ils arrivent à montrer ce qui se passe dans les émotions. Donc tu as des histoires entre les émotions elles-mêmes, notamment entre tristesse et joie, mais tu as aussi, parce que finalement le nœud du film, c'est le changement au sein d'une famille américaine, donc qui va déménager de son petit bled local à San Francisco. Et c'est comme ça finalement que le film s'articule à travers les émotions que les personnages vont ressentir face à cette situation, comment ils vont devoir s'adapter, notamment la petite fille. C'est comme ça que le film est construit. Alors moi je trouve, le seul bémol que j'aurais, je trouve que c'est un film peut-être qui est un peu didactique. Comme il aborde des choses quand même assez complexes, la mécanique des souvenirs, une partie de la psychologie, voire de la psychanalyse, parfois il est un peu très très bien rangé, un peu à la manière du monde qui est dépeint à l'intérieur des émotions, enfin le monde qui est habité par les émotions. Je trouve que c'est des quartiers, ils arrivent dans le monde des rêves. Oui, mais rêves. Si tu réfléchis au film, enfin on va pas spoiler, mais justement c'est un film qui se complexifie, et ce rangement se complexifie aussi à travers le film. Pendant tout le film justement, les quartiers disparaissent, il y a des choses comme ça qui se passent, les souvenirs sont plus compliqués que ce qu'on pense. Ouais, mais tu vois, moi je me souviens par exemple, la dernière fois ma fille a revu Alice au Pays des Merveilles, qui est aussi un film sur la folie. Et en même temps, c'est pas du tout la même façon de le traiter. C'est pas du tout didactique, c'est pas du tout scolaire. C'est un espèce de tourbillon où finalement la réalité, tout se mélange. Alors que là, c'est très très séparé. C'est-à-dire que t'as vraiment une partie sur la partie quand il déménage et la petite fille, ses relations avec son environnement, et une partie à l'intérieur des pensées. C'est pas du tout mêlé. Il y a pas de. Enfin voilà, ça reste très rangé. Très cloisonné, je trouve. Alors après, voilà, peut-être que tout ce que ça raconte, la complexité du film, fait qu'ils n'auraient pas pu non plus faire un truc complètement éclaté, ou ils ont peut-être été obligés de faire des choix pour que ça fonctionne. Ça m'intrigue. Il faudra peut-être que je le voie, ça aussi. Je vais avoir beaucoup de choses à voir après ce podcast. Hein. Ouais, il est à voir. Greg, tu évoquais aussi réalité. Oui, réalité, c'est vrai, j'en parle rapidement. Bon, de toute façon, c'est complètement impossible à résumer. C'est un film complètement barré. Pour ceux qui connaissent un petit peu Quentin Dupieux, Mister Oiseau, bah voilà, c'est celui qui avait fait un film où le héros était un pneu, hein. Notamment un pneu serial killer. Robert. Voilà, donc c'est un peu la même chose. Enfin, c'est pas du tout la même histoire, hein, mais en fait, on est dans un film d'un film qui se passe dans un rêve, dans un film. Enfin, c'est un peu un film où Quentin Dupieux est un espèce de génie qui arrive à faire un film à la fois bien pensé, impossible à pitcher. Et pourtant complètement maîtrisé. On a l'impression en ressortant qu'on a vu quelque chose de à la fois compréhensible, maîtrisé avec un message, et en même temps l'impression qu'on n'a rien compris. Donc c'est vraiment, c'est un film, c'est une expérience à faire, à vivre, tel à que voir. Tu en parles, j'ai l'impression de voir Eternal Sunshine. C'est beaucoup plus barré que ça. C'est un peu plus comique que ça aussi. Il y a moins de messages que ça. Enfin, il y a la Chabat. Il y a quelque chose de vraiment. Je sais pas comment le décrire. C'est vraiment. On n'est pas dans l'absurde. On n'est pas dans le lyrisme. On est vraiment dans un film que je n'ai jamais vu. On ne reverra jamais un film comme ça, je pense. C'est complètement inédit. Moi, ça m'a vraiment. C'est un peu pour moi le summum de ce que peut faire Quentin Dupieux, en fait. C'est vraiment. Il a fait son film summum pour moi. J'avais écrit sur mes notes, je vois. C'est l'incohérence cohérente, la réalité irréaliste, un film complexe dans sa simplicité. Ouais, voilà, je l'aurais décrit comme un film oxymore, en fait. C'est marrant, je trouve qu'il est passé assez inaperçu, finalement. Et bah pourtant, moi, sur Sens Critique, j'ai dû lui mettre 8, mais bon, c'est quasiment impossible à noter. C'est vraiment. Quentin Dupieux se moque de Lynch tout en faisant mieux que Lynch, presque. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Vraiment attention. Une expérience de cinéma. Mais t'avais bien aimé Wrong ? Oui, j'avais bien aimé. Ouais, parce que moi, j'avais été un peu déçu, quoi. Après, moi, celui-là est vraiment au-dessus. Qui était très lynchien, d'ailleurs. Ouais. Mais là, en réalité, il y a un côté beaucoup plus, je sais pas, un côté un peu fun en même temps. Enfin, c'est vraiment totalement barré et bizarrement maîtrisé, quoi. Vous savez ce qu'il va faire comme prochain film ? Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, c'est toujours un peu des films dans le même style. Et, pas du même tout. Même si à chaque fois, c'est très différent, j'ai peur qu'à force, il tourne un peu en rond. Et c'est vrai que c'était un peu aussi ce que m'avait donné l'impression de Vrong, en fait, que c'était un peu il s'auto-citait, en fait. C'est vrai. Mais là, je pense que justement, il a atteint son summum avec réalité. Maintenant, il faudra qu'il propose autre chose, effectivement, parce qu'il ne pourra pas faire pas mieux, j'allais dire, mais là, après, il a atteint vraiment le but de ce qu'il voulait faire. Il a quand même pas mal de cordes à son arc, parce qu'à la fois, il peut aller sur le comique, il peut aller sur une espèce de non-sens, et presque des fois un peu de terreur psychologique. Des fois, tu sais pas trop si les personnages... Parce que par rapport à Gondry, qui est plus dans une espèce de... On peut le classer un truc un peu plus onirique, où il y a aussi de l'humour, mais je trouve qu'il peut... Enfin, tu vois, Robert, c'était finalement un film qui peut être angoissant, quelque part. Il y avait de l'angoisse et du fun en même temps, ouais. C'est-à-dire qu'il peut être à la fois angoissant, notamment dans la vie de bureau. Je me rappelle dans Wong où tu vois le type qui bosse dans un truc où il pleut tout le temps. Non, mais le mec fait tout. Le mec sait tout faire, quoi. C'est délire, quoi. Quentin Dupieux peut effectivement tout faire, en fait. Enfin, il est très très doué au niveau esthétique, etc. Réalisation, il n'y a pas de souci là-dessus. Et d'ailleurs, je crois qu'il a relancé Mister Oiseau, là. Oui, ouais, il a relancé Mister Oiseau, ouais. Et vous avez vu son premier film, Steak ? Ouais, bien sûr. Ah, génial, attends. Ah, pour moi, c'est son meilleur. Qui est complètement barré aussi, et qui est assez génial. Ouais, j'aimerais bien qu'il refasse un film dans cette lignée, on va dire un petit peu moins barré, mais... Un peu plus comique, ouais. Ouais, voilà. Ouais. Voilà, c'était réalité. Tiens, Dim, alors parle-nous de tes films coup de cœur de l'année 2015. Alors, moi, j'ai sélectionné deux films. Donc, premièrement, le Mad Max Fury Road de George Miller. Mad Max, hein, c'est quand même une des sagas qui a inventé le style post-apocalyptique ou tout du moins qui l'a démocratisé aux yeux du grand public. Donc le réalisateur qui a maintenant 70 ans est revenu sur le devant de la scène plus en forme que jamais, et il a quand même bien remis les pendules à l'heure et a repris sa place légitime de leader incontesté du genre. Clairement, ouais. Mieux encore, je trouve que Miller, il a su être à l'écoute de tout ce que ses films, Mad Max, ont pu engendrer de cultes, par exemple, comme le manga Okuto no Ken ou Ken le survivant chez nous, ou des jeux comme Borderlands ou Rage, et il les a vraiment bien digérés en références visuelles qui sont assez dingues dans son film. Je pense que tout le monde sera d'accord. Enfin, je sais pas si vous voulez. Je sais Greg, toi tu l'as vu, mais si Stan et Julien l'ont vu. Moi non, pas encore. Mais. Oh les gars, ouais. Non mais ça va pas du tout là. Moi hein. Je vais vous confesser que j'ai regardé un quart d'heure et j'ai arrêté. Ah ouais. Mad Max. Ah. Ah moi ça me fait grave envie mais voilà. Ouais. Bah, là, je vais vous confesser que je me casse. je suis assez d'accord avec Dim. Si en janvier il sac Star Wars, tu peux on peut le dégager. Je suis assez d'accord avec Dim parce que honnêtement, moi je, au premier quart d'heure, je suis resté tellement scotché que en fait j'ai l'impression que le film n'a duré qu'un quart d'heure. Enfin, c'est hallucinant la vitesse de ce film, non, l'ambiance dans ce film. Je pense que je pars en train de temps, je vais redonner une chance au film, bien sûr. Oh, il est hallucinant. Mais quand j'ai vu le mec se faire couvrir de talc, j'ai trouvé ça tellement moche et. Non, mais je me suis. Je comprenais pas en fait. Je me suis trouvé. Moi, je pense que j'étais pas dans le bon état d'esprit. Claque, mais monstre truc quoi. Bah c'est ça, bah, disons que ce qui frappe en premier lieu dans le film, c'est voilà quoi, c'est la folie qui s'en dégage, c'est vraiment la vitesse, qu'il n'y a pas un moment de répit. Voilà quoi, c'est une grosse claque visuelle, on s'en prend plein la tronche, très bon ça choix. Va à 100 à l'heure. Très bon choix de Dim pour 2015, je valide totalement malgré ce que Stan et Julien disent pour l'instant. Non, mais moi je l'ai pas vu. Moi il faut que je le revoie, mais j'ai trouvé ça un peu barré au début, ça m'a mais pas c'est parlé. Totalement barré. Mais quand c'est bien. Quand tu vois les gens au début qui sont complètement crades et qui sont au pied d'une montagne qui regardent un mec tout couvert de talc. Mais c'est. Mais il regarde le film, juste. Mais c'est. Qu'est-ce qu'il raconte c'est... J'ai pas compris, en fait. J'ai pas compris. Mais je pense que j'étais pas pourtant, du tout. Pourtant, moi, j'ai trouvé que les persos, ils étaient vraiment charismatiques. Bah, surtout le leader, justement, la citadelle, là, Immortan Joe. Je trouve qu'il rentre dans mon top de mes méchants préférés. Enfin, l'acteur, déjà, il est habitué au rôle de méchant. C'est déjà lui qui faisait le méchant du premier film. Et voilà, quoi. Le bad guy, il faut accepter qu'il y a un petit côté série B, quoi. Pas du tout série B. Ah, pas bon. Du tout série B. C'est quand même super kitsch. Mais non, c'est pas kitsch, c'est un univers c'est déjà, dystopique, par c'est je sais pas comment dire mais comme enfin la critique américaine, je sais plus le National film, je sais plus trop quoi, faudrait que je vous redise exactement le terme, elle avait élu film numéro 1 de l'année en 2015 enfin en faisant un regroupement de pas mal de critiques. Et non, enfin je pense que oui, ça a un côté série B mais pas que non plus quoi. Mais c'est vrai qu'au niveau critique, c'est un film qui a été hyper bien accueilli hein. D'ailleurs, qui a peut-être, il a bien marché, mais moins non, par exemple que Jurassic World. Ouais. Oui, enfin, c'est pas le même. Mais moi, je pensais par exemple que ça marcherait pas. Moi, maintenant, je c'est pense un que film... tous les films ne vont pas marcher. Toi, tu penses que rien ne marche. On pensait que Jurassic World ne voilà. marcherait pas. Voilà. C'est un film qui a un souffle hallucinant, hein, quand même. Mad Max, La Fury Road, c'est... t'as l'impression de. Non, mais être épuisé quand toujours tu le vois. Très curieux de le voir, ne serait-ce que par la réalisation. Hein, ouais. Après, je pense qu'il faut un état d'esprit pour le voir. Et justement, est-ce que tu dirais que c'est un des films qui, parce que souvent dans les blockbusters ou assimilés, on dit ouais, est-ce que c'est un des films les plus marquants que t'aies vu depuis des années, soit il y a des étapes dans les films. Ouais, pas, Mad Max, Star ouais, Wars, moi, tu ouais. Prends, comment à l'époque Matrix quand on. À Mad Max, quand j'étais au cinéma, je me suis dit j'ai jamais vu un truc pareil quoi. D'accord. Vraiment, j'étais scotché sur mon siège. Et ce qui faisait plaisir aussi, c'est que voilà, il y avait pas non plus une orgie d'effets numériques. Enfin, ça paraissait quand même. C'est vrai quand on va dire tous les cascades, les effets spéciaux oh, et tout. C'est et, super bien fait, ouais. Ça fait vraiment plaisir de voir un film comme ça, quoi. Mmh. Ça faisait bah, des années qu'on n'en avait pas vu, quoi. Bon, super tout ça. Dim, tu voulais aussi nous parler d'un deuxième film que tu as beaucoup aimé. Ouais, donc bah, mon deuxième film sélectionné, c'est Kingsman de Matthew Vaughn. Kingsman, hein, Greg, hein, et pas Tire Man. Oh, c'est bon. je me souvenais plus. Je me barre pour... un pour podcast où t'es pas là. Et... C'est pas le titre anglais, Taylor Man. Mais non, c'est Kingsman ou je sais pas. Mais voilà, effectivement, je retrouve les plus le nom. J'ai appelé ça Taylor Man. Bon, bah, ça arrive, un moment de faiblesse, les gars. Attends, c'est bon. Donc, bah, pour résumer rapidement le film, en une phrase, je dirais que c'est Kick-Ass version british, en enlevant les super-héros, mais en ajoutant... des super espions. Et donc, bah, on change pas une équipe qui gagne. Hein. Vaughn adapte encore une fois une œuvre de Mark Millar, le créateur de Kick-Ass. Donc, on peut même dire que le réalisateur était surmotivé car il a commencé à travailler sur le film avant même la sortie du comics. Il a même refusé Star Wars 7 pour la réalisation de celui-ci, quoi. Ah ouais. Et donc, bah, comme d'habitude avec Vaughn, le film c'est un gros concentré de films bourrés d'humour, fun, d'action. De personnages vraiment haut en couleur. La force de Vaughn, c'est toujours ce gros mélange tout en rendant hommage à un style bien précis qu'il apprécie. Par exemple, bah, là, c'est les vieux films d'espionnage, un peu les vieux James Bond et tout. Pour Kick-Ass, c'était les super-héros. Stardust, c'était plus la fantasy. Layer Cake, c'était les films de gangsters. Et donc, il y a aussi beaucoup de scènes cultes. Hein. Moi, je pense surtout à la scène de baston dans l'église et toute la partie finale du film. Donc en parlant de la scène de baston de l'église, je peux aussi pas m'empêcher non plus de repenser à Star Wars parce que bon, j'imagine bien une baston de sabre laser filmée comme ça avec ce dynamisme. Ouais, c'est vrai que c'est presque dommage qu'il ait pas eu le Star Wars du coup parce que cette scène dans l'église, je sais pas si vous avez vu Kingsman. Elle est incroyable. Franchement, elle était hallucinante quoi. hyper bien réalisé, hyper bien chorégraphié, vraiment pas mal quoi. Et puis bah, dernière petite surprise pour moi concernant ce film, c'est Colin Firth en action star, parce que bon, moi j'ai surtout un souvenir de lui dans des films comme Le Discours d'un roi, et là ça lui change vraiment pas mal, et ouais. Ça lui va plutôt bien, je sais pas ce que vous en pensez. Il va nous faire un Liam Neeson quoi, il va faire une carrière où il va devenir un gros badass et il va tuer des gens à main nue. Colin Firth, il va être présent au générique du numéro 2. Alors, est-ce que je peux en parler ou pas? Non, on peut pas en parler. On peut pas en parler. On verra. On verra. On sait pas. D'accord. Et voilà. Vince Vaughn, il avait fait aussi, c'est lui qui avait fait les X-Men, non? Il en a fait un, le First Class, le commencement. Ah, qui est très bien. Qui est un des meilleurs. Tout, ouais. Qui est pas mal du tout. Mmh. Tu qui se passe l'enfance, enfin la genèse un peu de Xavier, professeur Ravier. Ouais, c'était d'accord, bien, donc Kingsman, un conseil, apparemment on a tous à peu près aimé. Ouais, c'était une très bonne surprise, je trouve. Sauf bon moi qui l'ai pas vu, mais ouais. Moi j'ai vu que des dessins animés cette année, donc bon. Ouais. C'est un autre problème, ça. Chacun sa vie. Hein. Ouais, c'est ça. Je vais revenir rapidement sur d'autres conseils, mais je vais pas développer parce qu'on en a beaucoup parlé dans ces podcasts au cours de cette année. Au début de l'année, on a commencé par un conseil, c'était It Follows. Mm. Ça paraît loin, hein. Ouais, c'est ça vrai. Ça paraît loin, ouais. Mais c'est un film qui avait reçu un prix au festival de Gérardmer, c'est ça. Oui, c'est ouais, ça. Ouais. Ouais. Qui est un film d'horreur qui joue beaucoup sur l'ambiance avec des adolescents. Je ne vais pas en dire plus. Hein. Je vous conseille de voir la bande-annonce et si ça vous intéresse de le voir, c'est vraiment un très très bon film. On avait fait un conseil dessus déjà. Donc, oui, en plus. Ouais. Et également Whiplash que Greg, tu avais conseillé. Que j'avais vu juste après d'ailleurs. Alors c'est un film de 2014, techniquement. Décembre 2014. Genre 25 décembre 2014, il est sorti. C'est bon. On accepte. Donc on l'a accroté en 2015. Mais... Que j'ai vu sous tes bons conseils, je te remercie parce que j'ai vraiment bien aimé aussi. Ouais. C'est un film incroyable. Très très bonne surprise. En fait, c'est vraiment. Je ne suis pas vraiment fan de jazz. Mais... Plutôt une surprise qu'un. En le revoyant, on pourrait se dire oui, c'est un film qui est bien sans plus. Mais la surprise que ça crée la première fois qu'on le voit, qu'on s'en tient au niveau du montage. Et comme le montage est monstrueux. Comme dit Dim, en fait, il ne faut pas se tromper. Moi, qui ne suis pas du tout fan de jazz non plus, il ne faut pas que ça fasse peur aux gens que ça soit associé au monde du jazz, en fait. Ouais, c'est un plus un prétexte. Détail. C'est un film de passion, presque. C'est un film de combat, c'est un film sur de passion. Sur le choix qu'on fait dans sa vie vis-à-vis de sa vie amoureuse ou de sa passion. Enfin, voilà, c'est vraiment passionnant. Et la fin est. Je suis sorti en sueur. Meilleure scène de fin du monde. Ouais, vraiment, une grosse claque. Alors, au niveau des séries, rapidement. Ouais. Aussi. Moi, je voulais évoquer Better Call Saul, qu'on a déjà évoqué aussi. Ouais, qui était peut-être la série de 2015, effectivement, qui m'a le plus marqué, perso. Il n'y en avait pas énormément. On va voir la saison 2. Hein. Ouais, bah, en tout cas, la première saison était de très bonne facture, hyper bien réalisée, très très bien jouée. Vraiment, on avait fait aussi un long conseil là-dessus, ouais. D'un bon quart d'heure dans un épisode précédent, donc on ne va pas redévelopper. Mais Better Call Saul, on vous conseille, c'est sur Netflix. C'était très bien fait, voilà, c'est sur Netflix, par contre, donc il faut aller voir ça sur Netflix. Une autre série qui a émergé cette année, c'est Sense8. Je sais que Julien, toi, tu voulais que j'en parle après. Ouais, parce que moi, j'ai pas vu, je vais commencer à la regarder là, mais. Et bah, c'est une série qui divise énormément parce qu'elle a tous les travers et en même temps les qualités des frères et sœurs Wachowski. Moi j'ai adoré, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé. C'est une série qui m'a fait énormément rire, très décalée, qu'il faut vraiment prendre de loin en rigolant. C'est une série qui repose énormément sur les personnages et le parti pris. C'est assez rythmé, c'est beaucoup clipesque, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moments où il y a des chansons et les gens chantent. Alors est-ce que finalement le format série leur va mieux? Parce que les Wachowski depuis Matrix, ils moi, sont un peu en dents de scie. Décroché, les Wachowski, au niveau cinéma. Moi, quand il y avait Cloud Atlas, j'avais trouvé ça bien par moments, mais parfois quand même un peu... Le dernier film qu'ils ont fait, c'était une purge. Le truc avec Miley Cyrus. Jupiter Ascending. Voilà, Jupiter Ascending, c'était une purge pour moi, j'ai eu du mal. Je l'ai même pas vu. J'ai eu du mal. Moi, je trouvais qu'il y avait des bonnes idées dans Jupiter Ascending. Comme dans Cloud Atlas, il y avait des bonnes idées aussi, mais bon, après... Autant de bonnes que de mauvaises, enfin même peut-être plus de mauvaises quand même. Et déjà, Cloud Atlas, c'était un peu cette idée d'une série presque, de faire plein de personnages à des époques différentes. Bah, justement, au format épisodique, ça marche mieux parce que t'as le temps de développer les personnages, de concentrer. Et là, justement, Sense8, j'ai l'impression. Est-ce que c'est pas un peu le même schéma que Cloud Atlas? C'est que ce que je me demande. Sense8, en fait, le pitch, c'est juste des personnes qui comprennent petit à petit au cours des épisodes, je fais aucun spoiler, on le sait dès le début, qui peuvent communiquer avec d'autres personnes sur Terre. Donc ils ont un huitième sens en fait qui leur permet de communiquer avec d'autres personnes. Et chaque personne a une particularité, genre il y en a un qui... Huitième sens ? Ouais. Oh. Ils ont de la chance, ils ont déjà sept. Les chevaliers de Zodiac sont passés par là. Hein. C'est ça. Et donc ils communiquent entre eux et du coup chaque personnalité, chaque caractère des personnes avec qui ils sont en relation peut les aider dans la vie réelle. Il y en a un qui est fort en combat, il y en a un qui est acteur, etc. Et du coup quand ils sont dans une situation un peu compliquée, ils font appel au sens de l'autre. Et genre ils ont un but commun, genre c'est un peu comme Heroes où il y a un méchant ou quelque chose comme ça ou pas du tout. Alors ça vient vers la fin de la première saison. Et vraiment, c'est pas ce qui est intéressant. D'accord, en fait. Okay. En fait, pour moi, la première saison est une réussite totale. Il faudrait pas qu'il fasse une deuxième. Et je pense que la deuxième va faire tout se casser la gueule. D'accord. Il y a une fin à la première saison. Première saison peut se terminer. Et clairement, pour moi, ça sert à rien de faire une deuxième saison. D'accord. Et malheureusement, ils font une deuxième saison. Ah, ok, ouais, c'est toujours le risque. Voilà. Donc, je pense que tout est dit dans la première saison, en fait. D'accord. Mais tout joue sur les personnages et le fait qu'ils communiquent entre eux, qu'il y a un décalage entre eux, etc. C'est une série vraiment mondiale. Ça se passe aux quatre coins du monde, en Inde, en Amérique, etc. Et ça, c'est vraiment super. C'est drôle. Et c'est très décalé, les personnages sont vraiment très drôles. Moi, j'ai vraiment regardé ça très rapidement et j'ai beaucoup rigolé et je suis sorti dedans de cette série content. Et Sense8, voilà. Okay. Sense8. Cool. Donc je la conseille plutôt bien. Voilà, on va terminer par un petit conseil musical. Ouais, je pense à un truc, mais est-ce que Game of Thrones c'était cette année? Bah ça, il y en a eu cette année. Tous les ans, ouais. Il y a la saison 5. Je pense qu'on n'a pas parlé de la dernière saison. Ouais, saison 5. Moi, j'ai décroché Game of Thrones personnellement. Allez, juste deux secondes aussi, je voulais dire, parce qu'on parle beaucoup de séries Netflix, là j'ai commencé Narcos et je pense que ça mériterait un de ces quatre à conseil parce que... Garde ça sur la couette. Niveau réalisation, acteur, niveau de l'écriture du scénario et tout, c'est vraiment top, quoi. Je pense que c'est vraiment à surveiller, quoi. Bah écoute, peut-être que ça vaudra le coup que tu nous fasses un petit conseil là-dessus, Dim, du coup. Ça marche. Quand on aura vu plus. Et donc, on disait... Partie musicale alors ? Oui. On n'a pas parlé de musique. Donc vous n'avez rien d'autre à dire sur Game of Thrones saison Une saison comme les autres, quoi. Un peu. Moi, je l'ai trouvé même un peu en dessous, cette année, la saison. Ouais, je sais que toi, t'es un peu lassé Je suis un peu lassé, ouais. Ils prennent une tournure un peu bizarre. Bon, là, ils ont rattrapé les livres en plus. Mais ils vont faire. Est-ce qu'ils vont conclure ? Est-ce qu'ils vont avoir la sagesse de conclure ? Dans 2-3 saisons, je pense, non ? Normalement, ils en font. Ils devaient en faire 7, je crois qu'ils vont en faire 8, en fait. Pour pouvoir exploiter quand même un petit peu plus. Là, j'étais à 6, là. C'était à 6, non ? La 6, elle arrive cette année. Ah, Non, 2016. Ouais, c'est ça. C'était à 5, ouais. Voilà. Et il parle aussi d'un film, je crois. Hein. Ouais, il parle d'un film, ouais, qui est fait sans l'accord de Martins, hein, pour info. D'accord. Voilà. Bon, allez, passons aux musiques. Julien, tu veux nous faire un petit top 10 musical ? Ouais, pas top 10. J'ai pas fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, en fait, des albums que tu nous conseilles. Voilà, je vais vous parler notamment de 5 albums plus. Donc, déjà, l'album dont j'avais déjà parlé, donc je vais pas non plus m'étendre dessus, c'est le 3e album de Tame Impala. Donc Currents, dont j'avais fait un conseil, je crois que c'était après, en septembre. Ouais. Donc l'album du groupe 2, Kevin Parker, groupe australien. Ce que j'ai aimé dans l'album, c'est qu'il y a vraiment une prise de risque qui a divisé pas mal. Ils ont perdu pas mal de fans, mais en même temps, je pense qu'ils en ont gagné autant, puisque l'album était vraiment beaucoup plus pop que les deux précédents, qui étaient assez rock psychédélique. Enfin, moi, c'est un album que j'écoute encore, qui est vraiment excellent, qui fonctionne très bien. Donc voilà, je vous le conseille, Tame Impala. Ouais. Album dont j'ai pas beaucoup parlé, c'est le nouvel album de Christopher Owens. Donc Christopher Owens, l'album s'appelle Chrissy Baby Forever. C'est l'ancien leader des Girls, donc un groupe que j'adore. Je sais que Greg les a vus en concert. Ouais, j'ai pas trop aimé, j'avoue. En concert, voilà. Girls, c'était un duo de San Francisco avec le bassiste Chet White. Alors, Christopher Owens, c'est vraiment une personnalité du rock. C'est quelqu'un qui a été élevé dans la secte des Children of God. Donc une secte ultra religieuse qui, notamment, ne permet pas de soigner les malades. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il a un petit frère qui est mort à cause de ça. Donc il y a une chanson sur son précédent album qui s'appelait Stephen. Mais ils ont le droit de faire de la musique. Lui, ça en est plus ou moins échappé en fait. Oui, heureusement. Mais non, il n'avait pas le droit de faire de la musique. Ah oui, d'accord. Ou que de la musique religieuse. Et quand il est parti de cette secte, alors je ne sais pas trop comment il en est sorti, il est arrivé à San Francisco, donc il a pris plein de drogues, il a fait tous les excès rock'n'roll. Classique. Et donc c'est quelqu'un qui est. Je parle souvent d'un peu du retour de l'honnêteté en musique, du côté finalement où on ne joue plus un rôle et on est super sincère. Et Christopher Owen, c'est totalement ça. C'est quelqu'un qui est une sorte à la fois un romantique, des fois presque un peu. Trop romantique, un peu neuneux, presque niais. Avec des chansons qui peuvent s'appeler I Love You Like I Do. Donc tu vois des trucs qui sont presque d'un autre âge, mais en même temps il est tellement écorché, tellement complexe dans sa personnalité. Voilà, c'est une sorte de musicalement c'est de la power pop qui rappelle parfois un peu Felt, qui rappelle un peu Big Star, et c'est un super songwriter. Et cet album là qui est son troisième album solo, je pense que c'est vraiment le meilleur. Pour ceux qui ont aimé les deux premiers albums de Girls, qui étaient vraiment des super albums, là c'est vraiment un retour à ce son là un peu plus crade que le précédent, qui était complètement country. Il était parti sur un truc country, voilà, c'était des arrangements, les chansons restaient. Et donc voilà, c'est un super disque, moi je vous le conseille, c'est un des albums chansons très personnelles à chaque fois, donc. Toujours très personnelles, mais en même temps ça reste très pop, c'est assez accessible. Et même en solo il est peut-être plus accessible qu'à l'époque des Girls, où c'était plus noisy, plus... Non mais ça reste un très bon songwriter, c'est une valeur sûre honnêtement, c'est vrai. Que pour le personnage, ça semble intéressant à écouter. C'est un personnage de film, il est vraiment excellent. En concert aussi, c'est pas extraordinaire en concert. C'est pas extraordinaire en concert, ouais. J'avoue que j'avais préféré l'autre groupe qui jouait, je ne sais plus c'était quoi à l'époque, mais Bof. Donc voilà, autre album que j'ai beaucoup aimé cette année, je crois que Greg aussi tu l'as bien aimé, c'est Kendrick Lamar. Ouais, excellent album. Tout Pimp Butterfly, donc album de rap, mais vraiment on va dire rap étendu. On en parlait la dernière fois avec Bowie, qui a dit que c'était une de ses sources d'inspiration pour essayer d'éclater la formule rock. Lui, il éclate vraiment la formule rap. Donc c'est quelqu'un qui a une grosse notoriété maintenant, Kendrick Lamar. Il est de Compton, il pèse très lourd. C'est l'album préféré d'Obama, donc quand Obama dit ça, ça pèse lourd. Non, mais c'est un très bon album. Il est absolument incroyable cet album. Il y a du rap, il y a du hip-hop, mais il y a aussi du jazz. Ouais, il y a des influences rock, ouais, on peut retrouver rock, un peu des Beastie Boys, on peut retrouver tellement de choses dans cet album qu'il est hallucinant. Je crois que faisait longtemps que j'avais pas trouvé un album aussi travaillé en fait, dans le sens de la recherche musicale qu'il y a derrière. Et vraiment, c'est une masterpiece. Quoi. Et en même temps, il est hyper personnel. Hein. C'est un album qui est complètement introspectif, qui parle des problèmes qu'il peut avoir, des problèmes de discrimination, les problèmes aussi amoureux. Hallucinant cet album. C'est un super disque. Et en même temps, il y a des morceaux qui font bouger, il y a des trucs qui sont juste dingues. C'est marrant que Baba cite ça comme album. J'imagine Hollande, c'est un album de musique. C'est le dernier Johnny Hallyday. C'est le dernier Bruel. Il chante Barbara, j'adore. C'est un peu ça. On a cité récemment le chanteur de cornes aussi dans un discours. Oh, c'est pas vrai. C'est vrai. Voilà, il y a plus décalage. Bah, quand tu compares leurs iPods, à mon avis, quand tu voyais l'iPod de Sarkozy à l'époque, c'est que du Johnny dedans. Que du Johnny. Et Enrico Macias. voilà, autre album que j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs je crois que Greg tu l'as beaucoup aimé, c'est je ne sais plus le combienième album de Subjane Stevens. Ah ouais, c'est mon album de l'année moi. Qui s'appelle Carrie Ann Lowell. Donc Carrie Ann Lowell, alors moi je ne suis pas un grand fan de Subjane Stevens, qui est un type qui a commencé par avoir une ambition assez dingue, c'est de faire un album pour chaque état des États-Unis. Donc il avait commencé, il avait fait donc. Alors moi je t'arrête, on a beaucoup parlé de ça dans la communication blague, autour de Subjane Stevens, mais même lui il le disait. Il a fait le Michigan et il a fait l'Illinois. Illinois. Parce que un de ses meilleurs albums, c'est Common and Feel on Illinois, qui était un super disque. Et là, en fait, c'est un disque beaucoup plus personnel, mais même totalement personnel. On parle de Christopher Owen. Carrie, donc, c'est sa mère qui est décédée d'un cancer il y a quelques années ou même quelques mois. C'était pas très, très vieux. Et qui l'a abandonné quand il avait 3 ans. Et donc l'album parle que de ça. Il y a un morceau qui est totalement bouleversant qui s'appelle The Fourth of July, qui est en fait qui se passe donc le jour de la fête du 4 juillet américaine, où il a une discussion. Enfin, il a la dernière discussion avec sa mère qui est sur son lit de mort. Et donc sa mère, voilà, lui dit pourquoi elle a fait ça, pourquoi tu pleures. Enfin, il y a un dialogue. Il imagine un dialogue entre elle et lui avec. C'est assez bouleversant. C'est un album qui est extrêmement bien habillé, dans le sens où c'est pas un album tire-larme, où si tu l'écoutes et que tu sais pas du tout de quoi ça parle et que tu parles pas du tout anglais, tu peux te dire c'est un bon album de folk. Ça passe très bien, ouais, musicalement ça s'écoute facilement, on va dire. Et surtout je trouve qu'il a enlevé un peu tous ses côtés un peu maniéristes. Avant c'était quelqu'un qui est très doué musicalement, mais il rajoutait beaucoup, il mettait, on va dire, sur le gâteau il y avait beaucoup de chantilly, donc vraiment c'était un peu écœurant. Et là c'est un album qui est hyper juste, qui est vraiment épuré. Pour moi c'est vraiment une révélation, je pense c'est un des plus beaux disques que j'ai écouté dans ma vie, et même cette année forcément, et même un des plus beaux disques que j'ai écouté cette année. Je sais pas si on mettra un morceau de cet album. Ça vaudrait peut-être le coup parce que c'est tellement personnel, mais en même temps c'est vrai que c'est bon. Voilà. Ne fais pas chialer quand même. Non, parce que je pense que je choisirais The Force of July, qui est quand même le meilleur un des meilleurs morceaux de l'année, le meilleur morceau de l'album. Voilà, donc c'est vraiment, on vous le conseille, faut quand même être un peu bien accroché au niveau émotionnel, surtout si on parle cherche à savoir de quoi il parle, on cherche les paroles, on parle bien anglais. Après, si on ne parle pas un mot d'anglais, on peut l'écouter comme ça, comme un bon disque. Et dernier album dont je voulais parler, c'était l'album de Destroyer qui s'appelle Poison Season. Donc c'est Destroyer, ça doit être au moins le 11e album de son leader qui s'appelle Dan Bejar, qui faisait partie des New Pornographers. Surtout, il s'était fait connaître en 2011 pour Caput. Et là, c'est vraiment une réussite avec un album qui rappelle un peu Bowie, un peu Lou Reed, et aussi pour ceux qui connaissent les Only Ones, qui est aussi un groupe des années 80 qui a beaucoup influencé les Libertines. Et il a un peu une voix comme ça, donc ce qui est assez sympa, c'est qu'il y a un saxophone. Donc les saxophones, souvent, c'est peut être très très moche comme instrument dans le rock. Moi j'aime beaucoup. Je me souviens, c'était par exemple dans The Rapture, qu'il utilisait beaucoup le saxophone pour faire danser. Et lui, il l'utilise aussi énormément, et ça passe très très bien. Donc c'est un album qui est assez crépusculaire. C'est une pop vraiment. Ça fait un peu musique de chambre. C'est en même temps parfois des petites symphonies, un peu comme fait Bowie, c'est-à-dire qu'il peut faire des trucs très intimes, très personnels, très simples, et en même temps il peut faire des trucs très très arrangés. Enfin voilà, l'album est vraiment très très bien, donc c'est aussi un des albums que je trouve vraiment très bon cette année, surtout après Caput, où on se disait est-ce qu'il va réussir à faire un album aussi bon. Après je cite juste 5 albums que j'ai bien aimé cette année. Donc il y avait l'album de Soko dont on avait parlé un peu pour quand on pouvait financer l'album de Soko en se faisant payer des My Dreams Dictate My Reality. On en a pas énormément parlé, mais je trouve que c'est un album qui utilise très bien les années 80, tout en restant du Soko. Donc voilà, toujours très émouvant, un peu énervant pour ceux qui ne l'aiment pas. Je sais que j'ai pas mal d'amis qui ne peuvent pas la supporter. Voilà, elle est un peu spéciale aussi, mais je trouve que ça fait son charme. Il y a l'album de Deer Hunter, donc on avait cité les phrases de Bradford Cox, qui était un peu dans le clash des phrases, un peu celui qui avait gagné. Moi, j'ai beaucoup aimé l'album de Courtney Barnett aussi, dont j'avais parlé rapidement. Très bon album, t'as raison, d'en reparler. C'était un très très bon album. Ça. Pas un album génial, mais je le mets quand même dans mes albums de l'année. Il y avait aussi un album un peu moins connu de Dom La Nena, qui est une jeune chanteuse brésilienne de française d'adoption, qui fait un peu, j'avais parlé de Laza cette année, et ça fait un peu penser à Laza, donc c'est très très bien, un peu plus calme, un peu plus doux, donc des fois ça fait du bien. Et aussi un album qui fait beaucoup polémique et qui divise beaucoup en France, et que Dim n'aimera sûrement pas, c'est l'album de PNL. Donc PNL, c'est un groupe de rap français de Évry Courcouronnes, et qui est complètement en autotune. Donc pour ceux qui détestent l'autotune, donc cette façon de modifier... Il y a tout ce que dit même là, voilà. Du rap de l'autotune, du rap français en autotune, Dim, ça te plaît? Et voilà, donc... Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Beaucoup pensent que c'est d'ailleurs un coup des maisons de disques, un coup marketing, un peu comme Fauve d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est un groupe qui donne pas d'interview, donc on sait pas trop qui ils sont, mais moi ce que j'aime bien c'est justement leur utilisation de l'autotune, ça m'a rappelé un peu ce que faisait TTC avec Bâtard Sensible, c'est-à-dire qu'ils ont un rapport entre la musique et la façon dont ils traitent la voix qui est vraiment excellent. L'album est pas génial de bout en bout, il est un peu long, il fait 1h10. Mais il y a 6-7 morceaux qui sont vraiment excellents. Voilà, après, faut aimer l'autotune, faut aimer un peu le hip-hop, hein, des fois un peu bas du front. Mais c'est un album aussi assez triste, assez nihiliste. Et donc, ça, dans le rap français, quand tu passes après Maître Gims, c'est. Ouais, c'est... Mais c'est marrant parce que je le faisais écouter à ma femme, elle me dit ça ressemble à Maître Gims, c'est pourri. Oh et pour l'instant, elle a pas du tout passé le cap. Et c'est vrai qu'il y a un cap à passer où tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là dans le traitement du son dans C'est le... pas la meilleure chose à faire de comparer à Maître Gims. Non, on rappelle que Maître Gims, c'est l'étalon universel de la merde. Un Maître Gims égale la merde absolue. Merci, Joël Star. En tout cas, j'écouterai, quoi. Mais voilà, dans le truc, cette année, il y a eu pas mal de bons albums de rap français. Il y a eu l'album de Booba qui est sorti. Il y a eu, j'y connais rien, j'avoue, en rap français. Même Abdel Malik qui est sorti, je crois. Ça, par contre, ouais, c'était plus sympa. Mais il avait travaillé avec Laurent Garnier. Et c'était un mélange qui était assez original. Pas du tout entendu parler. Non, c'est un projet un peu plus underground, on va dire. Autant, Laurent Garnier, album, Abdel Malik, ça avait. Ah, il y a Seth Gecko aussi. Ouais, il y a Seth Gecko, il y a Jules, il y a Gradur. Enfin voilà. Voilà, un peu tous les rap français maintenant. J'ai PNL, on est voilà, parti des conseils musicaux pour faire un débat sur le rap français et l'autotune. Moi, j'y connais rien, donc j'écoute. D'ailleurs, je renvoie à un conseil que j'avais donné sur No Fun, le podcast qui parle beaucoup de rap. Et ils ont fait un podcast notamment sur Booba, notamment sur l'autotune. Donc, vous pouvez les écouter, c'est très très bien. Alors, suite à ton conseil, j'ai été découvrir le podcast No Fun. Donc, qui parle podcast musical hallucinant de qualité. Quoi. Ah, c'est très bien. Les débats sont hallucinants. Ouais, le niveau de connaissance no musicale. No Ciné, mais pas No Fun. Ah, t'as écouté No Ciné, c'est bien aussi. Hallucinant. Je suis abonné au No Game, No Ciné. Ah, c'est très bien. Allez voir ça hein, si vous ne l'avez pas encore fait, chers auditeurs, les No Game, No Fun et No Ciné. Ouais. Hallucinant. Et No Fun, Et voilà, donc ça, c'est les albums. Je reparlerai peut-être d'autres parce que je suis en train encore d'écouter des albums. Il y a notamment l'album de Nicolas Godin de R. J'écoute encore l'album de Feu Chatterton qui est pas mal. Il y a l'album de Grimes qui est un peu cité dans tous les top 10 de cette année ou les top 20. Donc j'écoute ça aussi qui est pas trop mal. L'album de Bruel. L'album de Bruel, l'album de Johnny. Johnny qui a fait un très bon album. L'album de Zazie, bon voilà, il y a un peu les incontournables de la musique. Bon, sur ces bonnes paroles, on divague. On a été très bavard en divertissement, mais c'est normal. Hein. On va enchaîner par notre petite partie art ludique. La partie art ludique où on va parler évidemment de jeux vidéo. Je te trouve un peu mitigé sur ce lancement, Stan. La partie art ludique. On va parler de jeux vidéo. En fait, on n'aime pas, pour préciser, on n'aime pas le terme jeux vidéo. Enfin, je pense que c'était un peu ça aussi qu'on a appelé art ludique. Et un jour, on s'était dit peut-être qu'on parlait de jeux de plateau ou de jeux de rôle. Voilà. Là, je m'en souviens pas. Ce jour-là va arriver un jour, peut-être. Mais parce que moi, je vais faire un débat dans le débat. Mais ce qui me perturbe avec art ludique, c'est pour moi, le cinéma et les séries font partie des arts ludiques. Pas d'interactivité, donc on fait pas ludique. Non, mais c'est ludique dans le sens c'est une distraction, c'est-à-dire qu'on peut y aller en mangeant du popcorn et en regardant. Pour moi, quand on parle personne mange du popcorn pendant les films, c'est de l'entertainment, tout ce qui est entertainment. Moi, je mange du popcorn en jouant aux jeux vidéo. Waouh, tu veux pas jouer à des jeux trop durs, je sais pas. Moi, je suis un peu un goinf, mais bon. Bon, bref, on parle de jeux vidéo, on va commencer par faire un bilan 2015 des trois constructeurs. Ouais, voilà, plutôt que de choisir 2-3 news qui m'avaient marqué, je préférais faire un bilan des trois constructeurs. Autour duquel forcément gravitent tous les éditeurs et forcément tous les jeux qui sortent. Et finalement, on va voir que le gros événement jeux vidéo qui était l'E3 cette année, bah, je trouve qu'il a bien éclairé les années respectives des trois constructeurs. Donc je vais commencer par Sony. Sony, j'ai appelé ça la conquête. puisque cette année, Sony, ça a vraiment été un bulldozer. Un rouleau compresseur, c'est 30 millions de PS4. Ils ont aussi multiplié les prises de parole via des conférences. Il y a eu des gros partenariats avec des éditeurs tiers, donc je pense notamment à Destiny, à Call of Duty, où ils ont récupéré l'exclu pour des DLC qu'avait Microsoft avant. Voilà, et presque la sensation que les jeux tiers sortaient presque en exclu sur PS4, surtout en France. Quand tu vois la publicité, tu as l'impression que Destiny, c'est un jeu PS4. Clairement. Voilà, et que j'ai l'impression que Microsoft existe beaucoup moins, notamment en Europe, on en parlera après. Voilà, c'est une omniprésence sur les trois gros marchés, US, Europe et forcément Japon par rapport à la Xbox, qui donne l'impression qu'ils ont, pour moi, déjà plié cette gêne, tout en gardant leurs gros jeux. On n'a pas encore vu Gran Turismo, il y a Uncharted 4 qui arrive, il y a God of War 4 qui n'a pas été encore annoncé, ils ont encore du Horizon, enfin ils ont encore Last Guardian, enfin voilà, ils ont énormément de choses à annoncer en 2016. Et quand GTA 6 va sortir, je pense que là ça fera exploser le marché des consoles. Tu penses qu'il y a un GTA 6 qui sortira sur cette génération ? Ah bah oui. Tout à l'heure, tout était. Ouais, je pense qu'il y a des actionnaires dans leur bureau qui leur disent avec un flingue, vous sortez un GTA 6, les j'ai une piscine en or à acheter. Donc non, il y aura forcément un GTA 6. Peut-être. Ils attendent que le parc soit un peu plus important, qu'ils soient à peu près à maturité. Tu penses que ça va arriver comme pour GTA 5, plutôt en fin de vie de console ? Ouais, en dernier tiers, on va dire peut-être. Il y aura peut-être un Red Dead 2. Ouais, peut-être. On parlait peut-être d'un Red Dead. Après, bon, je pense que cette année, enfin là, en janvier, ils vont peut-être annoncer quelque chose, je les vois bien annoncer quelque chose. D'accord. Je sais pas ce que ça sera, mais voilà. Donc fatalement, Sony, bah, ils ont gagné l'E3, ils ont steal the show, comme on dit là-bas. Ils ont dominé l'année 2015. Mais finalement, j'ai trouvé que c'était une domination davantage sur ce qu'ils maîtrisent le mieux, c'est-à-dire la communication, plutôt que sur les jeux. L'E3, ça a été une démonstration du slogan de Sony Make Believe, avec 3 des 4 plus gros fantasmes de l'industrie. Il manquait juste Half-Life 3, qu'on n'a toujours pas, mais disons qu'ils ont quand même annoncé sur scène Last Guardian, donc qui était un peu l'arlésienne du jeu vidéo, le remake de Final Fantasy VII, qui était un peu le truc le plus attendu par les fans, voilà. Et Shenmue 3. Voilà, même finalement, si ça c'est pas forcément des jeux Sony, c'est eux qui les ont présentés à leur conférence, et donc forcément, ça a fait parler. Mais finalement, il en reste quoi aujourd'hui ? Last Guardian, bah, il reste assez discret, on n'en a pas vu beaucoup plus depuis. FF7, c'est pas une exclue, puisqu'il sortira normalement sur One et normalement sur PC, et il va se décliner en épisodes, et on a vu que PlayStation Experience avait changé un peu tous les fondamentaux de la série. Et enfin, Shenmue 3, c'était juste une promo d'un Kickstarter pour un jeu, bah, je trouve, malheureusement, je suis très très grand fan de Shenmue, mais ça sent un peu le roussi par rapport à ce qu'on en voit, par rapport aux ambitions, par rapport à ce qu'est Shenmue maintenant dans l'univers du monde ouvert. Donc voilà, ça montre qu'il est difficile d'être et d'avoir été pour quelqu'un comme même un talent comme Yu Suzuki. Voilà, donc si Sony a été conquérant en 2015, c'est presque en laissant le charme agir, j'aurais envie de dire, à son corps défendant, qui plus poussé par les jeux tiers, par la faillite des autres, c'est-à-dire Nintendo et Microsoft, et avec une Vita qui est toujours dans le placard et dont on entend assez peu parler, même si au Japon elle marche toujours assez bien, et un planning d'exclus qui compose plutôt de remasters et de jeux sympathiques. On peut penser à Until Dawn qui a été plutôt bien accueilli, à Dragon Quest Heroes, mais c'est pas non plus des jeux énormes. Voilà. Mais ils ont une telle dynamique, un tel soutien des tiers que finalement ils gagnent l'année. Et pour le coup, moi je trouve que 2016, on parlera de nos attentes tout à l'heure, ça doit vraiment être l'année où ils vont se dévoiler avec leur gros jeu maison et le PlayStation VR qui est quand même très très attendu. Ils vont vraiment prendre un risque parce que c'est une technologie, on ne sait pas trop ce que ça va donner en termes d'adoption par le public. Mais voilà, donc c'est une année où ils ont quand même dominé le jeu vidéo de la tête pour et moi, des épaules. Pour moi, cette année, c'est un peu le triomphe du classicisme, quoi. C'est-à-dire que c'est des valeurs rassurantes, il n'y a pas de surprise, mais tout marche très bien, tout est très fonctionnel, tout est très bien. Il n'y a aucune surprise, quoi. Ils font pas d'erreur en plus, ils font pas d'erreur au niveau com, contrairement à Microsoft. C'est propre, c'est bien emballé. Il n'y a pas de surprise, mais ça va. Oui, c'est pas étonnant que ça soit, vu l'omniprésence des tiers, que ce soit la console qui cartonne. Donc après Microsoft, j'ai appelé ça la rédemption. Donc voilà, contrairement à Sony qui a surfé sur la vague, Microsoft a surtout cherché à remonter le courant après les bourdes du départ, c'est-à-dire qu'on a eu Kinect qui a été d'abord lancé comme étant le cœur de l'expérience Xbox One pour finalement être enlevé des bundles quelques mois après, et maintenant finalement il n'y a plus aucun jeu Kinect. Il y a des gens qui l'utilisent, mais c'est plus une interface de luxe pour la Xbox que quelque chose d'intéressant. Le tout connecté aussi, ça n'a pas fait tellement long feu, même s'il y a des jeux qui sont tout connectés, mais finalement ils l'ont supprimé de leur ils ont fait finalement une PS4, hein. La Xbox One c'est devenu une PS4 en moins puissante parce qu'ils avaient alloué des ressources pour Kinect. Et là, cette année, au final, ils ont servi du solide, à défaut d'être original, c'est peut-être un peu ce qu'on peut leur reprocher. C'est un peu un effet d'annonce de dire, entre guillemets, le meilleur catalogue de l'histoire de la Xbox, hein, c'est ce qu'ils prétendent pour la Xbox One cette année. Mais c'est vrai que sur cette fin d'année, ils ont sorti quand même Forza 6, Halo 5 et Tomb Raider en exclus temporaire. Alors, c'est des jeux qu'on voit à peu près tous les 2-3 ans, mais ça reste quand même des grosses exclusivités, même si bon, les ventes ne sont pas non plus exceptionnelles pour ces trois jeux, peut-être un peu plus pour Halo 5. Il y a eu une refonte qui a été très réussie du dashboard de la One, et il y a eu l'arrivée de la rétrocompatibilité pour 104 titres sur 360 sur One. Donc ça, ils ont quand même été vraiment vers les demandes des joueurs. Et alors c'est vrai qu'ils ont surtout été actifs sur la deuxième partie de l'année. Dans la première, ça a été un peu le calme plat. Il y a eu Ori and the Blind Forest, dont je parlerai tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'ils ont surtout concentré le gros de leur activité sur les derniers mois, donc les mois qui sont les plus importants. Mais vu la concurrence des jeux tiers, ça n'a pas forcément eu le résultat escompté en termes de visibilité pour leurs jeux exclusifs. Ça, c'est peut-être un peu le problème. Voilà, 2015, ils ont essayé de rassurer les fans de la marque. Je trouve qu'ils ont été vraiment à l'écoute des joueurs avec les prises de parole de Phil Spencer. Leur message qui avait vraiment été brouillé par Kinect et le TV de la première année où tu avais l'impression que c'était plus du tout une console de jeu. Là, ils sont vraiment recentrés sur les jeux. C'est même leur communication, leur axe pour 2016. Ils ont fait des bonnes conférences à l'E3, mais j'ai trouvé que ça manquait toujours un peu d'un petit truc en plus. Soit d'un effet waouh, soit d'un buzz un peu comme Sony a pu le faire avec Shenmue. C'est-à-dire que c'était solide, tu te dis ouais, c'était bien, mais c'était un peu neutre quoi. C'est ce qu'on avait dit d'ailleurs de l'E3, ils avaient fait une bonne conférence. Ça, ils vendent du concret alors que Sony vend du rêve, quoi. Voilà, et le rêve, c'est quand même important quand t'as une console, c'est-à-dire c'est de sortir des jeux, mais c'est en même temps de faire des annonces pour le futur, même si tu tiens pas tes promesses, finalement, c'est pas forcément... Bon, après, ça peut trop tomber dessus un jour comme pour Ubisoft, mais disons que voilà, il manque un peu de leur dimension, un peu, je te vends un peu du rêve. Parce que t'en as pas parlé, je crois, mais le casque de Sony aussi, le Morpheus, enfin, je sais plus comment il s'appelait maintenant. PlayStation VR, il y a eu pas mal de communication de la part de Sony sur ce casque cette année aussi, alors que Microsoft là-dessus, il parle pas tellement de l'avenir en fait, enfin Microsoft en tout cas Xbox, ouais. Parle pas tellement de l'avenir de la Xbox et de qu'est-ce qui vont être les prochaines expériences sur la Xbox. Non, ils sont vraiment concentrés sur les jeux. Ouais. Après, je trouve qu'en Europe, ils sont un peu en retrait au niveau communication. C'est vrai qu'ils sont très actifs aux États-Unis parce que c'est leur gros marché. Et là, ils sont vraiment en danger par rapport à Sony parce que Sony domine le marché aux États-Unis alors qu'avant, ils étaient 2-3 fois en termes de vente derrière. Là, on est à 1 million d'écart entre les deux machines pour la PS4. Il y a eu les derniers chiffres de NPD. Donc là, je trouve que. Ils ont quand même fait une bonne année, même si je trouve que ça reste un peu... c'est une année, de rédemption pour essayer de reconquérir leur public cible qui était très très présent sur la 360 et qu'ils ont peut-être un peu oublié au lancement de la console. Ouais. Ils ont fait un faux départ et ils essaient de rattraper le retard. Ouais. Mais je pense qu'ils le rattraperont pas, mais là, la console se vend bien. Mais par rapport au raz-de-marée qu'est la PS4, elle se vend beaucoup moins bien. Mais par rapport à une 360, ils en vendent beaucoup. Hein. Faut pas croire non plus que c'est la catastrophe chez Microsoft, quoi. Donc voilà, après pour Nintendo, moi j'avais intitulé ça Respiration Artificielle. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça, mais c'est plutôt toi qui vas en parler. Transition difficile, tu compléteras si jamais. Parce que moi je l'ai abordé plutôt des différents aspects dont on a parlé au cours de l'année de Nintendo, des différents événements peut-être qui ont joué un peu dans l'actualité Nintendo au cours de 2015. L'année avait commencé un peu difficilement avec l'affaire des YouTubers. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, le lancement d'une nouvelle plateforme destinée à assurer la rémunération des YouTubers avec un objectif derrière de partager. J'ai mieux les revenus publicitaires entre les utilisateurs de YouTube, enfin les YouTubers et Nintendo. Et déjà en 2013, il y avait eu pas mal de problèmes puisque Nintendo avait essayé carrément de s'arroger la manne financière que faisaient les vidéos, les pubs, parlant des vidéos des jeux Nintendo. Là, ils avaient un peu revu ça. C'était maintenant une histoire de validation de la vidéo du YouTuber. L'utilisateur pourrait garder 60% des revenus publicitaires et même 70% dans le cas d'une chaîne partenaire. Mais Nintendo devait valider que ça et il devait avoir un petit message, etc. Ça a commencé assez mal puisque ça aussi a été assez mal pris avec des youtubeurs assez connus qui ont dit un petit peu des choses un peu violentes sur Nintendo finalement. Et tout de suite, Nintendo qui a déjà pas mal de problèmes de communication, et c'est un peu ça le fil conducteur de l'année 2015 de Nintendo, c'est les problèmes de communication, c'était encore une fois un truc un peu révélateur. Et ensuite de ça, dans le cours de l'année, Julien nous avait parlé d'une interview qui avait été assez intéressante, celle de Dan Adelman, sur la différence de culture, qui pouvait peut-être un peu expliquer aussi... pas la mauvaise façon de communiquer Nintendo, mais juste le fait que cette entreprise est différente de celle qu'on connaît habituellement, qu'elles ne pensent pas de la même façon et surtout elles ne fonctionnent pas de la même façon. Ils ne sont pas réfractaires au changement spécifiquement, mais c'est juste qu'ils ont une façon de fonctionner où chacun a des veto, etc. Et tout le monde doit être d'accord avant que quelque chose se fasse et du coup c'est très compliqué de bouger les choses dedans avec une culture vraiment japonaise très ancrée dans cette société et qui venait un petit peu expliquer ces problèmes de communication au fil de l'année puisque ouais. L'année a été compliquée pour Nintendo. Et lui, Dan Adelman, pour préciser, c'est lui qui s'occupait des indépendants chez Nintendo. Ouais, exact. Et qui disait qu'encore plus que la particularité japonaise, c'est la particularité qu'ils sont de Kyoto. De Kyoto, ouais, une firme. Qui est encore plus japonais que japonais, en fait. Ouais, exactement. Et bon, il y a quand même eu du bon dans l'année, hein, dans l'année Nintendo, même s'il y a eu beaucoup de problèmes de com. Je pensais notamment aux Amiibo, dont on a fait de nombreuses news en 2015. Bah, je mets ça dans les bons parce que mine de rien, pour Nintendo, c'est quand même un objet qu'ils ont vendu par palette entier, par carton. Alors après, est-ce que c'est bon pour la communauté jeux vidéo ? Est-ce que c'est bon pour le jeu vidéo en soi ? Ça, c'est un autre débat. Pour Nintendo, ça a été quand même un apport d'argent assez hallucinant. Je rappelle, voilà, certains modèles qui se vendaient en Europe ou aux États-Unis à $200. Et même en rupture, enfin ceux qui étaient défectueux à plus de $10,000 sur eBay facile. On avait vu ça en début d'année 2015. Il y avait aussi plutôt côté Nintendo encore dans les bonnes nouvelles quand même cette année, c'était la New 3DS qui avait été plutôt un beau succès. Finalement, on l'avait peut-être pas prévu, on l'avait peut-être pas vu venir. On se disait peut-être la 3DS commence vraiment à s'essouffler, même si on en fait des nouveaux modèles, etc. Puis finalement, il y avait eu rapidement des très bonnes ventes de la New 3DS, et notamment du Majora's Mask 3D qui était déjà écoulé à 570 000 exemplaires en Occident une semaine à quelques après sa sortie, donc c'était vraiment un beau carton. Malheureusement, encore une fois, Nintendo s'est un peu empêtré dans les pieds dans le tapis de la communication au moment de son annonce du grand changement, parce que ça a été ça la grande annonce finalement de Nintendo dans l'année. La transformation de Nintendo via un partenariat avec DNA, voilà, société complètement inconnue en Occident. Donc avec des réactions assez mitigées, hein, pour rappel, donc c'était le 17 mars où il y avait eu Nintendo qui avait annoncé l'arrivée prochaine de jeux utilisant ses licences destinées aux smartphones et tablettes via ce fameux partenariat avec DNA. Voilà, c'était dans l'optique de peut-être trouver un nouveau public, on ne savait pas exactement. C'est ce qui était en tout cas déclaré, c'était éventuellement trouver un nouveau public via les petites applis sur smartphone pour qu'ils viennent après acheter des consoles Nintendo et pour le coup faire ça avec un spécialiste du secteur, à savoir DNA, qui en plus s'occuperait de refaire complètement le club Nintendo et d'unifier un peu tout ça. L'infrastructure de l'écosystème. Voilà, bon, après, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, l'annonce en elle-même n'était pas inintéressante, on ne peut pas, toujours pas se prononcer dessus, finalement, parce qu'on n'en sait pas vraiment beaucoup plus maintenant, hein. On sait maintenant que les jeux seront des free-to-play, quasiment tous, etc., etc., mais on n'a encore pas vu, finalement, ce premier jeu, on n'a encore pas testé, donc on peut difficilement se prononcer. Par contre, lors de cette même conférence, il y avait eu plus ou moins une annonce, moi que j'ai appelé entre guillemets raté, de la nouvelle Nintendo, nouvelle console Nintendo, qui est donc la NX. Ça aussi, encore une fois, en termes de raté de communication, je pense que là, ça va être un exemple qu'on va étudier dans les écoles de commerce dans quelques années. Je pense qu'on peut pas plus rater une communication que ça. C'est-à-dire que voilà, annoncer une console au moment où la précédente n'est pas du tout encore terminée. Théoriquement, en tout cas, on est là, on essaye de rassurer les gens en disant la console n'est pas finie, sa fin de vie, elle est encore loin, etc. Mais en même temps, on vous annonce quand même une nouvelle console et on l'annonce via une espèce de slide PowerPoint sans en dire beaucoup plus. Bref, tout était complètement raté là-dedans. Ouais, c'est plutôt le flou autour de la console qui a fait que tout le monde a spéculé sur ce que ça pouvait être et ça spécule encore puisqu'on voit qu'il y a des brevets qui sortent de toutes parts et on dit tiens, ils vont faire ci, tiens, ils vont faire ça. Alors que tu as une console qui est en difficulté et qui était dans sa troisième année quand même. Ouais, c'était clairement pas le mouvement intelligent pour essayer d'apporter son support à la Wii U, puisque à partir de ce moment-là, ils se sont dit, perso, moi je me suis dit, c'est mort pour la Wii U, quoi. S'ils commencent déjà à parler d'une nouvelle console officiellement, parce que bien sûr, ils travaillaient dessus, tout le monde le savait, mais qu'ils l'annoncent un peu officiellement comme ça, c'était un peu la fin de la Wii U lors de cette conférence qui était quand même en mars, donc effectivement, ouais. Mais sans qu'on sache en même temps si la NX c'était une portable ou une console de salon. Sans qu'on le sache toujours, d'ailleurs. sans qu'on le sache toujours. Et puis finalement, c'est vrai, tu l'as dit un petit peu, le E3 a été très symbolique de comment s'est passée l'année pour ces trois constructeurs. Et pour Nintendo, ça a été effectivement symbolique de son année, puisque je l'ai appelé le E3 de l'échec, hein, concrètement. Et on a eu très très peu d'annonces, très peu de nouveaux jeux jouables, ou même montrés. Hein. Il y avait eu Mario Maker notamment, qui avait été peut-être le plus principal point d'intérêt. Ouais, on l'avait vu avant, je crois. Oui, encore, on l'avait vu avant. Je crois que la seule nouveauté, c'était Mario Tennis. Il y avait Mario Tennis qui était la seule nouveauté. Voilà. On avait vu des choses comme The Legend of Zelda Triforce Heroes. On a vu Metroid Prime Federation Force sur 3DS. On l'a pas vu. Non, qui a fait en plus couler pas mal d'encre parce que ça avait décevé énormément les fans de Metroid. Donc en fait, toutes les annonces qui sont parues pendant cette E3. étaient soit décevantes, soit ouais. on s'en foutait un petit peu, bon. Parce que bon, Mario Tennis, c'est pas le jeu le plus intéressant du monde. Star Fox Zero qui avait quand même pas mal déçu sur ta présentation. Star Fox Zero qui était assez moche, le Zelda qu'on n'avait pas revu, enfin du coup, ouais. vraiment le 3 de l'échec est tellement un échec qu'il y avait même Satoru Iwata qui s'était fendu la question sur Twitter en disant on fera mieux la prochaine fois, en gros. Hein. Donc c'est quand même grave pour qu'on en arrive là. Au final, dans les derniers événements de l'année Nintendo, bah, c'est malheureusement la disparition de Satoru Iwata et son remplacement par un nouveau président. Et puis bah, peut-être maintenant, on attend l'année prochaine, on parlera des attentes un peu tout à l'heure, mais peut-être la NX, je ne sais pas, on verra, avec encore une fois des nouveaux brevets qui apparaissent plus ou moins. C'est forcément 2016 qui l'annonce. Pour moi, ils ont pratiquement tous les jeux qui vont sortir, c'est un peu premier semestre. À part Zelda qui est, on sait pas trop. Zelda sortira pas sur Wii U. Vous croyez? Pour moi, il sortira sur Wii U, soit ça sera rétrocompatible NX, soit ils feront une version remaster, mais peut-être plus tard. C'est évident qu'il sortira sur Wii U. Ouais, pour moi, sur les deux. Pour les deux, je sais pas, mais sur Wii U, pour moi, c'est sûr. D'ailleurs, je crois qu'ils l'ont encore confirmé dans le dernier Nintendo Direct, où on a eu 10 secondes du jeu. Je sais pas si t'as des choses à ajouter sur Nintendo. Non, c'était à peu près tout. Ouais, c'est vrai que le décès d'Iwata, forcément, quand tu perds ton président dans l'année, ça aide pas, ça marque un peu. En plus, on a pu s'apercevoir de la popularité d'Iwata dans l'industrie et auprès des joueurs. C'était vraiment la figure emblématique de Nintendo, et Kimishima, le nouveau président, s'est vraiment mis dans l'ombre de Iwata, dans la continuité de Iwata, et on ne sait pas tellement s'il est élu pour longtemps ou pour un an, donc il se peut qu'il reste, hein, si ça marche pour lui. Est-ce qu'on avait, parce qu'à l'époque on avait dit, est-ce que finalement ils essayent de former quelqu'un en interne le plus jeune pour la suite, et que là ils font juste une transition, est-ce qu'ils vont aller chercher quelqu'un d'extérieur, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui devraient se passer en 2016 pour Nintendo, avec il y a Miitomo, mais Miitomo c'est plus un espèce de cheval de Troie pour leur jeu mobile, pour essayer un peu de tâter le terrain sur leur écosystème qui va être mis en place par DNA et qui devrait concerner à la fois le PC, les tablettes, les smartphones, les consoles. Ce qu'on en parlait d'ailleurs, c'est peut-être pas, je crois que c'était Stan, tu disais que c'est beaucoup se sont moqués de Miitomo, mais c'était peut-être une stratégie qui peut être payante. Voilà, 2016, ça a été une année hyper intéressante parce que ils ont donné aucune visibilité cette année, même sur la Wii U et même sur la 3DS. Il y a quelques jeux qui arrivent là en début d'année, mais voilà, je pense que ça va, et Reggie mais l'avait annoncé, ça va être l'année de la transformation, enfin il se prépare à la transformation, qu'est-ce que ça va être, on sait pas, donc je trouve que ça va être passionnant leur année 2016. Je pense qu'il y aura beaucoup de bonnes news jeux vidéo en 2016. Ouais, bah, en fait ils ont une énorme carte à jouer, c'est-à-dire qu'il faut pas qu'ils déçoivent avec la NX, il faut pas qu'ils refassent la même erreur que la Wii U, elle a sorti trop vite et du coup pas de contenu, une finition pas terrible, ouais, au niveau pas compréhensible, du software, etc. Il faut vraiment qu'ils prennent le temps de poser les choses et qu'ils la sortent bien, quoi, enfin qu'ils fassent bien là, parce que allez, moi je pense qu'ils vont faire une annonce aux alentours de l'E3, peut-être pas à l'E3 mais peut-être juste avant, et juste avant. Et peut-être la montrer après le 3 pour une sortie fin d'année ou début d'année d'après, mais peut-être même fin d'année. Parce que quand tu vois leur calendrier Wii U et 3DS, c'est un calendrier qui est tendu là sur janvier, juin, tu vois, jusqu'à, je crois que Star Fox Zero, c'est en avril. Voilà, donc par contre, faut quand même, on n'a pas beaucoup parlé des jeux Wii U ou 3DS cette année, mais il y a quand même eu des bons jeux quand même cette année. On peut penser à Splatoon, un succès, c'est ça qui est dommage, c'est qu'on retient que le négatif de Nintendo, alors qu'en fait, on verra tout à l'heure, parmi nos jeux préférés de l'année, il y en a beaucoup qui sont sur les Wii ou quoi. Mais bon, sur une année, il faut aussi que tu donnes un peu du gâteau pour l'année d'après. Et Nintendo, je trouve, l'a pas du tout fait, à part en restant dans le flou. Je suis presque content qu'on ne sache rien sur la NX. Tu vois, je me dis, on attend quelque chose, on peut être que surpris en bien ou en mal, mais au moins, il y a une surprise. C'est bien qu'il n'y ait pas de fuite, c'est bien que, voilà, je suis content. Puis on sait très bien que les brevets qui sont lancés, c'est aussi des brevets pour brouiller un peu les pistes. Ouais. Oui, puis un brevet, ça peut être juste un brevet pour soi et on ne l'utilise pas. Hein. Voilà. Ok, bon. Bilan intéressant de l'année. On va passer plutôt sur les jeux qui nous ont marqué cette année. Je vais commencer par passer la parole à Dim, comme tu as été très silencieux, Dim. D'accord. J'ai retenu deux jeux que tu avais beaucoup aimé cette année. Tu nous parles déjà de ces deux jeux-là? Voilà, exactement. Donc je vais commencer par Batman Arkham Knight. Après, attention, ce que je vais dire, malgré les critiques, ça reste quand même un très bon jeu. Mais j'ai quand même quelques déceptions, et c'est la première fois que ça m'arrive sur la saga Arkham, parce que le scénario est vraiment très très proche de Arkham City et de Arkham Origins. C'est un peu une habitude d'avoir des suites qui se ressemblent avec des nouvelles features, mais bon, là je suis quand même vraiment déçu parce que la formule n'a vraiment pas trop bougé, quoi. Entre Asylum et Arkham City, il y a vraiment eu un énorme gap, quoi. Je compte pas vraiment Origin, qui vu qu'il n'était pas développé par Rocksteady mais par Warner Montréal. Mais bon, ça n'empêchait pas à l'époque que le jeu était très bon grâce à un scénario que je trouvais vraiment bien et qui rattrapait le côté clone Arkham City. Donc là, la grosse nouveauté pour Arkham Knight, c'est la Batmobile. Donc ils avaient vraiment pas mal vendu le jeu par rapport à ça sur la Batmobile. Mais bon, voilà, c'est sympa au début, mais vraiment pas révolutionnaire. Et ça devient même vraiment très vite lassant quand t'as 15 000 missions où tu dois buter des drones ennemis avec la Batmobile ou avoir des courses-poursuites qu'on a pu déjà faire 15 000 fois dans d'autres jeux. D'ailleurs, les missions secondaires sont en règle générale assez redondantes. C'est des sauvetages, des destructions d'armes avec... C'est bien tout ce que tu dis, ça donne envie. Hein. Ouais, c'est vrai que la Batmobile, ça a été un peu le truc le plus critiqué du jeu, quoi. Bah voilà, ça c'est vraiment... Pour l'instant, c'est que des points négatifs que tu nous donnes, en fait. Au début, c'est sympa, mais après, c'est pas terrible. Ouais, mais après, je vais venir avec les points positifs. Ah, fais-nous envie. Bah, surtout, moi, ce qui m'avait vraiment fait peur, quoi, avec cette Batmobile, c'est que, voilà, quoi, pour moi, Batman, c'est bien connu, il tue personne, quoi. Et là, il a des canons de ouf, quoi, il tire sur tous les gars, tu vois, tous les gars qui se font exploser et tout. Et j'étais tellement choqué que j'étais obligé de sortir de la Batmobile après un carnage et vérifier ce qu'on a. On a un scanner pour voir s'ils étaient morts ou pas, et c'est juste marqué inconscient. Donc là, ça va. J'étais rassuré. Ouf. Et c'est le premier bon point de ce jeu. Non, après, je vais arrêter avec les critiques, hein, parce qu'on va vraiment penser que je déteste le jeu, mais ce qui n'est pas le cas, parce que l'histoire, bien qu'elle ressemble aux autres, les missions de la quête principale sont vraiment variées et prenantes. Et chaque intervention des vilains principaux de la licence bien connus sont vraiment c'est super marquant, quoi. Et il y a pas mal aussi de petits détails, d'easter eggs placés à droite à gauche qui sont vraiment plaisants pour les fans. Et pour donner aussi envie aux gens, enfin, il y a un élément du scénario, c'est un peu dur parce que j'ai pas envie de spoiler, mais qui est vraiment mais complètement génial au niveau de la narration et qui t'accompagne tout au long du jeu. Et on va dire qu'il te fait vraiment rentrer dans l'esprit et dans les pensées du Batman, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool, quoi. Et enfin, le jeu, il est vraiment super beau, super fluide. Après, voilà, comme ce que j'ai pu voir aussi dans un test de je sais plus quel site, heureusement que c'est vraiment le dernier jeu de la franchise parce que c'est vraiment l'extrême limite aussi pour que avant que la formule s'épuise. Donc voilà, c'est vraiment un jeu que je conseille surtout aux gros fans des jeux précédents et de la licence Batman en général. Tu as joué sur quelle console ? Sur PS4. Hein. Sur PS4. Parce que sur PC, faut pas. Hein. Oui. Ouais, non, sur PC, c'était le c'était un peu le fail de l'année. Hein. Oui. Ça, voilà. Ouais. Il a été retiré de la vente. Ouais, après il est revenu, mais ouais, il est toujours bugué, donc voilà. D'accord. Donc ouais, c'est un bon jeu pour, on va dire, pour les fans de la licence Batman. Ou alors, si je peux conseiller aussi ce jeu pour les curieux qui n'ont jamais joué aux trois précédents, parce que bon, voilà, c'est quand même une formule qui marche, quoi. Et puis ça se suit pas, non ? Tu peux faire celui-là sans avoir fait les précédents ou... Il y a quand même un gros élément du scénario que je peux pas trop spoiler qui revient dès le début, quoi, qui était un élément on va dire majeur de Arkham City et qui t'accompagne tout le long du jeu, on va dire, dans le Arkham Knight. Mais bon, j'ai pas trop envie d'en parler parce que bon, je me dis, on sait jamais, il y a peut-être des gens qui ont pas encore fait Arkham City. N'en dis pas plus, n'en dis pas plus. Ok. Et autre jeu que tu avais beaucoup aimé finalement? Alors voilà, bah, finalement c'était finalement, en fait. les jeux que j'ai sélectionnés, c'est pas vraiment mes jeux préférés de l'année, mais les jeux que j'attendais le plus. Et le deuxième, c'est Star Wars Battlefront. Bon, on a déjà pas mal parlé du jeu lors de la sortie de la bêta il y a 2 mois. Là, je reviens vraiment très rapidement dessus, bon, pour dire que je l'ai acheté et que bon, finalement, je suis vraiment pas déçu. Parce que bon, il y a quand même pas mal de cartes entre les différents modes de jeu et les cartes, ça varie quand même pas mal, on va dire le plaisir, l'expérience de jeu. Après, j'ai vu beaucoup de mauvaises critiques comme quoi c'était pas assez poussé, qu'au niveau des fonctionnalités pour un FPS, c'était pas non plus exceptionnel. Après, moi, je suis pas un grand spécialiste de FPS, donc bon, ça fait un peu FPS, FPS, popcorn, et moi, ça me convient bien. Je fais quelques parties de temps en temps, et ça me va très bien. C'est très nerveux, les objectifs sont assez simples. D'accord. Donc, moi, ça me va plutôt bien. Il y a aussi. T'as pris le season pass ? Pas encore, j'attends de voir le contenu parce que bon. Voilà. T'as vu le prix déjà donc. Oui, déjà là. C'est 50 euros. Oh, ça va, pour Star Wars, c'est rien. Après aussi, j'ai un peu peur de la lassitude. Pour l'instant, je l'ai pas. Mais j'étais vraiment super impatient parce que là, c'était il y a 15 jours, il y a le DLC Battle of Jakku qui est sorti, qui présente la nouvelle planète du nouveau film. Et j'étais vraiment impatient de pouvoir le faire. Et puis au final, je me rends compte que bon, le décor est super beau, mais la mission, ça reste toujours un peu la même. Donc c'est pour ça, ouais, le Season Pass, j'hésite un petit peu quand même. J'attends de voir, mais ça dépendra aussi des armes, du contenu avec les armes, les cartes qui présentent les nouvelles grenades et compagnie, les nouveaux personnages aussi. Parce que bon, incarner les héros, c'est assez jouissif dans le jeu. Quand tu incarnes Boba Fett et que tu flingues 40 bonhommes d'un coup avec ton... Ah, ils vont t'avoir, je pense. Ils vont te mettre un vieux gars, ils vont te mettre Greedo, là, et hop, c'est tu clair. Vas claquer tes 50 Greedo, euros. Greedo, putain, 50 euros, c'est bon, c'est parti. Non, puis il y a aussi un mode avec, où on peut jouer exclusivement avec les vaisseaux, et bah pareil, quoi, on peut piloter le Faucon Millennium ou le vaisseau de Boba Fett, et là, oh, pareil, putain, le pied. Là, c'est l'explosion de joie, quoi. Les larmes qui roulent sur les joues. Et après aussi, je sais pas si c'est parce que je suis vraiment un gros fan de la licence Star Wars, mais j'arrive vraiment pas à m'en lasser parce qu'à chaque session de jeu, j'arrive toujours à trouver un petit détail qui me fait dire waouh, c'est vraiment terrible, quoi. Ah, les finitions sont hallucinantes, hein. Ah ouais, c'est vrai, carrément. Les finitions sont terribles et c'est vraiment immersif, quoi. Tu vois les débris de vaisseaux qui tombent juste à côté de toi ou des choses comme ça. Enfin voilà quoi, pour les gens qui sont pas trop habitués au FPS et qui sont quand même assez fans de Star Wars et qui veulent se faire une petite idée, franchement allez-y quoi, ça vaut quand même le coup. Il faut aimer Star Wars quoi. Voilà. Oui je pense. Faut mieux. Je pense qu'il faut mieux. C'est essentiel quand même. Ouais. D'accord. Bon, sur les autres jeux de l'année, Julien, étonnamment, tu vas nous parler d'un jeu qui t'a beaucoup occupé cette année. Oui, Witcher 3, je crois pas que je vous ai déjà parlé non, de Witcher 3. C'est quoi, ça comme tout. Non, mais je précise que ça m'a pris à peu près 5 mois de mon temps dans l'année entre Witcher 3, la première version sortie, plus le DLC que j'avais fait juste après Heart of Stone. Et donc, j'ai pas pu jouer à Bloodborne, à MGS5 et à Xenoblade X, qui sont toujours chez moi, bien au chaud. Non, en plus, c'est des jeux qui prennent super du temps. Les bah autres. Oui, c'est ça, voilà. Là, je vais m'attaquer bientôt à MGS5, mais je pense que les autres, ça sera en 2016. Quoi. Ah, Xenoblade c'est super long aussi. Ah ouais, c'est super long, j'ai pas mal de potes qui jouent là, mais c'est au moins 150 heures quoi. Ouais, ouais, en 2017 j'aurais toujours c'est pas tout ce qu'on demande à un jeu en même temps. Voilà, donc pourquoi Witcher 3, c'est parce que c'est un monde ouvert et il y a de la narration dedans. Pour moi, les grands enjeux de cette génération de consoles, c'était de faire coïncider les deux, c'est-à-dire le monde ouvert par essence où tout le monde se balade et fait un peu n'importe quoi, et la narration des jeux plus linéaires, un peu comme on avait, un peu ce qu'avait fait fin de génération GTA V, qui avait réussi à faire un monde ouvert complètement cohérent et une histoire qui, de mon point de vue, se tenait avec trois personnages. Et ce que faisait aussi Last of Us, côté jeu beaucoup plus linéaire et moins monde ouvert. Et je trouve que Witcher 3, c'est un peu le jeu qui réussit finalement à mêler le meilleur des deux mondes. Mmh. Alors après, ça ne se fait pas sans quelques petits défauts. C'est-à-dire qu'il y a le paradoxe du temps dans le monde ouvert. C'est-à-dire que c'est assez drôle parce que dedans, tu es pressé d'aller récupérer Ciri, donc qui est la fille adoptive de Geralt. Et en même temps, ils disent « Oui, elle est poursuivie par la chasse sauvage. » Et puis en même temps, toi, tu vas qu'à tes occupations à faire des missions, à ramasser des médicaments pour une elfe qui est souffrante dans une maison dont tout le monde se fout, quoi. Donc, tu as un peu le paradoxe du monde ouvert où tu peux faire ce que tu veux et en même temps, la narration essaie de te ramener sur le chemin. Donc, ça, après, c'est un peu logique. Il pourrait peut-être trouver des meilleures choses, mais c'est vrai qu'il faut une trame assez large pour que le monde ouvert fonctionne. Mais en même temps, c'est quand même un jeu extrêmement narratif, donc ils sont obligés, des fois, de te ramener sur. Oui, mais ça, c'est le problème de tous les mondes ouverts. Ouais, mais listen. Après, c'est un des autres problèmes, c'est que le monde ouvert, par essence, t'as énormément de choses à faire. Et des fois, tu as trop de choses à faire parce que finalement, tu perds de vue tout ce qui est quête principale, quête secondaire pour aller nettoyer des bastions de monstres ou des bastions de brigands. Et finalement, tu fais un peu plus que ça. Et c'était un peu le principe que tu avais dans Red Dead quand tu allais d'un point A à un point B pour faire quelque chose. Tu arrivais à toujours faire autre chose parce qu'il y avait quelqu'un qui t'arrêtait pour te dire tiens, tu pourrais pas aller me chercher 4 fleurs de crocus dans la montagne ou aller tuer l'ours légendaire ou tu y a des types qui t'attaquaient en diligence. Voilà, donc c'est toujours le principe des mondes ouverts où c'est difficile de faire de la narration on va dire très cinématographique, un truc très story driven, puisque tu peux faire de la narration sans raconter une histoire mais juste par ce que fait le joueur. Et c'est également aussi un des défauts, c'est que c'était un jeu à patch comme à peu près 95% des jeux qui sortent maintenant. C'est-à-dire que là on doit être à peu près au 10e ou 12e patch. Mmh. Alors il y avait des patchs parfois qui apportaient juste des trucs en plus, mais parfois qui créaient d'autres problèmes. Mmh. Voilà. Donc des fois tout allait bien et puis tu mettais un patch et là ça marchait plus. Enfin pas ça marchait plus, mais disons qu'il y avait, quelques problèmes. Bugs. Donc, hormis ça, ça reste quand même un de mes jeux préférés cette année. C'est un jeu qui est extrêmement bien écrit, qui est extrêmement dense, qui est quand même assez intéressant à jouer, même si sur 200 heures, le système de combat peut un peu montrer ses limites. Mais voilà, rien que pour la narration, pour les personnages, pour l'environnement, pour le côté hyper massif du jeu. Et en même temps, tu peux le faire en 40-50 heures si tu fais que la quête principale, parce que t'es pas obligé de farmer dans le jeu. C'est pas comme dans un RPG, tu vois, à la japonaise, où souvent, il faut que tu sois de bon niveau. Que là, 40-50 heures. Ouais, mais bon, pour un... Excuse-moi, je reviens juste sur ce petit détail. Donc tu peux le faire vraiment presque en ligne droite, et comme les quêtes annexes rapportent assez peu de points d'expérience, c'est vraiment les quêtes principales, la quête principale qui ramène beaucoup de points d'expérience. Ce que tu dis, c'est que les quêtes annexes sont suffisamment intéressantes pour te pousser à les faire, alors que ça t'apporte rien finalement. Ça t'apporte du loot, donc des armures, des armes. Mm-hmm. Ça t'apporte aussi un éclairage sur la quête principale, parce que t'as plein de choses qui se passent comme ça en périphérie des quêtes annexes. Mais en termes d'expérience, tu vas gagner beaucoup moins. T'en gagnes un petit peu, mais beaucoup. Tu seras peut-être un ou deux niveaux en dessous si tu fais pas les quêtes annexes. Donc c'est pas très. Si tu joues en normal, ça passe bien quoi. Voilà, donc le jeu il est quand même ouvert pour plein de joueurs différents. Même si t'as pas fait les précédents, j'en avais déjà parlé, mais même si t'as pas fait Witcher 2 et Witcher 1, tu peux quand même raccrocher les wagons quoi. Bon, c'est pas mal de faire le 2, mais si tu veux vraiment faire le 3 parce que tu veux pas jouer sur une console d'ancienne génération, tu peux quand même t'y retrouver. Il y a un petit truc qui résume un peu, tu peux aller voir sur internet, et t'es pas vraiment perdu dedans. Moi j'ai pas mal d'amis qui l'ont fait sans avoir fait les autres, et ils s'y sont quand même retrouvés. D'accord. Voilà, on en reparlera début d'année parce qu'il y a la deuxième extension qui sort, Blood and Wine. Oh mon dieu, on n'a pas fini avec ça. Le conseil de l'année prochaine. Le conseil de l'année prochaine. Déjà. Voilà, surtout que c'est une nouvelle province qu'on va voir, donc ça va être très bien. Pour faire tourner un peu la parole, Grégoire, tu veux nous parler d'un jeu ? Oui, tu penses auquel est-ce que tu veux en fait. D'accord, ok. Bah, c'est vrai que j'en ai pas fait énormément en fait cette année des jeux. T'as trois jeux, donc parle d'un des trois. Pour celui sur lequel j'ai passé le plus de temps, c'est Hearthstone. Oh, étonnant. Voilà, j'ai déjà fait une surprise. Voilà, j'ai déjà fait un long conseil sur Hearthstone, donc je vais pas m'apesantir là-dessus plus que ça. Hein. C'est un jeu de cartes à collectionner, à jouer comme Magic hein, pour ceux qui connaissent un petit peu. Voilà, c'est un free-to-play, mais il vaut mieux quand même payer un petit peu pour gagner, mais pour prendre plus de plaisir à jouer, pour avoir plus de cartes tout simplement. Voilà, vous avez des héros, vous incarnez des héros, vous avez 30 cartes dans votre deck, vous en avez quelques-unes dans votre main. Avec ces cartes-là, vous posez des créatures, vous jetez des sorts et vous essayez de faire baisser la vie de l'adversaire en face. Ça paraît tout simple, mais en termes de possibilités de jeu, bah, c'est un peu comme des échecs en plus fou encore, avec beaucoup d'aléatoires qui viennent un petit peu mettre un peu de fun là-dedans. Et honnêtement, c'est addictif, c'est super bien fait. Blizzard fait du fan service. Et voilà, c'est une vraie drogue. T'as joué combien de temps ? Oh là, je ne peux pas dire un chiffre. Et il se moque des 40-50 heures de Witcher. Je pense que j'ai dépassé les 400 heures sur Hearthstone. Facile. T'aurais pu faire 10 fois Witcher. Facile. Honnêtement, facilement dépassé les 400 heures sur Hearthstone. C'est honteux, mais bon, j'y prends tellement de fun. Voilà, on peut vraiment s'amuser si vous aimez un peu voilà, les jeux stratégie. Ce genre de jeu, si un jour vous avez joué à Magic et que vous êtes dit « Ah, c'est pas mal ce jeu », et puis que vous n'avez jamais persévéré, allez, pas sur Hearthstone parce que vous aurez plus de vie. Voilà. Mais Hearthstone, tu peux y jouer gratos ? Oui, tu peux y jouer gratos. Moi, perso, j'ai acheté des trucs et tout parce que voilà, j'avais envie d'avoir, on va dire, plus de fun avec des cartes plus rares ou des cartes que tu as moins de chances d'avoir. Mais il y a plein de mecs qui jouent complètement gratuit et qui arrivent quand même à faire à être légende, etc. Enfin voilà, à aller loin dans le jeu si c'est le genre de truc qui t'intéresse. Moi perso, je joue pas tellement pour le côté compétition et monter légende comme c'est le but pour plein de gens. Moi je joue vraiment pour créer des decks complètement cons et fun et parce qu'il y a tellement de possibilités que c'est assez hallucinant quoi. Voilà, okay. Donc plein d'actualités, il y a tout le temps, il y a eu des expansions cette année, il y a eu deux aventures cette année, enfin voilà, il y a eu plein de choses, donc plein de nouvelles cartes, et ça c'est tous les 3-4 mois, il y a des nouveaux trucs, donc c'est assez intéressant à suivre en plus quand on est dans l'univers. Ok. Julien, tu vas revenir sur deux plus petits jeux, dont un qu'on a en commun. Ouais, bah voilà, c'est pour ça que je vais te laisser parler après du deuxième. Moi, je vais d'abord parler de. Ouais, parce que finalement, moi, j'adore le genre de la plateforme. Et c'est un genre, finalement, qui est un peu plus en retrait qu'à une époque, même si on en a beaucoup sur les consoles de Nintendo. Et je trouve qu'il y a deux jeux qui répondent à cette tradition, mais en même temps, qui sont placés un peu en biais du jeu de plateforme classique, ce qu'il est, comme Mario ou comme Super Meat Boy. Donc, le premier, moi, que j'ai beaucoup aimé, c'est Ori and the Blind Forest. Donc, ça, c'est sorti sur Xbox One et sur PC. Donc, là, pour le coup, presque plus qu'un jeu de plateforme, on est presque dans un Metroidvania, puisque il y a moins de plateformes pures, à part des séquences un peu de fuite au niveau des donjons et des temples. On n'a pas vraiment un level design de platformer, mais plutôt un level design qui est basé sur l'exploration, avec une map globale qui est très très cohérente et qui, comme dans les Metroid-like ou les Metroidvania, s'ouvre au fur et à mesure qu'on récupère des pouvoirs. Clairement, tu vas pouvoir sauter plus haut, donc tu vas pouvoir aller dans un endroit dans lequel tu ne pouvais pas aller avant. Tu vas récupérer un truc de force, et voilà, c'est le truc classique du Metroidvania ou même du Zelda. Hein. Le Zelda fonctionne un peu comme ça. Ça donne finalement un jeu qui est très très vif, qu'on parcourt de gauche à droite, de droite à gauche, de bas en haut, de haut en bas. Il y a vraiment une utilisation de la map qui est vraiment intéressante et qui nous oblige pour le coup à une connaissance et à une mémoire géographique puisque la map est quand même assez importante. Alors pour le gameplay, c'est pas forcément la meilleure partie, même si c'est vraiment très efficace. Sur la partie plateforme, des fois c'est un peu au millimètre et ça répond pas toujours extrêmement bien, sans que ça soit pour vraiment. C'est pas du tout un défaut, hein, mais voilà, comme quand parfois il y a des fuites, je pense à la fuite des temples et des donjons où il faut vraiment être très précis au pixel près, ça peut parfois un peu montrer ses limites dans la réactivité. Maintenant, le jeu n'est pas vraiment basé sur ça, donc ça représente peut-être 10% du jeu, donc c'est pas très important. Et puis il y a surtout la direction artistique qui est magnifique, hein, on dirait un peu du Don Bluth pour ceux qui connaissent, qui avait fait Dragon Slayer en jeu vidéo et Fievel au cinéma. Il y a vraiment des passages tout en lumière, des noirs d'ébène, il y a la beauté à la fois de la nature et sa destruction, puisqu'il y a une entité, on est parfois un peu dans du Miyazaki où on a la nature qui est détruite, qui est un peu mise à sac, et c'est vraiment magnifique d'un point de vue. Je sais pas si vous l'avez déjà vu tourner, je me souviens plus si vous l'avez vu tourner. Si, bah tu l'avais montré, bah ouais, voilà, on avait joué chez toi. Je cherchais. Voilà, il est vraiment magnifique visuellement. Et donc, c'est un peu le point commun de la direction artistique avec l'autre jeu de plateforme que j'ai beaucoup aimé et que tu as mis aussi, c'est Yoshi Woolly World, donc Yoshi Land, comme je l'appelle. Voilà, Yoshi Woolly World. Juste Ori and the Blind Forest qui avait appris au Game Awards. Ouais, pour la direction artistique. Voilà. Ouais. Bah, Yoshi Woolly Land, je vais revenir rapidement dessus parce que j'en ai déjà parlé, je crois, dans un précédent podcast. C'est un jeu de plateforme, encore une fois, de Nintendo, de Yoshi. Et honnêtement, c'est un jeu vers lequel j'aurais pas été si Grégoire me l'avait pas prêté. Parce que Yoshi, moi, j'associe ça à Kirby, c'est comme des jeux sympas mais trop faciles qu'on termine vite fait, etc. Et Yoshi, pas du tout. C'est-à-dire que même en difficulté normale, j'ai un peu sué. Et quand j'ai voulu refaire le jeu vraiment à 100%, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. Hein, et j'ai vraiment pris du plaisir. C'est ça, la grosse difficulté dans ce Yoshi, c'est qu'en fait, globalement, il est simple. Parce que tu peux même utiliser l'option Yoshi qui vole tout le temps. Et du coup, ne jamais, quasiment jamais mourir. Enfin, mourir, je ne sais plus si on peut mourir. Enfin, bref. Si on a une barre de vie. On a une barre de vie, voilà. Mais après, c'est l'aspect complétion qui est hallucinant dans ce jeu. En fait, si tu veux vraiment avoir tous les trucs à 100%. Et puis, tu peux faire le jeu une première fois et tu te dis, j'ai vraiment tout vu. Et si tu le fais à 100%, tu te dis, ah, je suis quand même passé à côté de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de petites détails partout. Voilà, et puis il y a une durée de vie incroyable. Alors moi, ce qui m'a énormément plu, c'est dommage parce que je pourrais presque pas faire partager ça au podcastien, c'est la musique. C'est parce que j'ai un niveau qui m'a presque, je sais pas comment dire, ça m'a fait frissonner, presque j'étais presque ému aux larmes, ému aux larmes par une musique de Yoshi. C'est la musique du monde 8. Il faudrait presque que je la fasse écouter. Hein. Ouais. Mais on peut faire un petit insert là. Presque, ouais, parce que moi, qui suis né dans les années 70 ou 80, pour ceux de cette génération-là, c'est une musique que j'ai eu l'impression d'entendre un dessin animé de mon enfance. Ils ont retrouvé un ton que j'ai jamais retrouvé nulle part, que j'ai pas réussi à comprendre et à saisir. Je l'ai écouté en boucle parce que j'ai joué beaucoup à ce niveau-là, mais j'ai pas réussi à comprendre ce qui faisait l'essence de cette musique-là. Et j'ai eu l'impression de revoir un dessin animé de mon enfance. Ouais, je vois pas, j'essaierai de réécouter cette musique. Ouais. Ben, je vous ferai écouter un petit morceau. Ouais. Et voilà, ça m'a ému énormément. Et en fait, ce jeu-là est d'une beauté. Et d'une... Ah, visuellement, en plus, voilà. Et pour moi, c'est ce genre de jeu que Nintendo sait faire, que seul Nintendo sait faire, et qu'il n'arrive pas à mettre en avant, et qui passe inaperçu, je trouve. C'est-à-dire qu'on a beau dire que c'est des bons jeux, on a beau dire que si vous aimez la plateforme et les jeux Nintendo, allez-y. Et en fait, c'est difficile. Je pense qu'il y a des gens qui sont freinés par l'aspect mignon, en fait. Genre, c'est trop machin. On en revient aux erreurs de communication de Nintendo, c'est-à-dire qu'ils font des pépites et qu'on a du mal à. La jouabilité est hallucinante derrière. Hein. C'est ouais, parce que le jeu n'est pas du tout mou, il est même plutôt assez énergique. Non, il y a des fois, je pestais un peu contre Yoshi quand il fallait se dépêcher. Ouais. Mais c'est vrai que sinon, ça répond du. Et puis la DA est quand même magnifique, parce que c'était une année où ils ont travaillé beaucoup les matières. On a eu la pâte à modeler avec Kirby, la peinture avec Splatoon, et là, la laine. Et je trouve que c'était des trois, c'était dans la DA peut-être le plus réussi. Enfin, j'ai bien aimé aussi Splatoon, mais un peu moins Kirby. Mais même les DA, les trois étaient réussis. Et là, je trouve que ça fonctionne vraiment très très bien. C'est très très bien. Non, Yoshi marche très bien. Et puis, c'est comme tu dis, c'est pas mou ça. C'est vrai que ça m'aurait énervé moi que ça soit mou, mais c'est pas mou du tout. On va rester dans les jeux de plateforme. Grégoire, tu en as encore d'autres? Oui, j'en ai deux. Nintendo d'ailleurs. J'en ai deux Nintendo, mais je vais peut-être pas m'apesanter. Je vais pas rester longtemps non plus dessus parce que c'est déjà, il y en a un qui est un peu vieux. Il y en a un, il est sorti en 1900. C'est pas du tout un jeu de 2015, mais c'est un jeu que j'ai fait en 2015, c'est Super Mario 3D World. Donc je reviendrai pas longtemps dessus, mais en gros, c'est juste pour dire que là j'ai complètement halluciné. Donc c'est Stan qui m'a prêté le jeu. Voilà, si vous l'avez pas fait, Super Mario 3D World sur Wii U, pour moi, je vais peut-être aller loin, mais je pense que c'est le meilleur Mario de tous les temps. J'ai halluciné devant la créativité de ces niveaux. En 3D, oui. Non, tout confondu, perso. Il y a des 2D qui sont... Celui de 3DS, il était déjà énorme. Hein. Ah, mais là, c'est hallucinant, la richesse des niveaux est hallucinante, la jouabilité est parfaite, t'as des easter eggs partout, t'as l'impression que chaque petit truc, les développeurs ont pensé à comment ils vont te faire sourire, comment ils vont te faire prendre ton pied dans ce niveau-là, pour chaque niveau. Puis en plus, la difficulté, n'en parlons pas, mais en gros, t'as l'impression que c'est facile si tu fais un peu comme, voilà, comme Nintendo sait le faire, quoi. Tu le fais en ligne droite, tu peux te dire ça va, c'est jouable, et puis si tu veux aller faire les mondes cachés et autres, tu peux y passer plusieurs centaines d'heures, n'est-ce pas, Stan? J'ai passé 150 ans. Voilà, donc Super Mario 3D World, hallucinant ce jeu. J'avais dit un jour, c'était un peu comme une boîte de Quality Street dans laquelle il y a que les chocolats que t'aimes. Ouais, c'est exactement souvent, ça. Souvent, dans les Quality Street, t'as des trucs un peu dégueux. Merci, Forest. Tu... Ouais. C'est un peu la déclaration Forrest Gumpienne de l'émission. Bah, qui s'applique assez bien au deuxième jeu dont je vais parler. Je vais juste revenir sur une déclaration très difficile bien faite au Game Award. Il a dit que Nintendo, c'était une société qui concevait des jeux pour faire rendre les gens heureux ou faire sourire. Ah bah là, c'est complètement ça. Et moi, je trouve que Mario 3D World et même Yoshi, hein, c'est des jeux qui font sourire. Ah mais moi, j'ai jamais autant pris de pied à jouer à un jeu vidéo que Super Mario 3D World. T'as beau arriver dessus, t'es fatigué, t'es stressé, tu fais et puis tu te mets à sourire parce que tu dirais quelle idée, c'est génial. Enfin voilà, c'est simple. Il y a un qui fait un bruit bizarre. En même temps, c'est dur. Enfin, c'est. Et tu le préfères à Galaxy? Ouais. Et pourtant, j'ai beaucoup aimé Galaxy. Hein. Quand il se transforme en chat, c'est génial quand il se transforme en chat. Mais tout est bien pensé. Le petit bruit quand il glisse, quand il s'accroche au mur et qu'il glisse. Il y a un souci du détail. Le level design est hallucinant. Et surtout, je trouve que c'est peut-être leur premier jeu 3D qui est aussi jouable qu'un jeu 2D en termes de gameplay. T'as l'impression. D'accord, oui. Même par exemple, Galaxy que j'adore, il était un peu plus ouvert. Donc Galaxy parfois, m'a beaucoup plus énervé, moi. Des fois, t'as des trucs, des sauts, tu vois pas forcément la distance. Alors que là, comme il y a un level design parfois presque isométrique, parfois presque de la 2D, ça fonctionne très bien. Ils avaient déjà fait ça un peu dans Galaxy 2 et c'était très réussi. Tout le monde dit la Super NES c'était l'apogée de la 2D et on avait des jeux magnifiques et on retrouvera jamais un truc pareil, mais là j'ai l'impression que pour moi Super Mario 3D World c'est ça, c'est l'apogée de la 3D et ça sera difficile de faire moi, beaucoup c'est mieux. C'est l'équivalent quoi. De Super Mario World en 3D. Ouais, c'est magnifique quoi. Voilà, bon, bref. Pourtant il n'est pas aussi bien considéré que... Bah oui mais bah, à tort. Je pense que c'est dû à la console sur laquelle il est. Ouais. Peut-être. Et du coup Capitaine Toad qui était l'autre jeu aussi, je reviendrai pas dessus parce que Julien avait fait un conseil là-dessus. Ouais, moins marquant. Hein, que... Moins marquant mais qui est un petit jeu qui m'a occupé alors là qui correspond en 2015 par contre. Qui est sorti en 2015 déjà. Et qui correspond aussi à une étape, les enfants, le boulot, c'est plus compliqué de trouver vraiment du temps pour jouer aux jeux vidéo, surtout qu'Hearthstone à côté, saloperie. Et du coup, pouvoir faire un petit niveau en 5-10 minutes, qui est vraiment un petit truc à dévorer comme ça, voilà, il n'y a qu'une bonne idée, on l'a fait, on essaye de se creuser un peu la tête pour essayer quand même de le compléter à 100%. Finalement, au lieu d'y passer 10 minutes, on y joue une heure parce qu'on a envie de refaire deux autres niveaux après. C'est hyper bien, c'est la direction artistique est magnifique aussi. Ces espèces de petits mondes autour duquel on peut tourner avec la caméra, moi j'ai vraiment aimé cet aspect. Là, il y avait un côté, si on aime bien les Lego presque, ça m'a fait un peu penser à ça. J'avais un peu l'impression d'être un gosse qui rejoue avec ses Lego et qui observe le monde de partout quand on va sous l'eau, etc. J'ai pris un pied pas possible à jouer à petit jeu qui est pas un jeu avec une grande ambition, mais qui a vraiment fait le boulot, c'est-à-dire te divertir et surtout qui a un aspect familial qui est appréciable, je trouve. J'ai fait jouer ma fille qui a bien aimé essayer de comprendre comment on manipule un personnage en 3D. L'univers est vraiment sympa pour les enfants, comme toujours avec Nintendo. Mais il y a un côté, ça t'amène à aimer le jeu vidéo, je pense, ce jeu-là. Et je l'ai bien aimé pour ça, Captain Toad. D'ailleurs, Stan, tu vas nous parler d'un autre jeu, moi aussi, qui est assez mésestimé, que tu as fait en. Oui, que je pensais ne pas aimer. Que aussi chez Nintendo. Voilà, mais encore Nintendo. On est désolé, on n'est pas pro Nintendo spécialement. Mais si, moi je suis pro Nintendo. Moi je suis partout. Moi j'adore. C'est Pikmin 3, mais j'en ai déjà parlé dans un dernier podcast. Hein. Pikmin 3, que j'ai découvert la licence Pikmin avec ça. En fait, j'avais touché à Pikmin 2 sur GameCube et j'avais pas accroché du tout. Là, je me suis dit, allez, force-toi un peu, réessaye Pikmin 3. Et je suis complètement tombé dedans. C'est génial. Et en fait, c'est presque un antidépresseur, que je sais pas comment dire. T'es bien dedans, t'es au chaud. Il y a une logique où tu peux arriver les choses, tu progresses tout le temps. Et puis en même temps, si tu veux te forcer à aller plus loin, tu peux aller plus loin. Enfin voilà, je ne sais pas comment décrire ça. C'est un univers vraiment touchant. Et puis il y a un level design qui est juste dingue. Pour moi, c'est un des meilleurs level design de Nintendo depuis des années. Alors, c'est vrai. Parce que quand tu le joues, t'as les missions défis, où tu refais des niveaux en temps limité. Et c'est hallucinant la précision qu'il faut, la coordination entre tous tes capitaines. D'ailleurs, je sais pas si t'aimes bien tout ce qui est stratégie, si tu l'avais fait ou... Non, justement, Stan me l'a prêté. J'ai juste commencé, j'ai fait les deux premières missions et déjà, en fait, je découvre le principe et je me dis, ah oui, il y a du potentiel là, en fait. Bah, en fait, dans la gestion des trois capitaines, parce que là, c'était la grande nouveauté du jeu, t'as trois capitaines, il faut vraiment que tu les répartisses au bon endroit. Je vois pas comment ça pouvait être avant, en fait, parce que c'est tellement évident d'avoir trois capitaines. Enfin, je veux dire, ça densifie tellement le gameplay et tout ça, c'est génial cette gestion des trois capitaines. Quoi. Mais voilà, on faisait le bilan de Nintendo, mais c'est un peu leur problème. C'est-à-dire que tu as toujours l'impression que leur jeu manque d'ambition dans la façon dont ils sont enveloppés, dont ils sont conçus. C'est vrai, quand tu vois un trailer de Mario Chat, là, tu te dis pas, ouais, ça va être une tuerie. Tu te dis, ok, ils montent des tuyaux transparents, ils montent des petits chats de gouttière qui grimpent des trucs. C'est un peu ridicule par rapport à l'ambition que montre l'industrie. C'est exactement mais ce après, que je me suis dit. Le truc, c'est quand tu vois le level design, la précision qu'ils mettent dans leur jeu, les musiques aussi. On parle pas beaucoup des musiques du Nintendo actuel. Tu parlais tout à l'heure des musiques de Yoshi. Il y a les musiques de Mario Kart qui sont exceptionnelles. Il y a les musiques de 3D World aussi qui sont très très bonnes. Les musiques de Pikmin aussi sont excellentes. Après, peut-être qu'ils manquent d'ambition dans leur habillage, dans la façon de faire un jeu, mais après, dans tout ce qui est mécanique de jeu. Pour moi, il reste toujours au-dessus des autres, quoi. Clairement. Bon, Je vais juste terminer par redire que j'ai fini Alien Isolation, enfin une première passe, ouais. Et que c'est clairement un de mes jeux survival horror préférés, je pense. Hein, un des jeux de 2015, ouais. Peut-être, ouais. Je l'ai comparé à Dead Space avec Julien, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je préfère presque à Dead Space, même s'il y a des aspects qui sont moins réussis. Au niveau direction artistique, Dead Space est nettement au-dessus, hein, au niveau du jeu des lumières et autres, mais Alien Isolation est un jeu vraiment qui fait vraiment, vraiment très très peur. mais qui fait ça très bien, c'est-à-dire qu'on t'oblige à ne pas faire de bruit, on t'oblige à faire attention à ce que tu fais. Si tu te mets à courir, tout de suite, tu as l'alien qui t'arrive dessus. Voilà, tu te sens vraiment en danger tout le temps et c'est vraiment super, super, super. Un jeu d'ambiance incroyable, incroyable. Et je vais le refaire une deuxième fois tellement j'ai adoré ce jeu. Enfin, c'est vraiment, je le conseille pour ceux qui aimeraient un tout petit peu, ne serait-ce qu'un peu, les jeux survival horror comme ça. Et même l'univers d'Alien d'ailleurs, hein, tout simplement. C'est amusant de se balader dans l'univers d'Alien. Enfin voilà, je le conseille. Je le ferai. Tout simplement. Rapidement, pour conclure cette partie, on va revenir sur nos attentes de 2016. Est-ce qu'il y a des choses que vous attendez particulièrement en 2016? L'NX. Grégoire semble attendre. J'attends quelque chose, tu sais pas ce que c'est. J'attends qu'il se passe quelque chose du côté de Nintendo avec la NX. Moi, on en a déjà parlé tout à l'heure, donc je reviendrai pas dessus. Je suis assez voilà. D'accord. On a envie de savoir ce que c'est maintenant, il est temps. Allez, hein, maintenant, lâchez-nous la NX et mettez-nous du Zelda. Ouais, moi, je suis assez d'accord. Je trouve qu'ils ont trop, là, cette année, ils sont trop restés dans le flou. Ils ont trop été en retrait par rapport à ce que faisaient les autres dans l'industrie. Donc là, je pense qu'il faut vraiment qu'ils envoient la NX, quoi que soit la NX. Il faut qu'ils annoncent quelque chose ou qu'ils disent qu'ils n'ont pas le droit de rater, quoi. Voilà, donc pour moi, il faut qu'ils fassent quelque chose. C'est d'accord. Je vois dans ta liste de loin, là, Stan. Ouais, j'ai mis des petits jeux que j'attendais, mais c'est des évidences pour moi. Alors, No Man's Sky, moi, je serais assez d'accord. No Man's Sky, Uncharted 4, je suis vraiment très pressé d'y jouer, même si je vais attendre. Ouais, moi aussi, ouais. Ouais, toi. On est de Uncharted, à mon avis, ouais, ça va être un gros blockbuster. Là. Far Cry Primal, je suis à la fois autant impatient que anxieux que partagé. Partagé. J'ai peur que ce soit trop pareil qu'aux autres. Bah, surtout que là, je vois que tu as acheté le 4, donc oui. Tu vas peut-être pas faire non, le Far Cry. Non, je vais attendre. Hein, je vais attendre la fin de l'année prochaine, mais j'y jouerai l'année prochaine, c'est sûr. Mais... Car oui, on achète des jeux et on y joue 2 ans après. On a un sous-blister chez nous. Là, tu as acheté 2 jeux de 2015, Far Cry 4 et Last of Us Remaster, voilà. C'est 2015 ça. Oui, c'est vrai. Voilà. Je pourrais en parler l'année prochaine. Très chouette, ça m'a fait. Voilà, non, après j'ai mis Mirror's Edge parce que j'ai adoré le premier. Moi quoi. Aussi. Ouais, le premier était top. Voilà, donc ça fait partie des petites attentes que j'ai. Est-ce que Julien, t'as d'autres attentes, toi? Ouais, déjà, moi j'attends beaucoup la PlayStation VR. Parce que moi j'ai envie d'avoir un casque de réalité virtuelle et comme j'ai pas de PC de compétition, je suis obligé de me rabattre sur le PlayStation VR. Donc c'est pas que les jeux me passionnent, c'est pas ce que j'ai vu à la PlayStation Experience, mais en même temps je suis dans le truc où n'importe quel jeu merdique j'ai envie d'essayer. Ouais, je pense. Tu vois un truc genre Job Simulator, un truc où je Job Simulator. Ah, t'es devant sur une machine à écrire et tu n'as pas besoin. Sérieux, des trucs comme ça où tu sers ton café. Ça sert aussi à sur Oculus Rift. Oh le génie. Et pareil pour le même le truc à la con d'Ubisoft où t'es un aigle là. Voilà, j'ai envie d'essayer. Eagle Simulator. Flight Eagles là. En fait, t'es un aigle d'Assassin's Creed et tu survoles Paris. Vraiment? Oui. Oh merde, tu peux plonger ou des trucs comme ça? Non, c'est Ubisoft, tu pourras rien faire, mais tu pourras regarder. C'est un DLC. Si vous voulez régler la hauteur, c'est un DLC payant. C'est un DLC, il y a des bugs et ça sera beaucoup moins beau que ce qu'il y en voit, mais bon, voilà. Donc, non, je suis super impatient de tester la VR et d'être chez moi avec mon casque à la con. En fait, c'est l'immersion, quoi. Voilà, je suis quelqu'un qui est je suis super passionné par la VR, même si je reconnais que les jeux qui sont présentés, il n'y a rien qui. Si j'étais plus rationnel, me donnerait envie d'en acheter une. Je suis exactement comme toi. Voilà. Sinon, j'attends beaucoup un jeu qui va sortir sur Xbox One, qui est Scalebound. Donc Scalebound, c'est le nouveau jeu de Platinum Games et notamment d'Hideki Kamiya. Voilà. Donc c'est certainement ces deux derniers jeux, Bayonetta et Wonderful, c'est parmi mes jeux préférés ever. Donc Scalebound, qui est un espèce de jeu avec des gros dragons énormes et un type un peu badass comme Dante dans Devil May Cry. C'est marrant, j'ai entendu ce titre et je vois pas du tout à quoi ça ressemble. J'ai déjà entendu. Bon, il l'avait présenté à la Gamescom. D'accord. Et il y a aussi Quantum Break toujours pour. Ah oui. Et le jeu aussi que j'attends le plus chez Sony, c'est Last Guardian, parce que je suis un gros fan de Fumito Ueda. Tu vas attendre un an, je pense. Hein. Ouais. Bah, je sais pas, non, j'ai quand même bon espoir qu'il sorte cette année, et qu'enfin Fumito Ueda annonce ce qu'il va faire après. Et aussi, je suis curieux de ce que va faire Kojima, parce que là, Kojima n'a pas pu s'exprimer à la dernière, au Game Awards, puisqu'il a été interdit par Konami. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire, est-ce qu'il va monter un studio, est-ce qu'il va rejoindre Sony, ou Microsoft, ou Nintendo. Voilà, donc, lui qui fera plus Nintendo, du Metal Gear. Ça serait bien, oh, putain. Non, moi je préfère qu'il fasse un truc indépendant. Voilà, ouais, oui, ça serait bien avec Del Toro. Je vois pas trop Del Toro et Kojima chez Nintendo, mais non, pour faire exploser et rager les internets, ça peut être marrant. Mais... en indépendant. Dis-moi, est-ce qu'il y a des choses que tu attends en 2016? Vous avez bien résumé ma pensée, surtout avec Uncharted, le PlayStation VR, mais je voudrais aussi rajouter, vu que je suis bien fan de Versus Fighting, Street Fighter V, ah oui, exact. 18. Voir ce qu'il a dans le ventre. Enfin, j'ai pu l'essayer à la Japan Expo, et c'était vraiment pas mal, super fluide. Et ça avait l'air d'être bien bien nerveux, les coups s'enchaînaient bien, donc ouais, ça c'est une de mes grosses attentes aussi. Ouais, super. Greg, tu as des choses à ajouter ? Non, pas spécialement. Vraiment, ouais. C'est vrai que le casque de VR, je suis assez impatient aussi. Je ne sais pas si j'en aurai un finalement ou pas. J'attends encore un peu de voir comment seront les premiers modèles, comment va être l'accueil des gens et comment vont tourner les jeux dessus et ce à quoi vraiment vont ressembler les jeux dessus. Est-ce que les sites vont les noter par exemple ? Est-ce qu'il y aura des notes de jeux vidéo sur les... Enfin, je sais, c'est vraiment des questions que je me pose, c'est comment ça va impacter. Parce que là, ça y est, on a la réponse, ça va être en 2016, c'est dans un mois, on commence à moi, se dire... Moi, ce qui me rassure, c'est qu'on va pouvoir passer une soirée chez Julien et essayer le casque. Voilà, c'est ça, je me dis aussi ça, je me dis, je suis pressé d'être chez Julien et d'essayer... Tu emmènerais, ou chez Greg pour essayer l'Oculus. Si je l'achète, je vous inviterai. Tu t'achèteras l'Oculus, toi, Greg ? Je me tâte pas mal. Ah, il a le PC pour maintenant. Ah, j'ai un PC de compète, donc... Et il est compatible, parce qu'ils ont donné les specs. Ah, j'en sais rien, je n'ai pas été vérifié, mais... Bah après, sinon, j'en achèterai pas. Enfin, ouais, c'est pas non plus un besoin. T'as du i7 ou du i5 i7. Ah oui, donc c'est possible. Mais après, il faut voir la carte graphique. Bon, bref, on va pas rentrer. Est-ce que tu peux nous détailler ton PC, Greg ? Ça va passionner les auditeurs. J'attends, moi, ce que j'attends aussi, c'est Persona 5. Vas-y. J'ai hâte de voir comment va être Persona 5. L'ADA est magnifique. Ils ont, ça devrait sortir, je crois, cet été ou. Bah, tu nous en parleras, je serais très curieux. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est un jeu que je connais pas et je suis très curieux parce qu'on entend beaucoup. Ouais, il y a quelques petits jeux de rôle comme ça japonais. Il y a aussi il y a FF15 hein, peut-être qui va sortir un jour, je sais pas si. Et il y a le remake de FF7 et voilà. Ok. Bon. Ainsi s'achève notre partie ludique. Je vais essayer de vous mettre la musique de Yoshi juste en petite pastille de 10 secondes, 20 secondes avant la partie techno, qu'on sache de quoi je parle. Ah bah ouais, je suis curieux moi. Même aussi, je me rappelle pas de cette musique. Pourtant, j'ai fait le monde. Le monde 6, ouais. Bon, bref, c'est voilà. Je vais vous mettre ça et puis on passe à la partie techno. Cette touchante musique de Yoshi. Oh, c'était mignon. Oui, c'était mignon. On embraye avec une partie tout aussi rigolote. La partie techno. Avec Grégoire, une loi joyeuse sur le renseignement. Ouais, c'est vrai qu'on a conçu ce podcast en se disant qu'est-ce qui nous a marqué en 2015. Et dans la partie techno, dans les annonces qu'on a vues en 2015, moi, c'était un peu la succession d'annonces qui m'a un peu marqué. Et du coup, je me suis dit, pour en reparler, je vais faire un récapitulatif de ce qui s'est passé dans l'année 2015 sur cette loi sur le renseignement. Alors, tout a commencé le 17 mars, chers enfants. Donc, 17 mars, première révélation dans la presse, hein, avec le Figaro qui publie un premier aperçu du projet de loi relatif au renseignement. Et déjà, on commence à avoir des mots comme « boîte noire » qui commencent à ressortir dans cette première ébauche, qui commence déjà à mettre le doute qui va continuer hein, par la suite, puisque le 19 mars, on a la présentation du projet en Conseil des ministres, par Manuel Valls, et effectivement on retrouve bien un peu déjà ces premières choses qui font un peu hésiter la presse et les associations autour du monde public à travers sur cette nouvelle loi. Il dit que en plus le 19 mars, Manuel Valls annonce que cette procédure, cette loi sera examinée en procédure accélérée par l'Assemblée. Et le même jour, la CNIL rend son avis public sur le projet de loi en disant que il ne dispose pas de garanties suffisantes pour préserver les droits et les libertés des citoyens. Donc ça fait que 2 jours qu'on est au courant que ce projet de loi existe et déjà la CNIL a un avis défavorable et déjà il y a déjà la presse qui s'est emparée du sujet en étant assez critique vis-à-vis de celle-ci. Le 26 mars, les opposants justement commencent à s'organiser un peu mieux. On va dire un peu plus, puisque c'est la Quadrature du Net, hein, qui est la principale association de défense des libertés en ligne en France, qui s'entoure de la Ligue des droits de l'homme, d'Amnesty International et de Reporters sans frontières et du syndicat de la magistrature, excusez du peu, pour dénoncer un petit peu justement le projet de loi et dénoncer et notamment le faible poids donné à la nouvelle Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement chargée de contrôler l'utilisation de ce dispositif de surveillance. Donc la tension monte en France à ce moment-là entre les opposants à la loi et les partisans à la loi. Le 13 avril, le début de l'examen à l'Assemblée nationale de cette loi, hein, le texte est examiné en première lecture à l'Assemblée nationale. Le lendemain, une pétition de professionnels du numérique s'opposant au projet de loi est publiée, intitulée « Ni pigeon, ni espion ». Elle recueille près de 950 signatures, dont quelques grands noms du secteur, comme le spécialiste français de la publicité Criteo, et on vous en souvenez peut-être, mais il y en a même certains qui menacent de s'exiler hors de France. Or, à ce moment-là, il y a à ce moment-là une délégation d'entrepreneurs dans le secteur de l'hébergement particulièrement sensible qui est reçue par Bernard Cazeneuve à l'Élysée. Finalement, ça amène à un amendement sur la loi qui exclut l'utilisation des fameuses boîtes noires dans la procédure d'urgence d'utilisation de cette loi qui était le point peut-être le plus sensible. Le 19 avril, François Hollande annonce une saisine du Conseil constitutionnel sur cette loi quand même, chose qui ne s'était jamais vue dans la Ve République, que le président de la République lui-même annonce une saisine du Conseil constitutionnel, donc qui montre bien finalement que les débats autour de cette loi avaient porté quand même assez loin dans l'opinion publique pour que lui-même s'exprime chez Maïtena pour pouvoir organiser une saisine par le président de la République du Conseil constitutionnel sur un projet de loi. En plus de ça, il y a une pétition de 119 000 signatures contre le projet de loi qui s'est organisée par les internautes en France. Le 5 mai néanmoins, premier vote à l'Assemblée de ce projet de loi. Le projet de loi, donc adopté en première lecture à l'Assemblée nationale avec 483 voix pour, 86 contre et 42 abstentions, malgré la veille d'une manifestation réunissant plusieurs centaines de personnes à Paris. Le 2 juin, examen au Sénat de cette loi, donc le texte est examiné par les sénateurs, plusieurs amendements sont adoptés, la surveillance des étrangers sans l'avis de la CNCTR est supprimée, mais la protection des lanceurs d'alerte, elle, est amochée. Et finalement, le Sénat adoptera le texte le 23 juin. Le 24 juin, du coup, les députés adoptent la version finale du projet de loi relatif au renseignement. 25 juin, comme promis par le président Hollande, le Conseil constitutionnel est saisi, mais il est également saisi deux autres fois, donc une fois par l'Élysée, je l'ai dit, une fois par le président du Sénat et encore une autre fois par des députés. Qui finalement, le Conseil constitutionnel étudie ce projet de loi et finalement, quelques petites modifications sont apportées, mais globalement, le projet de loi est jugé conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et donc l'article notamment controversé sur les boîtes noires est validé le 23 juillet, adoption définitive de la loi dans sa forme actuelle. Voilà pour ce qui m'a marqué en 2015. C'est pas hyper drôle, je suis un peu désolé de revenir là-dessus, mais c'est vrai que c'est quelque chose, désolé, je plombe l'ambiance du podcast toujours, mais voilà, c'est quelque chose qui me paraissait important et qui a marqué pour moi l'année 2015 du côté techno en France. C'est un peu dommage, c'est le côté d'une loi un peu imposée malgré la volonté de la société civile à la modifier, à la faire dans un meilleur accord et qu'elle soit peut-être mieux adoptée par le peuple. Tout ça a été un peu passé au rouleau compresseur par le gouvernement et la loi a été un peu adoptée telle quelle finalement. Il ne s'est pas passé grand-chose. Moi, ce que j'ai retenu finalement de tout ça, c'est Cazeneuve, quand il a parlé de la loi sur le renseignement devant l'Assemblée, en disant que la vie privée n'est pas une liberté. Exactement. Ouais. Donc en gros, la vie privée n'est pas un droit que nous avons le droit de réclamer. Hein, en tout cas, la vie privée n'est pas une liberté. On peut noter aussi, je ne l'ai pas noté dans mes notes, mais que suite à l'adoption de cette loi, la France a largement régressé dans les classements au niveau Amnesty International, etc. C'est vrai qu'on avait parlé. La liberté sur Internet, la France est maintenant pas au niveau de la Corée du Nord, mais on a bien dégringolé d'au moins 30 ou 40 places, c'est assez hallucinant. C'est peut-être très pessimiste ce que je vais dire, mais ça me rappelle un livre que j'ai lu à adolescent, 1984, ouais. Où il y a des caméras dans chaque appartement et chaque personne est tenue de se placer devant une caméra. Tu vois, t'as une webcam sur ton écran. Voilà. Non, mais disons que si le gouvernement veut savoir ce que tu fais, ils peuvent maintenant, tout simplement. Ils ont le droit, en tout cas, ils ont le droit de faire des méthodes. Avant, qui étaient, on va dire, secrètes et qui étaient quand même pratiquées, maintenant elles sont officielles. Quoi. Voilà. Donc voilà. Sans transition aucune, on va se suicider. Bon, allez, Julien, revenons sur une touche un peu plus légère avec le CES. Ouais, non, c'était surtout la version. C'est ça, mais c'est, le versant positif, positivisme. De la France, puisque finalement, je vais parler plus du CES qui s'est tenu à Las Vegas. Je me rappelle qu'on avait fait un podcast en duo avec Greg sur les annonces du CES. Mais c'est surtout le label French Tech qui s'est vraiment imposé lors de cette manifestation. Alors, le label French Tech, ça a été lancé par le gouvernement fin 2013. Et en fait, on a vu qu'au CES de Las Vegas de cette année, la France était la troisième nation mondiale la plus représentée derrière les États-Unis et la Chine, je crois, et la première nation européenne la plus représentée en nombre d'entreprises et en nombre notamment de start-up. Donc ça, c'était quand même vraiment intéressant, puisque même à la fois en France et un peu à l'étranger, il y a parfois un French bashing sur pas mal de points, et on aime bien aussi en France s'auto-flageller. Exactement. Voilà, et là, c'est quand même un des succès, je trouve, de cette année, ou plutôt la confirmation de ces succès, puisque ça avait déjà commencé au précédent CES de Las Vegas, parce que je voyais un peu les chiffres. C'est qu'en 2013, il y avait 15 startups qui participaient au CES, 35 en 2014 et à peu près entre 120 et 160 en 2015. Et sur ce lot, il y avait 70 startups françaises. La classe. Donc voilà, on a vu qu'il y avait un gros, gros soutien de la part du gouvernement, puisque c'est Emmanuel Macron qui était présent là-bas avec son petit, il y a un petit badge French Tech. Ouais. Son petit badge French Tech. Donc voilà, je trouve que c'est un... Moi, c'est macaron, oh, d'accord. D'accord, oui, son petit macaron. Son petit Macron, toi. Son petit Macron. Voilà, bon, On la garde. De toute façon, c'est moi qui fais le montage, donc elle sera gardée. Et surtout, il n'y a pas que la présence qui est importante, mais c'est aussi les prix qui ont été remportés lors de cette édition du CES, puisque je regardais ça, voilà, 10 équipes françaises totalisent 20 prix pour 14 innovations primées. Donc on peut citer notamment, il y a Parrot qui a présenté pas mal d'innovations, il y avait Citizen Science, bon ils ont tous des noms anglais, hein. Pas déconner. Lima Technology aussi qui avait présenté l'après-ordinateur avec un principe du cloud étendu. Donc voilà, il y a beaucoup d'innovations dans la technologie de la part des Français. Donc je trouve que c'était une des tendances, notamment dans tout ce qui est objets connectés. Donc on en avait beaucoup parlé des objets connectés pour le CES, c'est quand même la grosse tendance depuis quelques années déjà. Mais dans le CES, c'est quasiment que et ça. Et on voit que la France, elle n'est pas du tout derrière à ce niveau-là, elle est même très très bien placée. C'est bien le côté qui s'organise avec... En fait, le French Tech, quand c'est sorti, on s'est moqué du gouvernement gentiment. Oui, ça a été... Parce qu'au début, ça faisait un peu entre nous, on s'est dit qu'on est France, etc. Bah, mais à coup pas, en fait. Hein, ça voilà, bien, dès qu'on est présent à l'étranger, dès qu'on sort du territoire français, qu'on pointe juste du fait que, regardez, il y a beaucoup de Français, des technologies françaises, oui, c'est vrai que du coup, c'est plus intéressant. Non, puis c'est bien fait. C'est vrai que le gouvernement est derrière. Ça s'est révélé pertinent juste de mettre en lumière le fait que, regardez, il y a beaucoup d'entreprises françaises dans les technologies. Voilà. Et justement, je relevais une phrase du patron de Cisco, donc quand même un gros groupe au niveau technologique, qui disait début octobre, « La France, c'est l'avenir. Il y a une génération de start-up françaises qui vont transformer profondément nos modes de vie. » Voilà, okay. Et faut savoir que c'est John Chambers qui est quand même un ancien détracteur de tout ce qui est rigidité hexagonale. C'est quand même un compliment. Ben voilà, c'est pas quelqu'un qui est pro-français de base ou qui a eu pas mal de déclarations sur tout ce qui est rigidité dans les façons dont étaient organisées les entreprises françaises. Et pour qu'il dise ça, que c'est l'avenir, que la France c'est l'avenir, ben voilà, c'est quand même des éléments qui montrent qu'il y a une vraie vie au niveau des entreprises dans la technologie, quoi. Espérons qu'on continue comme ça. Voilà, peut-être qu'on aura notre Silicon Valley à nous. Ouais. Je sais pas où trop elle pourrait être. Grenoble, a priori. J'ai essayé de trouver une blague avec ça, mais je vais pas te faire. Non, mais c'est là où sont les entreprises. La plupart des entreprises innovantes en France sont vers Grenoble. Donc vers Grenoble, d'accord. Ah, d'accord. Ouais. La Grenoble Valley. La Grenoble. Ok. Décidément. Oh, on peut plus faire de blagues ici. Grégoire. Pas dans la partie techno. Allez, parle-nous de Microsoft, s'il te plaît. Microsoft, ouais, pareil, bah, dans les choses qui ont retenu mon attention en 2015, c'est Microsoft, un peu avec le retour à la hype de Microsoft au cours de cette année, et notamment autour du personnage de Satya Nadella, le nouveau PDG de Microsoft, qui a mis en place tellement de choses pour cette entreprise en un an et demi environ depuis 2014, un peu avant, qui ont porté leurs fruits un peu en 2015. La réorganisation de la stratégie mobile, voilà, même autour du mobile presque, avec l'idée de porter un maximum de services et d'applications sur les plateformes concurrentes aussi à celles de Microsoft. Il y avait aussi la volonté de démocratiser les applications. Par exemple, il y a eu, selon la volonté de Nadella, maintenant c'est plus obligatoire par exemple de s'inscrire de façon payante à Office 365 pour bénéficier d'options d'édition basique. Il y a eu toute l'intégration de la division mobile de Nokia, bon là qui est toujours en cours du côté de Microsoft, donc ça reste encore quelque chose qui est, on va dire, en construction, mais qui est intéressant dans l'année 2015. Ils ont aussi ouvert beaucoup de leurs programmes. Il y a des programmateurs tiers, hein. Maintenant on peut avoir des licences ouvertes pour surfer sur Internet avec leur Internet Explorer, enfin leur nouveau Spartan, etc. Edge, voilà, j'ai oublié le nom, parce que c'était Spartan à un moment, le nom de code de Edge. Du coup, ils ont ouvert le code également à ça. Dans cette stratégie d'ouverture, elle s'accompagnait aussi d'une stratégie un peu plus agressive, marketingement, au niveau des prix, notamment par exemple pour tout ce qui était l'hébergement de données en ligne, hein. Ils s'étaient rapprochés de Dropbox et ils ont cassé les prix du stockage en ligne, proposant par exemple 10 teraoctets pour 7 euros par mois, donc ce qui était quand même hallucinant comme offre par rapport à ce qui existait à ce moment-là. Bon, bien sûr, il y a eu avec tout ça l'arrivée de Windows 10, hein, dans le cours de l'année, voilà, qui a été adopté, alors pas encore par une très très grande majorité des gens, même si ça a eu quand même un très grand succès, et notamment un succès critique, c'est-à-dire que pour une fois, Microsoft n'était plus montré du doigt en disant, bah voilà, on veut le... encore Microsoft nous propose un OS qui ne marche pas, hein, référence à Windows 8 qui n'avait pas eu un très bon succès, et qu'ils avaient dû même voilà, upgrader avec 8 points en remettant la barre d'accès, le menu démarrer, etc. Bah là, pour le coup, les critiques étaient beaucoup plus positives, tout le monde l'a plutôt bien accueilli, Windows 10 même. Voilà, tout n'est pas parfait, hein, bien sûr. Hein. Ceux qui utilisent Windows 10 doivent souvent s'énerver, n'est-ce pas, Stan ? Au niveau ergonomie, c'est vraiment pas bien passé. Voilà, il y a encore pas mal de choses. Donc, mais... ils ont encore des progrès à faire sur l'expérience utilisateur. Après, ouais. La stabilité, au voilà. Niveau de stabilité, je trouve que c'est un grand pas de fait. Et puis, il y a eu l'unification de tous les systèmes. C'est-à-dire que maintenant, c'est le même Windows. Quel que soit, on va dire, votre tablette ou votre téléphone ou votre ordinateur, ça va être le même Windows qui va s'adapter à l'écran, en fait. Donc, il y a eu une vraie volonté d'unification qui a été, pour le coup, très bien réussie par Microsoft dans cette année 2015. On a parlé un tout petit peu tout à l'heure de la Xbox, et c'est vrai qu'il y a eu aussi dans le courant de l'année pas ce retour en arrière, mais cette évolution de se dire on a peut-être fait une erreur en voulant se concentrer autant sur le Kinect, on va revenir là-dessus, on va proposer une Xbox sans Kinect pour pouvoir se réadapter au prix du marché, etc. Donc quand même une belle réactivité, même si à la base c'était un peu une erreur, ils sont quand même rendu compte que c'était une erreur et ils ont quand même eu quelque part les coronesses de dire ok, on a fait une connerie. Les coronesses. Ouais, les coronesses. Ils réagissent vite, quoi. Et ils ont bien réagi, ils ont réagi vite. Et ils ont compris que maintenant, parce qu'avant, ils mettaient Windows Vista et ils réagissaient pas. Tout le monde leur disait que c'était de la merde et ils faisaient rien. Alors que là, maintenant, on leur dit attention, les gars, ça va pas, votre truc. Et ils l'enlèvent, quoi. Donc, ça, c'est une vraie volonté de changement. Également, à côté de ça. Je parlerai aussi quand même dans l'année 2015 de ce qui a marqué Microsoft, c'est HoloLens, hein, on va en reparler peut-être un petit peu après, mais c'est pas parce que c'est un projet, on sait pas trop quoi en penser, etc., mais en tout cas il y a aussi une volonté de montrer Microsoft sous un autre jour que juste on fait des logiciels, etc. Ils se sont positionnés comme une entreprise qui imagine l'avenir et qui investit dans l'avenir en proposant des choses qui font rêver, justement. Ils sont plus là dans un truc, ils s'éloignent un peu ce qu'ils font avec la Xbox en disant on vend du concret et pas du rêve. Là, ils essayent de nous vendre du rêve. On verra au final si HoloLens c'est du rêve ou c'est un truc qu'on n'aura jamais ou qui marchera pas bien. Ça, on ne le sait pas encore, mais au moins, ils ont essayé un truc. Et quand même, les vidéos HoloLens, les premières annonces de HoloLens, ça a fait, quand tu regardes l'année 2015, sur Twitter, ça a déchaîné les passions. Il y a eu énormément d'articles et de retombées pour Microsoft via HoloLens. Donc, c'était plutôt une belle réussite de la part de Microsoft de montrer, en tout cas, ce qu'ils avaient comme intention avec HoloLens. Et puis, en fin d'année, ils ont continué un peu ce repositionnement de Microsoft via cette fois-ci des appareils, via plus des logiciels, et j'ai trouvé que c'était encore une fois assez intelligent pour Microsoft qui propose maintenant en plus d'un programme de plus en plus fini, un peu de plus en plus stable et de plus en plus joli. Maintenant ils proposent des appareils qui vont aller avec ça. Alors certes ils concurrencent Apple et de plus en plus on pourrait dire ils se rapprochent d'Apple, mais là j'aurais presque tendance à dire que, et même la critique est, enfin on va dire la réception critique est assez d'accord avec moi, c'est qu'ils dépassent un peu Apple sur ce côté-là maintenant, c'est-à-dire que la Surface Pro 4 en l'occurrence, puisque je parle de ça, et du Surface Book qui ont été annoncés en, on va dire aux deux tiers de l'année 2015, ont eu un accueil critique absolument hallucinant. C'est des appareils qui sont d'une finition quasi parfaite et qui ont en plus qui proposent des vitesses de calcul, qui proposent des conforts d'écran, etc., qui sont supérieurs à tout ce que peut proposer Apple. Donc là, ils sont vraiment... ça conclut, je trouve, une belle année de retransition, de repositionnement marketing pour Windows qui a été menée par Nadella d'une main de maître. Et qui est une vraie réussite parce qu'il y a un an et demi, Microsoft, tout le monde se foutait de cette entreprise. Et maintenant, c'est le Surface Book, il est bien, Windows 10 c'est stable, et en plus, il y a les HoloLens. Donc, ils ont bien réussi le coup, là, je trouve, en année 2015 pour Microsoft. Il y a un gros travail de fond qui a été fait. Après, moi, il manque toujours une partie de finition sur leurs produits, mais. Peut-être qu'ils viendront à prendre les choses en main de ce côté-là. Alors peut-être tu fais allusion à la Surface Pro 4 ou... Toujours, oui, toujours. Moi, c'est le problème d'ergonomie. Tu parles du programme, pas du produit alors. Non, pas du produit. La Surface en elle-même, elle est super. D'accord. Je parle du software. Oui, le software en effet là-dessus. Mais bon, après, moi perso, tu me mets sur un Mac, je comprends rien et je trouve que c'est super mal fait mon expérience utilisateur. Oui, mais moi qui ai un Mac et un PC qui passent de l'un à l'autre très facilement, à chaque fois sur PC, je suis perdu et bloqué alors que j'utilise mon PC tous les jours. Mais tous les jours, je me dis, mais comment je retrouve ces paramètres ? Il y a des trucs tout bêtes qui sont effectivement encore pas très bien fait. Au niveau des paramètres, c'est quand même une mais tannée. Par contre, l'autre volonté de Microsoft qu'on a vu dans l'année 2015, c'était aussi l'écoute et le retour des consommateurs avec tous les bêta-testeurs de Microsoft 10. Je suis de plus en plus content d'aller sur mon PC. Ouais, il y a eu une vraie belle année là pour Microsoft, j'ai trouvé. C'est vrai. Julien. Oui, c'est bah. Moi-même. Excusez-moi, je m'étais endormi. Non, pas du tout. Merci Julien. J'étais très attentif, c'est intéressant. Tu voulais revenir sur deux petites news. Est-ce que tu vas nous reparler des casques ? Oui, rapidement, parce que j'ai trouvé, on en a parlé tout à l'heure, mais pour la partie jeux vidéo, bah là, c'est intéressant parce que finalement, dans le podcast, on est quatre à pouvoir, tous les quatre, on peut accéder à la réalité virtuelle. Potentiellement, oui. Potentiellement en 2016. Et je. Il faut être combien à le faire finalement ? Parce qu'on a trois, il y a trois PS4 et un PC de compète pour Greg. Il y aura peut-être une PS4 aussi. Hein. Ou peut-être une PS4. Non, mais je sais pas. Mais c'est vrai que j'attends vraiment les premiers retours perso. S'ils sont plutôt enthousiastes et tout, j'en achète un. C'est sûr. Ouais. C'est quasiment sûr. Enfin, ouais, si j'ai l'argent, etc. Voilà, on va dire, j'ai l'argent et les retours sont bons. C'est clair, j'en ai un, ça me fait envie. C'est le premier essai. Voilà, j'ai l'impression qu'il faut en être. Enfin, c'est presque ça. Puis même, juste, j'ai envie. C'est un truc qui me fait rêver depuis que je suis gosse. Voilà, le cobaye, c'est parti. Quoi. Le film culte. Non, mais j'ai envie vraiment d'essayer le peu qu'on a essayé avec Stan quand je vais essayer. C'était quoi, du coup, l'Oculus Rift V2. C'était le V2, ouais. Bah, j'en ai encore des souvenirs. Parfois, j'y repense encore en me disant, mais c'était complètement fou, quoi. Et même juste parfois de stayer le cardboard ou de mettre son téléphone et de regarder une vidéo sur YouTube qui bouge en même temps que toi, ça fait la blague, quoi. Ça fait vraiment la blague. C'est super bien fait, ça, en plus. C'est super bien fait, ouais. Le casque au carton, moi j'en ai un, franchement c'est cool. Ouais, voilà, donc maintenant on a envie, enfin moi je parle en mon nom, en tout cas j'ai envie de passer à la prochaine étape. J'ai envie d'en avoir un. Toi, Julien, tu veux en avoir un ? Bah oui. Je me suis dit, ouais, comme ça, on pourra peut-être faire des. Je verrai plus vos gueules, on fera un podcast directement en réalité virtuelle. Ça fait toujours plaisir. Mais ce que je voulais dire surtout, parce que c'est par rapport à la news, c'est-à-dire que je trouve 2015, ça a été un peu le faux départ de la réalité virtuelle. Ouais. C'est-à-dire personne dans les. On va dire, il y a quoi ? Il y a Sony avec le PlayStation VR, il y a Oculus Rift, il y a le Rift. Hein. Le Vive. Le Vive, ouais. Bon, après, si, c'est quand même. Qui s'est lancé là ? C'était Samsung, non ? Comment ? Il y a eu Samsung qui s'est lancé. Le Gear. Voilà, chercher le nom. Ah, et en fait, finalement, là, il y a Vive qui a annoncé HTC Vive qui a annoncé la date. Ça va être printemps 2016. Mais pour l'instant, personne n'annonce la date côté Oculus et PlayStation VR. Et surtout, on n'a pas de prix. Quoi. Oculus, théoriquement, c'était en 2015. Hein, ouais. On se souviendra de ça aussi. PlayStation VR, on a juste un indice comme quoi ils considèrent que c'est un nouveau hardware. Ouais, mais qu'ils vont le lancer premier semestre. Console, quoi. Ouais, alors ouais, pour le prix. Mais je trouve que là, t'as l'impression qu'ils attendent qu'il y en ait un qui lance un prix pour essayer de se positionner par rapport à la concurrence. Alors que finalement, ils sont un peu de. Finalement, ouais, PlayStation, ils sont sur un matériel propriétaire, donc c'est un peu différent. Y a plus une concurrence entre HTC Vive et l'Oculus Rift. Un peu aussi le Gear, mais voilà, je trouve qu'eux, ils sont hyper prudents dans leurs déclarations. Enfin, tu sais pas quand ça va sortir. Bah parce qu'on sait très bien que la première génération va se planter, en fait. Enfin, quelque part, tout le monde le sait. C'est quelque chose, c'est normal, c'est une innovation qui est trop forte pour qu'elle réussisse du premier coup tout de suite à convaincre le masse média, en fait, masse public. Quoi, mais... Voilà, donc là, ils savent très bien, par exemple, les Zuckerberg le sait très bien, il le dit tout le temps, il dit, attention, vous allez être déçus par le premier Oculus Rift. Il veut pas que les gens n'entendent trop. Malheureusement pour eux, les gens l'attendent comme des oufs. Et voilà, et du coup, forcément, les gens vont être un peu déçus, nous, on va être un peu déçus, il n'y aura pas grand-chose à faire dessus. Et du coup, ça ne va pas être terrible la première génération, et pourtant, il faut vendre ça entre 350 et 500$. Donc ça va être quelque chose, un produit un peu, il va falloir faire avaler la pilule, quoi, la première génération. Et pourtant, ouais. Bon, voilà, nous on a envie, mais clairement, mais ça va être un peu pâché, tu vois, la première semaine où tu le fais essayer à tous tes potes et tu te dis, ah, c'est génial, c'est exceptionnel. Après tu l'utilises plus et après tu le rentres dans un coin. J'ai un peu peur de ça, moi, ça vu les expériences qui vont être proposées. Je parle vraiment là des expériences ludiques, parce qu'après, moi la VR, je la vois pas que sur le jeu vidéo, je la vois pour plein d'utilisations dans le futur, pour le monde professionnel, pour le monde médical, pour le monde culturel, tu vois. Je vois pas qu'une utilisation jeux vidéo ludiques, mais ça va prendre beaucoup de temps pour les musées, pour les agences de voyage, pour ça les sera agences. Même pas fin 2016, je pense que, non. Encore une fois, même les gens qui auront un casque de réalité virtuelle chez eux fin 2016 seront rares, en fait, il y en aura peu. Et genre, t'iras encore chez tes potes, enfin, pour la plupart des gens, ils iront peut-être chez un ami d'amis qui en a un pour essayer le truc, ou chez un pote. Ah, c'est ça. Voilà, chez le geek du coin qu'en a un, machin, mais je suis pas sûr que ça soit l'année de la démocratisation non plus, 2016. Non, ça sera l'année des premiers essais. Moi, je suis intimement convaincu que ce faux départ des casques réalité virtuelle est un bon départ, en fait. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'ils partent trop vite, comme on peut le faire dans. Encore une fois, Nintendo a vendu trop vite sa Wii U. Il vaut mieux qu'ils prennent leur temps, qu'ils repoussent et qu'ils nous proposent une expérience convaincante. Ouais. Le risque, c'est d'être un peu peu comme les écrans 3D, tu sais, le truc où à un moment c'était ils essayaient de nous vendre ça, les prochains écrans seront des écrans 3D, achetez tous des écrans 3D, personne n'a acheté d'écran 3D, enfin je veux dire, ça n'a pas marché. Mais rien, ça n'apportait rien, bah, et voilà. Des contraintes en fait. Et le problème c'est comme en fait ça va être un peu comme les consoles, même si c'est pas forcément que pour du jeu, le problème des casques de réalité virtuelle ça va être le contenu. Si t'as pas de contenu, t'en auras pas besoin. Oui, mais c'est parti du principe que les casques de réalité virtuelle comparé à la 3D apportent une expérience immersive instantanée et qu'il n'y a pas besoin de pédagogie pour les casques. Si t'en as très peu, si t'as que 4 ou 5 trucs à faire sur ton casque. Le problème c'est qu'il faut mettre des choses dessus. Voilà. La 3D, t'auras beau sortir des Blu-ray 3D, tout le monde s'en fout. Oui. Ça n'importe absolument rien. Pour moi, on n'est pas du tout sur le même niveau de. Heureusement. Bah, disons que si j'espère que, par exemple, si l'Oculus Rift sort en début 2016, enfin, on va dire premier semestre 2016, j'espère que Facebook va le sortir avec quelque chose, en fait. Ça ne va pas être juste vous pouvez acheter l'Oculus Rift. Ça va être vous pouvez acheter l'Oculus Rift, et pour info, il y a tout un Facebook qui existe maintenant, qui n'est que sur l'Oculus Rift, et vous pouvez le faire, et c'est un super site, et voilà ce qu'il apporte, voilà ce qu'il apporte, voilà ce qu'il apporte. Un Second Life ? Non mais voilà, je veux dire qu'ils aient eu l'idée d'un truc qui soit une utilité à cette réalité virtuelle, parce que pour l'instant, ça sera plus une expérience qu'une utilité. Ouais. Et du coup, ça, effectivement, l'expérience, bah, tu l'as fait 10 minutes, tu l'as fait à tes potes, tu t'en sers une semaine, et puis après, tu la poses dans un tiroir, et ça prend la poussière. C'est un peu... Moi, c'est ce qui me fait peur en 2016 sur la réalité virtuelle, en fait, c'est qu'il n'y ait pas de contenu. Et après, ouais. Est-ce que ça peut pas finalement être le... Bah, ce qu'en profite, c'est plutôt les lunettes de réalité augmentée. On pense notamment, on parlait d'HoloLens tout à l'heure, il y a les Google Glass qui vont revenir peut-être sous une autre forme. Ouais. Peut-être que ce sera peut-être ça la démocratisation de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée. Parce que c'est vrai que le problème des casques, c'est que bah, ils sont hyper contraignants, ils sont un peu anxiogènes, ils sont désociabilisants. Je suis pas sûr que les gens seraient prêts non plus à se balader avec des sortes de casques dans la rue, tu vois, type. Non, mais imagine si les lunettes de vue. Ah bah s'ils arrivent à ce niveau-là, oui, mais dans peut-être. Tout ce qui est prévu pour les projets Aura, là, les nouveaux les Google non, Glass, etc. Non, on se projette à très long terme, j'ai envie de dire. Ouais. Pas encore. Hein. Prévoit un truc un peu à la Vegeta hein, pour l'instant. Hein. tu vois, It's Over 9000. Voilà, là, t'as tous les geeks qui achètent ça. Bon, enfin bon, après, faut assumer le boulot avec ton truc de Vegeta. Salut patron. La puissance de ton baisse. C'est ça. Oh, je vais le défoncer. Après, il y a un point dont on n'a pas parlé, c'est l'industrie du porno qui va se lancer beaucoup dans le. Ça, c'est un grand dans, espoir. Hein. Dans la réalité virtuelle. Et c'est souvent un vecteur. Ouais, c'est vecteur un vecteur. Je veux dire, c'est un acteur de l'industrie qui a parfois fait pencher des technologies complètes. DVD, Internet, tout ça, c'est grâce au porno. Que non, ça, mais à chaque fois qu'une technologie marche, c'est grâce au porno que mais ça a explosé. C'est clairement. Le porno qui fait toujours donc, démarrer. C'est un très bon signe que le porno. Mais d'ailleurs, il y a des films 360 faits en porno déjà. Bah, c'est une très bonne nouvelle. Il y a des problématiques qui arrivent. Qui sont ouais, mais alors, est-ce que là, on n'arrive pas à la limite où les gens sont prêts à accepter de voir du porno, tu vois? C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est tellement réaliste. Ouais, c'est tellement. Effectivement, c'est comme là, tu dis. On n'est plus dans regarder un film. Il y a une espèce d'expérience comme ça, complètement immersive. Bah, t'es dans une pièce où tu vois les gens qui font l'amour, quoi. Ouais, mais c'est quand même un peu différent. Il y a l'écran, on casse un peu l'écran. Oui, c'est vrai que t'as l'impression d'être dans la en pièce même temps, avec quand eux. Quand tu regardes la porno, t'es content que ce soit immersif en théorie, non? Je sais pas. Bah, je sais pas si c'est une technologie. Je pose des questions. Est-ce que la technologie se prête à ça? Je sais pas. C'est vrai que. Mais en même temps, elle aurait besoin d'un truc pareil pour exploser parce que sinon, effectivement, mine de rien, il y a plein de gens qui l'achèteront pas, quoi. S'il y a pas de porno dessus. C'est con à dire, mais ça joue vachement, quoi. Ouais. Donc, mais là, j'ai l'impression que ça peut être le moment où on arrive au plafond. Enfin, on a un truc où. C'est le contenu, quoi. C'est le contenu, encore une fois. Il faut qu'il y ait du contenu pour plaire à tout le monde, quoi. Surtout, peut-être que si quelqu'un arrive à nous faire une sorte de navigateur Internet en mieux, qui soit adapté à son Oculus Rift, je pense à Facebook, justement, et qu'il y ait une vraie expérience qui soit intéressante d'avoir une sorte d'Internet devant soi dans lequel on peut interagir, etc., il y aura peut-être un intérêt. Mais si c'est juste regarder 2-3 softs, regarder tel programme, ah tiens, on se balade dans une maison, ouais, il est beau ce vase, super, enfin voilà, ça va pas nous amuser longtemps, quoi. Donc c'est pour ça que moi je l'achèterai pas tout de suite. C'est pour ça que même si j'ai le PC j'attendrai d'avoir les retours. Le Wow Effect, quoi. Bah plus que ça, le Wow Effect. On veut l'inverse. L'application la Killer App. Voilà, la Killer App. La Killer App qui fait que tu t'en sers. Ouais, parce que le Wow Effect, tu l'auras. Oui, on l'aura. Le Wow Effect, il est là dès que tu le mets sur les yeux. Mais effectivement, le côté le truc qui va le rendre légitime, quoi. Pourquoi je le remets demain, tu vois? Pourquoi je le remets demain? Est-ce que j'aurais besoin de le remettre demain plutôt que de le mettre devant mon PC? Voilà, c'est ça qui manque pour l'instant. On va le mettre une fois, on va faire waouh, puis après on va se remettre sur notre PC, on va dire bon bah ça va plus vite comme ça, quoi. Ouais. Donc mais en tout cas ouais, ça sera vraiment l'année des premiers Tesla 2016. Hein. Je pense pour beaucoup de gens. Bon, parce qu'il y a encore pas mal de gens qui n'ont pas testé, mine de rien. Tu veux aborder ton deuxième point aussi? La guerre, ouais, parce qu'on a beaucoup parlé cette année du streaming musical, parce que c'est vrai que l'industrie musicale, elle a un peu redressé la tête, notamment grâce au streaming. Hein. On était dans une période où les gens téléchargeaient massivement, où on n'achetait plus beaucoup de contenu physique. Donc c'est vrai que l'arrivée de cette plateforme, la première dont on a beaucoup parlé, c'était Tidal. Tidal. Donc Tidal, c'est cet acteur scandinave du marché. C'est pas eux qui ont le plus aidé la musique à se redresser. Mais donc on a beaucoup parlé puisque ça a été racheté par Jay-Z et ça avait été lancé en grande pompe. Hein. On avait longtemps parlé avec toutes ces stars de Daft Punk, Arcade Fire, Madonna, Beyoncé, Alicia Keys qui avaient lancé tout ça en disant voilà, c'est l'avenir de la musique aux artistes et l'acheter $20 pour avoir de la bonne qualité musicale. Voilà, ça n'a pas du tout pris parce que c'est très cher. On a vu aussi que ça tournait beaucoup autour de contenu exclusif. Ce qu'ils essayaient de faire, hein, c'était de donner des choses que tu ne peux pas avoir sur les autres plateformes. Donc moi, je trouve que c'est un point qui est un peu dangereux parce que après, si tu as une plateforme qui détient l'exclusivité d'un album pour un artiste, c'est très chiant, c'est ça. Très problématique. Ouais. On a eu aussi le lancement, toujours en grande pompe aussi, parce que c'est Apple de Apple Music. Ouais. Bon, pour le coup, qui a quand même mieux marché que Tidal, même si on s'attendait plutôt à un raz-de-marée vu le nombre de comptes iTunes qui possédaient. C'est un peu un semi-échec, hein, quand même. Le taux de transformation qu'ils pouvaient espérer. Alors, ils sont arrivés avec une offre, finalement, qui apportait rien de plus que les autres concurrents qui étaient déjà sur le marché, comme Spotify et Deezer, et pas beaucoup plus que Tidal. Il y avait juste leur offre famille qu'on avait trouvé intéressante avec plusieurs comptes pour 9,99$. Potentiellement dangereuse pour les artistes, tellement elle n'était pas chère. Voilà. Fait, hein. C'est-à-dire qu'après, voilà. C'est... On a eu la Reine Blanche qui est intervenue, Taylor Swift. Ça n'allait pas. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'elle a pris la parole pour ça parce que justement, les artistes, ils. En plus, on voit avec des choses comme Tidal, tu peux te dire, ça va peut-être être les plus gros artistes qui vont être les mieux rémunérés. Et encore, je crois que Tidal, c'était parmi ceux qui rémunéraient le plus les artistes, quand on voit ce que ça rapporte. Et finalement, on a vu que ceux qui... On les donnait pas forcément... perdants, mais on allait dire qu'ils allaient peut-être subir le contre-coup de toutes ces annonces, c'est Spotify. Et puis finalement, Spotify se maintient plutôt bien. C'est presque ceux qu'on ressort le plus gagnant, en fait. Ils ont annoncent toujours des chiffres d'abonnement hallucinants. Ils annoncent des chiffres très très bons. Ils ont pas mal de nouveautés qui vont arriver là en 2016. Donc ils sont à la fois remis en question, parce que c'est vrai que quand Apple arrive sur ton marché, tu te dis quand même qu'il faut peut-être réagir. Bon, Deezer, ils sont dans une position un peu plus délicate, un peu moins confortable que Spotify. Mais voilà, je trouvais que c'était une des données de l'année, cette grosse lutte du streaming musical et de l'industrie qui essayait un peu de se remettre un peu en ordre de marche après des années où ils ont simplement cherché à victimiser les gens qui téléchargeaient les méchants. Ouais, à côté, ouais. T'as raison, puis à côté de ça, il y a toujours les mégastars, un peu comme tu l'as dit, Taylor Swift ou justement Jay-Z, qui cherchent un peu leur place à travers ces plateformes. C'est-à-dire que t'as des Taylor Swift qui disent moi je ne vais pas être présente sur celle-ci parce qu'elle ne me rapporte pas assez et que c'est normal d'être payé pour son salaire, quelque part pour son travail, quelque part à la raison. Jay-Z qui lui se dit peut-être qu'au contraire, il faut que j'en achète une pour être dans le truc. T'en as d'autres qui peuvent pas, qui ont pas autant, sont pas autant médiatiques, on va dire, et qui juste quittent les plateformes, mais du coup se privent d'un revenu qui maintenant est devenu quasiment obligatoire, même s'il n'est pas énorme, parce que effectivement les gens n'achètent plus de CD au moins une exposition. Voilà, donc les artistes à côté nous ont fait un peu des sorties toute l'année qui ont garanti toutes nos news techno facilement, notamment Taylor Swift. Merci à toi si tu nous écoutes. Comme elle nous écoute, bien sûr. Non, puis après, ce qu'on constate, c'est que les artistes qui marchent, quoi qu'il arrive, comme Adele, se disent clairement moi je veux pas être sur le streaming. Son dernier album n'est pas en streaming, elle le vend, elle se fait plein d'argent et puis c'est tout. Comme Taylor Swift, l'album le plus vendu depuis des dizaines d'années aux États-Unis, c'était Taylor Swift. Il faut dire que le modèle à la papa, j'ai envie de dire, c'est on achète un album, ça apporte beaucoup d'argent à l'artiste. Et le modèle streaming, c'est un modèle qui est un peu plus. J'en achète plus d'albums, il n'y a que Julien qui achète encore des albums. Je veux dire, en France. C'est ce que j'allais dire, ça vaut pour quelques artistes dans le monde qui sont capables de vendre des albums parce que c'est les gens ils vont l'acheter directement sans savoir vraiment sans l'écouter après peut-être à Noël aussi ça marche peut-être mieux la vente physique de CD encore il y a des lives après qui sont devenus vraiment une source importante de revenus pour les artistes alors bien sûr pour certains artistes ça a toujours été le cas les gros artistes les U2 les Madonna ils se font la plupart de leur thune en fait via des lives parce que c'est des vraies machines à sous mais par contre pour les plus petits artistes maintenant les lives ont pris une proportion complètement différente dans l'apport de leurs revenus puisque c'est là en fait où ils vivent maintenant de leur représentation musicale en direct, là où avant ils pouvaient vivre juste des ventes de CD. Moi, ce que je préfère personnellement. Oui, beaucoup de gens préfèrent ça aussi, mais je sais pas c'est si vrai que maintenant, quand tu fais une reformation, à la limite, l'album, tu le fais juste par support pour dire tiens, on a un album, on le présente, mais surtout, il y a une tournée qui arrive en 2016, on se reforme et on va vous faire tous les tubes que vous avez aimés. Ça a toujours été important les lives, mais de plus en plus presque en fait. Maintenant, financièrement, pour les artistes, c'est une obligation en fait. Donc tant mieux pour nous. Bon, année intéressante au niveau du streaming, quoi. Transition encore. Beaucoup de transitions, c'est bien. 2015 aura été une année de transition. Bon, super. C'est tout pour la partie techno. Bah oui, on n'a pas d'autre chose. Hein. Après, on peut réécouter les podcasts. On n'a pas de conseils dans la partie techno. Mais... Non, mais c'est vrai. Écoutez tel podcast, on a trop bien parlé en techno. C'était trop bien. Parce que notre conseil, c'est d'écouter notre podcast. Ouais, c'est ça. Non, mais c'était bon. Je voyais pas d'autres choses. Enfin, il y a eu sûrement d'autres choses. Mais... Non, ouais, c'est les grandes actualités oui, techno. Oui. La loi du renseignement, ouais. Non, très bien. On va évoquer les sorties ciné dans les semaines à venir, déjà. Il y a des films qui sortent, là ? Il y a des films qui sortent. Non, je crois pas. Le 16 ? Il y a un truc le 16 ? Je suis pas sûr. Bon, le 16 décembre, qu'est-ce qui nous arrive le 16 décembre ? Bah, écoute, on vit plus, on dort plus, on mange plus, on va au ciné. En tout cas, Dim. Pas pour ceux qui ont les places, qu'on reste les places. Dim voilà, à sa place, voilà. Hein, Star Wars, voilà. Moi, mercredi, 14h, les gars, vous penserez à moi. Ouais. Dans ta salle où ça sera hyper blindé, il fera ultra chaud, ça sera hyper désagréable, on pensera à toi, salaud. Bah, c'est vrai que ça me fait un peu peur, hein. J'ai vraiment peur des gars qui sortent sur le téléphone. Tu l'attends trop, tu vas être déçu, moi, je pense. Non. Ah, il y a des mecs qui vont commenter en direct au téléphone. Ouais, c'est ça. Oh, je suis au téléphone, là, attends. Oh, attends, putain, il y a Leia qui vient de mourir. Oh, merde. Ou des mecs avec les casques de Dark Vador qui font 2m50 et tu vois rien parce que t'es derrière. Ah, ouais, non. Je compte quand même arriver assez tôt pour bien choisir ma place. Le même qu'on conseille. Tu m'as dit que t'allais arriver la veille. C'est la veille, je crois. Il y a des gens qui vont dormir devant, forcément. Bah de toute façon, la règle d'or quand tu vas au ciné, c'est de se mettre sur le côté, quoi. Comme ça, au moins, tu peux changer de place. Ou je sais pas, je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, c'est au milieu. C'est au milieu. Non, c'est le côté, au il a raison. Milieu, je déteste. Tu vois, on sent les mecs qui ont pratiqué la carte UGC là. Tu en vois plus, si voilà, tu vas aller faire pipi, quand pourquoi tu... sur le côté, mais vous êtes fou. Bah, au milieu, si tu veux te barrer déjà, tu peux. Voilà, si c'est nul, tu peux te barrer tu facile. Tu pars pas, tu dors. Si tu dois aller faire pipi, tranquille. Si tu veux changer de place, facile. Voilà, c'est le côté. Le côté. Voilà. Le milieu, tu fais chier toute une rangée. Bah, tu t'en fous de faire chier une rangée. Ah, c'est le conseil ultime, effectivement, du podcast. C'est mettez-vous sur les côtés au cinéma. N'allez pas voir cette merde. Julien, toi, t'as évoqué un autre film. J'ai évoqué quoi ? Je me souviens plus. Skinny Sister. Ah ouais, Skinny Sister, qu'est-ce parce que j'ai vu le. Au début, j'avais sélectionné comme toi là, la vie très privée de Monsieur Sim. Ouais. Voilà, Skinny Sister, c'est un film qui ressemble un peu à un film indépendant américain, mais version scandinave. Donc c'est l'histoire d'une petite fille Donc c'est chiant. Non, ça a l'air très bien. C'est l'histoire d'une petite fille qui est un peu boulotte et qui dont la sœur est voilà donc la sœur donc d'où le titre Skinny Sister est très mince et fait de la danse donc c'est un peu son modèle et elle va découvrir quand même que cette sœur elle a un secret un peu étrange. Non mais ça a l'air très très bien. C'est vomir quoi en fait, c'est ça. Moi je crois que c'est ça. Je crois qu'elle a l'anorexique, je crois que c'est ça le secret. J'ai pas mais le film sur Sim ça a l'air plus marrant. Il était bah, arrête de défoncer mon Skinny Sister, ça a l'air très bien. J'ai regardé Laisse le Bouboule 2015 de Julien Tranquille. Le remake Bouboule suédois. En fait pour essayer de le vendre, il présente ça comme un My Little Miss Sunshine version scandinave. Ah ok. C'est toujours ça, c'est My Little Miss Sunshine. Non mais en plus, l'actrice qui joue le rôle de la petite fille. Un peu rondelette, on va dire, qui est un peu l'équivalent de Bouboule. elle a l'air vraiment excellente dans le rôle. Elle est très bien choisie. J'irai voir la bande-annonce. My Skinny Sister. Bon, moi j'ai mis un peu de film français quand même pour défendre un peu. La vie très privée de Monsieur Sim. La vie très privée de Monsieur Sim, c'est le mec qui a fait Le Nom des gens. Ouais. Les grosses têtes. Hey, Sim. Ah putain, Sim. J'avais oublié ce mec. Il est mort, non? Oui, il est mort, Sim. Il est mort, Sim. Attends. Il avait déjà 90 ans, il y a 20 de ans. De silence pour Sim, s'il vous plaît. Non. Bon, bref. Non, c'est un film avec Jean-Pierre Bacri, ou s'il fait du Bacri, ça a l'air bien. D'accord. Voilà. Bon. Honnêtement, j'avoue que j'ai vu la bande annonce hier, ça avait l'air d'être sympa. Voilà, ouais, Bacri, sympa. Il faut aimer Bacri, hein, ouais. C'est du Bacri quoi. Et après, Le Goût des Merveilles, mais ça c'est parce qu'il y a Virginie Efira dedans. Ah oui, ah bah attends, mais moi aussi je choisis ça, pas Star Wars. Bah Virginie Efira, attends. Ouais, ah bon Virginie Efira, moi j'adore. J'adore Virginie Efira. Mais vous l'adorez quoi Physiquement. Non, bah, enfin, moi physiquement. Moi plus pour son jeu d'actrice. Physiquement, ouais. Mais en tant qu'actrice, en plus là je trouve qu'elle a tendance à un peu. Tu vois, c'est un peu empâtée quoi. Attention à ce que tu dis sur Virginie Efira. Non, tu sais, elle a l'impression qu'elle a le colo quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Mais si tu la vois, elle nous écoute. Un peu bouffie, quoi, tu vois. Ah non, moi je la trouve magnifique. Non, mais je la trouve jolie dans le film en plus. Je trouve qu'elle est rayonnante. Enfin, je sais pas, j'aime beaucoup. Super, le film est archi comme la pluie. Je joue pas Jérémy Renner non plus. Non, mais en plus, je dis ça, c'est vrai qu'elle a pas l'air de si mal jouer que ça. Moi je trouve qu'elle joue toujours juste. J'aime bien en fait. J'aime bien ses compositions à chaque fois. Oui, elle joue pas trop mal. Je suis client, je suis client. Je préférais dans La Nouvelle Star. Non, elle a présenté ça, non ? Ouais, elle est mieux en actrice, honnêtement. Ah ouais, ouais. Je l'aimais bien dans la série qu'elle avait fait sur M6 où elle jouait son propre rôle. Ah, elle était drôle là. Ah, ouais. C'est là où je l'ai découverte. Non, elle est drôle en plus. Elle est oui, plutôt. Moi, je trouve qu'elle a beaucoup drôle. Dans 20 ans d'écart, distance, elle est belge. Hein. Voilà. C'est tout. Est-ce que je dois faire une autre coupure au montage, Grégoire ? Bon bref, le 23 décembre, qu'est-ce qu'on a retenu, tiens, Grégoire, que tu... Alors je ne sais plus le titre du film, tu peux me le dire. The Big Short, voilà. La case du siècle. Et le 16, on va tous voir Star Wars quand même, non? Ah bah oui, bah non, il y a plus de place. On essaiera, mais ça va être compliqué quoi. Moi, ouais, il est dans ma liste. The Big Short, ah oui. Pourquoi j'allais sélectionner ça? Bah déjà le casting, Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, Brad Pitt. Bon, ça Julien, t'as pris pareil. Ouais, j'ai pris Big Short. Ça raconte quoi, Wall Street 2005? Je vous lis le résumé de notre partenariat Allociné. Profitant de l'aveuglement généralisé des grosses banques, des médias et du gouvernement, quatre outsiders anticipent l'explosion de la bulle financière et mettent au point le casse du siècle. Michael Burry, Mark Baum, Jared Venet et Ben Rickert, des personnages visionnaires et hors du commun qui vont parier contre les banques et tenter de rafler la mise. Bon, après, voilà, la réalisation t'as avait l'air... T'as vu la bande-annonce ? Ouais. Ça a l'air bien ? Ça a l'air pas mal, réalisation assez posée, belle photographie, et surtout le jeu des acteurs, même dans la bande-annonce, je l'ai trouvé quand même assez prometteur. Pour c'est quoi, c'est du grand humour, quoi, c'est un film. Non, non, ça sera pas drôle. C'est du premier degré ? Bah, ça a l'air d'être entre le film de Cass et Ocean Eleven, quoi. C'est un peu ça, ouais, c'est entre Ocean Eleven, c'est drôle. Bah oui, mais ça a l'air moins drôle que Shane Evans. C'est moins drôle, je pense. C'est plus premier degré, donc. Parce que c'est une histoire vraie, en plus, à la base. Hein, oulala, pour info. Ça me fait peur, ça. Mais bon, le cast m'a fait... juste sur le cast, ça m'a vendu du rêve, quoi. Et puis quand tu vois Steve Carell, il faut aller voir la bande-annonce. Mais quand tu vois la bande-annonce, déjà, bon, il fait... J'adore Steve Carell. Ouais, là, franchement, ça fait... J'ai ça donne non, mais ça. Le côté histoire vraie, c'est pour dire s'il y a des merdes, des incohérences, c'est pas nous, quoi. D'accord. Ça vous paraît incroyable, bah, c'est quand même arrivé, les gars. Vous savez, parfois, la réalité dépasse la fiction. Ça, c'est quand t'as pas écrit ton scénario. C'est une histoire vraie. D'accord, et Julien, tu nous as mis le chef-d'œuvre de l'année 2015, Le nouveau. Non, parce qu'au début, je regarde un peu, je fais un panorama de tous les films grâce à notre partenaire Allociné qui doit nous envoyer dans des places. Alors, on attend quelques semaines, j'essaye de regarder mes films sur Sens Critique. Hein. Ah bon, merde. Ah ouais, oui. C'est pas comme ça qu'on aura des invités à l'avant-première de Star Wars, Stan, bordel. Ouais, mais on vous aime. Franchement, vu la pub Allociné et Netflix qu'on fait, on pourrait quand même avoir des petits trucs. Ah, il y a un moment, j'espère en fait. Pour les vieux corrompus. Pour les podcasters qui nous écoutent, c'est ça le plan quand même. On fait beaucoup de pubs. Nintendo, j'ai dit pas mal du bien de vous dernièrement. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est vrai qu'on reçoit rien. Et donc, le nouveau, Julien. Le nouveau, donc voilà, je me suis dit, je vais prendre un film un peu à la con, genre Aladdin, comme à l'époque. Donc, c'est une comédie avec Max Boulbil, mais qui n'a pas forcément le rôle principal dedans. Je m'attendais à un truc où il fasse son show. Et en fait, c'est l'histoire, alors, d'après ce que j'ai compris en voyant la bande-annonce, c'est un nouveau qui arrive dans une école, mais c'est un enfant, quoi. C'est un teenage movie, un pré-teenage movie. Ouais, mais voilà, et en fait, c'est quand même assez drôle. Ah ouais, la bande-annonce est plutôt marrante, il y a des trucs bien donc sentis. C'est une comédie alors. Hein, voilà, c'est totalement une comédie. Alors, c'est présenté comme la comédie française la plus impertinente de ces dernières années, je ne sais pas si c'est vrai. Et j'ai pas vu trop de signes d'impertinence, à part un ou deux trucs qui sont Max qui sont assez marrants. Il joue quoi, il y a un prof ? Bah, il joue, je crois, le frère d'un de ses copains, ou je sais pas si c'est le grand frère d'un de ses copains, qui va essayer de lui donner des conseils pour séduire une fille dont il est amoureux. Ça a l'air vraiment bien. Dit comme ça, franchement, Max Boulbil déjà, puis alors en plus. Non, mais attends, pour aller à sa défense, Max Boulbil était super dans Les Gamins. J'ai pas vu. Ouais, ah, avec Alain Chabat. Mais j'ai pas vu. Il faut que tu vois Les Gamins, c'est oui. Très sympa comme film. Écoute, non, mais attends, en plus, Greg il raconte de la merde sur le film, mais tout à l'heure, avant off, il me dit ah ouais, le film n'a pas été mal accueilli. Oui, c'est vrai, non, c'est vrai. C'est vrai que j'ai dit ça. C'est vrai que les critiques ont été plutôt bonnes, mais notamment pour les jeux des gamins, ouais, justement, des 4 ouais, enfants là. Ça sonne assez juste parce que généralement, ouais. Les gamins, tu vois le truc, genre le petit Nicolas, mais ils jouent alors comme que... des quiches, t'as envie de les frapper et de les assassiner. Les critiques étaient assez sévères avec Max Boulbil par contre. Ah bon. J'en sais rien, je dis ça comme ça. Voilà, donc le nouveau, j'irai pas le voir, mais quand il passera. Dans Canal Plus à la demande, je le regarderai avec grand plaisir. Bon, tu nous tiendras au courant. Toi, tu vas regarder La Famille Bélier. Hein, voilà, une autre merde. Tu l'as toujours pas vu ? Non, mais je vais regarder ça. Moi. Tu nous conseilles des films au ciné que tu vas pas voir au ciné en fait. Non, moi je vous dis, je vais voir que des dessins animés. Je ne peux pas. Voilà, bah, donc là, bientôt, je vais pouvoir voir les films de cette année. La Famille. T'as toujours pas vu Bouboule, mais t'as vu finalement l'autre. Benoît Bricefer, non. Ouais. Ah, tu l'as pas pris, Benoît Bricefer. Prends-le. Passe une bonne soirée. Oui, et puis fais-nous un débrief, quoi. Qu'on se barre avec. Celui-là, il m'intrigue quand même. Benoît Bricefer, j'aurais eu quand même envie de le voir. Ah, les effets spéciaux, apparemment, c'est pas mal. C'est du lourd. Non, j'ai vu Samba. Oh, c'est nul. C'était chiant. Putain, c'est nul. J'ai vu pire. C'est chiant. Oh, j'ai vu pire, je m'attendais à pire. J'ai rarement vu pire. Je pars avec le truc de me dire ça va être une grosse merde et finalement. Ouais, c'était ni drôle ni pas drôle en fait. On n'est pas loin de la grosse merde. Non, mais c'est les mecs qui ont fait. Oui, mais c'était ni drôle ni dramatique. Ça s'appelle ce film Intouchable. Intouchable. C'est Chia Malan qui a réalisé Samba. Ça fait hyper peur, il y a un twist à la fin. En fait, il est mort, le gamin. En fait, il est mort. Bon, bref, sur ces bons conseils. Ainsi s'achève notre podcast, le Upcast 22. Voilà, vous pouvez le retrouver sur iTunes, Upcast, mettez-nous des petites étoiles ou des commentaires, hein. On est toujours contents. Ouais. Est-ce que je parle encore de Twitter? Oui. Ah oui. On annonce nos podcasts une fois toutes les deux semaines, hein, fidèlement. J'ai tweeté hier. J'ai tweeté. Oh, c'est vrai ? Sérieux ? Ouais, j'ai mis qu'on enregistrait. On est même pas au courant qu'il y a des tweets. Ah, vous avez vu, ça, c'est un compte Twitter actif. Voilà, j'ai mis on enregistre au programme, on reviendra sur l'année écoulée. Bien joué. Oh, pour faire un peu de teasing, je m'inspire un peu des plus grands comme Disney. Que je prenne l'application Twitter. Ouais. Donc c'est @upcastfrance. Voilà. Et le plus important quand même, sur notre site upcast.fr, vous pouvez retrouver notre podcast téléchargeable en MP3. Oui. Chapitré. Oui. Et les commentaires. Voilà. Voilà, mettez-nous des petits commentaires, on y répond. D'ailleurs, parfois on discute entre nous. J'ai eu une discussion avec Dib. Le... Ça va, les gars, on vous emmerde pas. Dans nos commentaires, on a discuté. C'est un peu un truc. Un petit café, un petit. Voilà, bah écoutez, on vous souhaite une très bonne fin d'année. Bah ouais, joyeux Noël. Bonnes fêtes. On vous retrouve en début janvier. Ouais, en janvier. On sait pas quand. On sait pas quand encore. Hein, autour du 15, j'imagine. Ouais, plutôt le 10, c'est ça 10-15, ouais, on verra. 10-15. Non, mais je sais pas. Vers le 10, je crois, c'est 10. Vers le 20-30 février, quoi. Voilà. On prend des vacances. Bon, bah salut les gars. À très bientôt. Il y a un truc musical, non y a une, Ah oui, musicalement, qu'est-ce qu'on écoute? Ah oui, oui, musicalement. Bah, on va écouter donc Subjan Stevens. On en a parlé tout à l'heure dans les albums que j'ai retenu cette année et que Greg a retenu aussi. L'album Carrie and Lowell, et le morceau, c'est The Fourth of July. Allez, portez-vous bien. Salut tout le monde. Salut, à salut tous. Bonne fête. Ton salut était drôle, le début. Ça a coupé au milieu de ta phrase, ça a fait. Ah, isolé, l'espèce de bruit de merde. Il veut faire un yoke. Le bruit de merde qui tombe dans les chutes, faut l'isoler et le remettre à la fin. La musique. Dragonfly.